Ouais. Est-ce que je pourrais avoir un FIFA 14? Un FIFA 14, ben justement, on va les distribuer là. On va vous contacter. Merci hein, pour tous les messages que vous avez envoyés sur la page Facebook Love in Fun. Et bah tu sais quoi? Tu vas pouvoir le demander à Mickaël justement, qui est avec nous là, qui nous entend. T'es là Mickaël? Non, pas du tout. J'ai décidé de me lancer dans la chanson. J'arrête définitivement la médecine. Mais c'est le doc Oui, exactement. Tout à fait. Et est-ce que tu peux filer un FIFA 14 à Swan, Mickaël? Laisse-moi réfléchir. Espèce d'enculé, va. Ah merde, je me suis trompé, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Bon, c'était non en l'occurrence. Hein. Non. Comment on fait pour les gagner dans ton émission, Mickaël? Je n'ai pas encore réfléchi, je vais voir. Non, on va faire la colle dans quelques instants. On va vous filer, la PlayStation 3 avec FIFA 14. Voilà. Donc, mais par contre, il va falloir évidemment répondre à la colle, c'est ce qui va se passer dans un instant. Quoi. Eh ben, c'est plutôt cool. Donc, pour Swan, t'es bonne toujours colle. Là, Swan? Il est parti dégoûté. Non, je crois, oui. Swan? Oui. Ouais, Swan, tu restes branché avec Mickaël, d'accord? D'accord. Tu vas pouvoir le gagner. Je rappelle qu'il a 13 ans, elle devrait déjà dormir. Hein, oui. Mais non, pas dire ça. Pour les 5 dernières minutes. Ouais, bah tu raccroches pas, d'accord? Salut. D'accord. On va t'envoyer ton pack Love in Fun et Mickaël tous les soirs à partir de 23h jusqu'à 2h du mat. Eh oui, en pleine forme. Et vous, ça a été aujourd'hui? Écoute, très bien. Une bonne émission. Doc est en forme ce soir. Hein. Ah oui, mais j'ai entendu encore sa belle chanson. Ah mais oui, c'est trop grand, grand chanteur mais surtout plein de vannes ce soir le doc. Ah bah tant mieux. Et avant de terminer l'émission doc, est-ce que tu pourrais nous faire une de tes fameuses citations? Ah oui. À laquelle? Non, j'ai oublié. Oh doc. Attention doc, après moi, ce n'est ce n'est pas ça. Voilà. C'est parfait. Ah, oui. Eh ben, ça va me faire une bonne émission. Et ton corps change. Bah, bien sûr, on va l'avenir il a temps. Il a bien changé le tien. Ah, oui, je te confirme, ouais. Bon, ben à demain, Love in Fun à partir de 20h. À demain, Mickaël. Allez, ciao. Salut. Ciao, ciao. Mickaël. Love in Fun. Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça y est, c'est parti pour 3 heures ensemble. Bah, j'espère que vous avez passé une bonne journée en l'occurrence, hein, en pleine forme. Espèce de petit pili de merde, va. Oui, comme notre ami le Corse qui a passé une très très bonne journée aussi, hein, bon voilà. Donc nous on est au taquet ce soir, l'émission s'appelle Mickaël No Limit, moi c'est Mickaël, on est là du lundi au jeudi de 23h à 2h, et puis le dimanche soir évidemment de 20h à minuit. Alors pour passer l'antenne, c'est facile, et bah, vous faites tout simplement le 01 42 48 5000 et le 02 851 4x0 si vous êtes en Belgique et vous arriverez ici. Voilà, comme Xavier avec nous maintenant. Bonsoir Xavier. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien toi? Bah écoute, ma foi plutôt bien, à part notre ami Corse là qui était en pleine forme. Je crois que le Corse a un truc à te dire, Xavier. Le Corse? Espèce d'enculé, va. Oui, bon voilà, il a pas grand chose à dire, hein, mais il le dit toujours avec conviction, ouais, c'est le principal. Ah mais c'est bien, il a de la conversation. Ah mais bien sûr, évidemment. Bon Xavier, alors, qu'est-ce que t'as passé une bonne journée toi? Ouais, nickel. T'as fait quoi de beau? Oh, je me suis baladé un petit peu, j'ai taffé un petit peu là cet après-midi, mais sinon ça va. D'accord, très bien. Bon, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Eh ben, en fait, moi je suis rondé agent de sécu, et puis j'ai grillé des gendarmes en train de s'envoyer en l'air. Non, c'est bon ça. Moi je pensais que c'était plutôt l'inverse, c'est genre que t'allais griller, que tu t'es fait griller par les flics par exemple. Ah non, c'est l'inverse, c'est encore mieux là. Ah d'accord. Ah oui, tu vas nous en parler, ben, je te le confirme, là, reste là, tiens. Et Sandro est au standard aussi justement là. 01 42 48 5000 si vous voulez l'appeler, n'hésitez pas évidemment, et tout t'inquiète, de toute façon on a que ça à faire. Hein. Bah c'est ça, on voilà, c'est ça, exactement. Voilà, vous je l'appelez. Suis pas sale. Vous l'appelez, il n'y a pas de problème, aujourd'hui il est venu en mobilité avec Top. Voilà, donc là, si vous aussi, vous avez envie de faire un petit tour avec la mobilette de Toff, n'hésitez pas. Mais oui, elle adore ça, Sandro. Exactement. Bon, le problème, c'est au niveau de l'odeur aussi avec Toff, hein, mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Ah bah, faut aimer. Bon, ça va, disons que c'est dérangeant, mais ça va encore, ouais, quoi. C'est les premiers 200 mètres qui sont difficiles. Ouais, voilà. Après, il y a l'air et tout, ça va beaucoup mieux. Bon, et puis nous avons également le Polo, le romantique de l'émission. Oui, je suis voilà, là. C'est ça, le romantisme même avec son pipeau, bien sûr. Voilà. T'as déjà réussi à draguer Xavier toi grâce au pipeau de Polo ou pas? Franchement, ça va rien donner. Hein. Ah ça va. Bon si. C'est il parce faut, que... il faut. Voilà, c'est ça, c'est parce qu'après tu cherches pas aussi bien, tu cherches pas là où il faut chercher, c'est ça le problème. Hein, sûrement. C'est ça. Mais oui, non, mais voilà, sûrement, exactement. Sûrement. Bon, et puis comme tous les soirs, vous pouvez aussi devenir le top tweetos là, si vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, même si vous êtes de plus en plus nombreux à essayer de battre Let's Be Freaks, on verra si quelqu'un va y arriver ce soir. Hier, ça s'est joué à pas grand chose avec Dame Snerti qui a terminé deuxième, mais à quelques tweets seulement de Let's Be Freaks, alors que d'habitude, elle a quand même une bonne longueur d'avance. Si vous voulez relever le défi, bah, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag et Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs, voilà, les plus influents sur Twitter avec le hashtag et Mickaël. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Xavier, quel est ton titre préféré du moment, par exemple, à toi? Si t'en as un, hein, après, t'en as peut-être pas forcément, mais... Un peu fan d'Avicii en ce moment. Un peu fan de Avicii. Avicii, bah très bien, on se le mettra tout à l'heure, Avicii. T'as envie d'écouter en Avicii en particulier? Bah le dernier, là, impeccable. Le dernier, celui-là? Ça te va, ça? Ouais, il est trop bon ce son. Ok, très bien, bon, on va te le mettre, alors il n'y a pas de problème. Sinon, il y a aussi Calvin Harris. Ouais, Calvin Harris, ça te branche? Allez. Et puis il y a aussi Redfoo nouveau. Alors là, j'ai besoin de vos avis, est-ce que vous l'aimez ou pas? Let's Get Ridiculous. C'est un peu le titre qui a été, que Redfoo a fait uniquement pour Toff. C'est vrai en plus. Voilà, Let's Get Ridiculous. Et voilà, il l'a fait, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a dit ah mais je l'ai fait pour cette tête de con là qui est off là. Si je l'ai fait exprès pour lui. Hein. Voilà d'ailleurs, coup de pelle pour saluer Toff. Et c'est pour ça qu'il l'a fait pour moi. Effectivement, grande star. Et puis les cadeaux également ce soir, hein, je vous rappelle qu'il y en a beaucoup. Hein. On vous offrira ce soir la PlayStation 3 et FIFA 14, pardon. Ouais. Con. Et j'ai un mec qui va filer le vieux jeu. Tellement l'habitude. Voilà, la PlayStation 3. La PlayStation 3 et FIFA 14. Voilà, donc si vous voulez le gagner, eh bien ça va se passer avec la colle qu'on fera dans quelques instants. Justement, la colle, ce sera avec Nancy dans quelques instants. Dis-moi, Xavier. Ouais. Ouvre un peu la bouche là pour vérifier. On avait fait ça hier soir, mais on va quand même revérifier encore un coup là. Ouvre la bouche et fais ah. Ouf. Oh, ça schlingue. Voilà, je t'ai remis un petit spray menthol. Parce qu'on a eu des auditeurs comme ça qui avaient une mauvaise haleine. Alors Toff, tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu la photo qu'on a mise sur le Facebook. Sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel où je suis avec Polo, Toff et Sandro. Mais véridique, on dit pas ça pour faire style. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment je bouge l'appareil, je me mets un peu à gauche, un peu à droite, je sais pas si t'as déjà eu ça Xavier avec des potes. Et Toff qui dit oh c'est bon, il va faire la photo, il a pas tourné en rond sans 7 ans. Oh putain. Et en fait là faut que je dise la vérité, je masquais un petit rot. Je l'ai placé tout en discrétion. Quelle horreur. C'est-à-dire que discrétion pas trop là. Ah mais je regrettais de pas avoir mon spray hein. Non franchement parce qu'il m'aurait bien sauvé hein. T'as déjà eu ça toi Xavier, tu sais genre t'es avec des potes et puis à un moment il y en a qui s'énerve, il souffle, il te met tout dans la tronche quoi. Ouais, trop, j'ai vu un pote comme ça avec le pied de la gueule, un truc de ouf. Oh putain, mais l'angoisse, l'angoisse totale. J'aurais pu faire à l'Apollo, j'aurais pu rater comme un gros porc, mais je me suis dit non. C'est ça. Ouais, mais c'est toujours dans ta gueule que je fais ça. Et jamais, et ça, c'était public. Ma vengeance. Et il y a Frédéric aussi sur Twitter qui dit la haine de Toff, elle sent jusqu'ici. Ah bah ouais, non, mais bah, sérieusement, hein, pour le coup, c'était une horreur. Jean-Philippe qui dit bisous à toutes les filles qui écoutent l'émission actuellement, bah salut à toi. Eric qui nous salue. Et puis Anaïs qui dit coucou après une journée catastrophique au boulot, mon petit réconfort, Mickaël No Limite, déchire tous les soirs car j'ai besoin de bonne humeur. Pour me motiver, pour ça je te fais confiance Mickaël. Oh bah écoute, c'est gentil Anaïs, on fera tout pour ne pas te décevoir. Bon, venant de Toff, on n'est pas sûr, mais en tout cas moi j'essaierai de faire comme il faut. Eh bon, je suis inquiet, on n'a pas Colline ce soir là au standard, la récupérer la radio. Ah ben non, je l'ai pas appelée tout simplement. Ah bah bravo la pauvre Colline là. Attends comme une conne. Mais non, parce qu'en général c'est elle qui nous appelle au standard. Ah d'accord. Si elle ah bah voilà, elle a appelé, tu vois. Elle est trop Colline rapide. Donc on a eu depuis dimanche et en fait ses parents lui ont confisqué la radio, du coup elle nous avait appelé pour voir s'il pouvait rester dans le standard, histoire d'écouter l'émission et de suivre l'émission. Donc on l'avait avant-hier, on l'a eu hier également. Et ce soir je m'inquiétais qu'elle ne soit pas là. Oui, parce qu'elle est hébergée là. Bah elle est hébergée là, en VIP dans le standard surtout. Bon, elle Xavier. Est résidente. Ouais, résidente, ouais. Xavier, de retour là, d'Orléans, 28 ans, Xavier. Donc toi tu disais que t'avais grillé des flics en train de niquer dans la camionnette. Ouais, trop. En fait, j'étais en train de tranquillement faire mes rondes dans une zone industrielle. Au fond d'une impasse, je vois la voiture de gendarmerie. Je trouve ça bizarre, je mets un coup de plein phare, ça se bouscule à l'arrière de la voiture. Il y a un vieux gendarme qui sort, genre 40 ans, tu sais, et il sort, il remonte son pantalon et il était en train de se taper une petite jeune. Une petite jeune de la police. Une petite jeune gendarme, ouais. Non, ça c'est bon. Elle était bonne la gendarmette ou pas? Ouais, elle était pas mal ou était gros? Ah ouais, et franchement, une petite blonde, mon gars. Dites-nous, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des moments où vous êtes fait griller, mais est-ce que vous avez déjà grillé des gens en train de faire l'amour dans des endroits un peu bizarres là, comme vous aviez avec les flics dans la camionnette là? Bah, venez nous en parler, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Là, tu restes avec nous, Xav? Ça marche. Bon, bouge pas. Et on accueille Nancy avec nous maintenant là. Bonsoir Nancy. Bonsoir. Comment ça va Nancy? Ça va très très bien. Mais tant mieux Nancy. 22 ans, t'appelles d'Evry toi dans le 91, région parisienne. Exactement. Et tu joues pour peut-être repartir avec la PlayStation 3 et FIFA 14. Voilà, voilà. Pour ton mec. Non, pas du tout pour moi. Non, tu joues au foot Nancy? Oui, oui, oui. Mais quand est-ce que je te mets une branlée, moi, FIFA 14? Bah, quand tu veux. Très bien. Je préférerais qu'elle me mette une branlée autrement. Mais après, on a chacun ses passions. On a compris, là. Espèce d'enculé, va. Voilà. Ah bon. Ouais, ça le mérite, là. Ah, t'as vu, ça le mérite, hein, effectivement. D'ailleurs, il y a le Carlo aussi qui a un truc à dire à Toff, là. T'enculé, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà. Ah, mais non, c'était un corse également, celui-là. Pardon, pas pour moi. Famille, ouais, il était un peu énervé. C'est bon. Pas sympa pour mamie José. C'est vrai. Nancy, alors, fais péter la colle de ce soir, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, je suis dans toutes les villes. On me surnomme la rue des Allongés. Ici. Bon, si vous avez la bonne réponse, je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés, qui suis-je? C'est bien ça? Exactement. Bon, réponse avant minuit 30, et pour vous inscrire, eh bien vous envoyez votre message maintenant, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc je répète, je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés, qui suis-je? C'est bien ça? Exactement. Bon, bah c'est parfait. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez donc simplement M-I-K-L espace la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Je rappelle qu'on vous offre ce soir FIFA 14. Exactement, avec la PlayStation 3 qui va bien. On vous offre ça ce soir sur Fun Radio. Nancy, je te récupère tout à l'heure, d'accord? Pas de soucis. Bon, je vous ai mis l'énoncé également sur le Facebook, hein, pour ceux qui ont besoin de lire pour mieux comprendre le texte, enfin l'énoncé, on sait jamais. Facebook.com/Mickaël officiel, allez-y. Hein. C'est pour faire l'analyse grammaticale. Ouais, et contrairement à d'autres, on a les vrais FIFA 14, hein, on en a plein là, à filer là. Regardez la photo que j'ai mise ce matin, on les a reçus, j'ai reçu ma petite caisse et j'ai même montré la caisse que j'ai reçue, c'est pour vous dire. Aha. Voilà, Facebook.com/Mickaël officiel, je compte sur vous. Laisse la colle, on donne la réponse tout à l'heure. Et puis comme promis, le son de Calvin Harris arrive dans un instant sur Fun Radio. Avec I Need Your Love. Et souvenez-vous, hier on a eu Toff là qui nous a appelé quelques personnes qui étaient un petit peu énervées. Non, je trouve pas, ils étaient très sympathiques. Hein, tel celui-là par exemple. Espèce d'enculé, va. Voilà, bon, c'est en gros. Hein. Voilà, donc on va les rappeler dans quelques instants. Là, bougez pas de la 23h11, c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h. Bienvenue. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No limit, Mickaël. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio et bienvenue si vous venez de débarquer, il est 23h13, voilà, déjà fini la pub, là on est tranquille maintenant avec vos toutes et vos tous en direct, là, avec dans un instant un petit canular de Toff, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un mec qui s'était relativement énervé, ouais, enfin, je pense qu'on peut le dire. Lâché, ouais. Voilà, on va vous le remettre dans un instant. Et puis j'ai une autre idée également pour ce soir pour Toff, là, pour des appels. On en parlera dans un instant. Il y a le Prince India qui dit ça fait plaisir d'être à l'heure pour une fois. En général, j'ai toujours une demi-heure de retard. Bah, bienvenue à toi, le Prince India sur le Twitter. Il y a aussi Sandra Hoop qui dit les devoirs attendront, vous êtes trop fort. Ouais, ça attendra 2 heures, hein, comme ça t'as jusqu'à 6 heures pour les faire, t'es tranquille. Bah oui, voilà. Et puis des messages aussi de Maxence qui dit merci pour les autocollants, Mickaël No Limit, ils me suivent partout, ça c'est cool. Si vous voulez vous aussi les autocollants, les stickers de l'émission, n'hésitez pas. Vous faites un mail à sandro@funradio.fr avec vos coordonnées complètes et elle se fera évidemment un plaisir de vous envoyer ça très rapidement. Je rappelle qu'il y a toujours la colle là avec la PlayStation 3 et FIFA 14 à vous offrir. Il faut répondre à la question, je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse au 64 900 par SMS. Et puis si vous voulez lire la question, eh bien vous pouvez vous rendre également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. C'est Fun Radio, Mickaël No Limit avec Calvin Harris. I Need Your Love sur Fun. I need your love, I need your time. Calvin Harris à l'instant sur Fun, c'était I Need Your Love. Hello. Arrête de me faire chier. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Sur Fun Radio, bah ouais, en direct évidemment, 23h18, ouais. Bienvenue si vous venez de débarquer. Je vous rappelle qu'il y a la colle qui est dispo, hein, sur le Facebook si vous voulez la lire, histoire de choper votre PS3 avec FIFA 14. C'est la colle de Nancy qui dit je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés, qui suis-je? Voilà, si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a Colia aussi sur le Twitter qui dit ah mais moi je veux faire un tour de ma billette, j'ai toujours mon casque en plus. Ah bah, écoute, si en plus t'es protégé et si t'as ton casque, alors pas de problème. Démarrage. Et voilà, un petit détour gratuit, Colia. Il y a Laure Blanc qui dit mort de rire, les flics dans la camionnette. Non mais c'est un truc de fou ça, on en parle dans un instant là avec, avec Xavier. Mister Steven qui dit bah dis donc ça se prive pas dans la gendarmerie. Ah, bah ils sont taqués effectivement. Jean-Philippe aussi qui dit sur le Facebook, bonsoir, bisous à Sandro, je la kiffe. Let's be freaks qui dit top, une haleine de merde, bon appétit. Ah bah oui, bon appétit, merci à tous. Et Mickaël qui dit bonsoir tout le monde, je vous adore, pouvez-vous taper tof avec, avec le lance-flamme. Bon on va pas le taper mais on va le cramer. Ouais, tiens. Ça, sale gueule. D'abord le coup de pelle et le lance-flamme qui suit. Voilà, c'est fait Mickaël, merci à toi. Et coucou Mika, super émission, vous me faites toujours rire. Si tu peux aussi me caler un petit Martin Garrix avec et ma soirée sera que meilleure, bisous à toute équipe, c'est Mélodie. Mais bien sûr Mélodie, on va te le passer tout à l'heure Martin Garrix. Voilà, on te le passera tout à l'heure, reste bien à l'écoute de Fun, mais promis, passe avant la fin de l'émission. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis si vous voulez choisir vos titres, n'hésitez pas, vous faites comme Mélodie là, en l'occurrence, hein. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis vous choisissez le titre que vous avez envie d'entendre, vous venez discuter tous ensemble et vous serez peut-être élu top tweetos, le meilleur auditeur de la soirée tout à l'heure avant minuit. Bonne chance tout le monde. Et puis on est déjà en top tweet apparemment. Déjà, on a à peine commencé l'émission, dis donc. Ça nous fait non mais bien, c'est bien, c'est gentil. Merci à vous toutes et tous en tout cas. Retour avec Xavier. Alors Xavier, t'es toujours là? Ouais, c'est toujours là. Ouais, très bien. Bon, alors, Xavier qui nous avait appelé parce qu'il a grillé des flics sur un parking en train de niquer, hein, c'est ça, hein? Exactement ça. Ouais. Ben voilà, et on a également Cédric avec nous, 25 ans, de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Salut Cédric. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va nickel. Bon, bienvenue à toi, oui. Cédric. Voilà. Bon, alors moi, je voulais réagir en fait parce que je suis aussi agent de sécurité comme lui. D'accord. Et en fait, ça m'est déjà arrivé la nuit de griller pas mal de gens, surtout dans le département où j'habite, vu qu'il y a pas mal de touristes. Et surtout, en fait, quand j'étais à l'armée avant. Ouais, parce que moi, j'avais demandé si vous aviez déjà grillé des mecs en l'occurrence, enfin des mecs ou des couples en l'occurrence en train de coucher ensemble. Ouais, bah en fait quand j'étais à l'armée on faisait des patrouilles la nuit et on a l'avantage c'est qu'on a la vision nocturne. C'est bien ça. Et ça nous est arrivé une fois en fait, on faisait le tour de la base comme ça et on faisait une petite pause clope et en fait il y avait une voiture juste en face de nous et j'étais en train de niquer dedans. C'est bon. Ah ouais, mais moi je me serais fait niquer 2000 fois. Hein. Ah ouais. Non mais c'est ça, au minimum ouais. Et donc et Cédric, alors du coup t'as été les déranger ou pas? En fait, on discutait, ils entendaient juste des bruits, donc ils s'arrêtaient. Ils ont regardé 2-3 fois, mais en fait, ils ne voyaient pas du tout. Ils ont même pas grillé les cigarettes, rien. Et en fait, à un moment, on allumait la torche et c'est là qu'ils ont réagi, quoi. C'est bon, ça. Et qui s'est déjà fait griller ici dedans, là, en train de niquer dans une voiture ou je sais pas, n'importe où, à la plage? Moi, je me suis fait niquer par les keufs. Quoi, t'es fait attraper, ouais. Ouais, t'es fait arrêter quoi. Ouais, en fait, je me suis fait niquer. Allô, bonjour, contrôle des papiers, s'il contrôle vous plaît. Contrôlez, hop, tu t'abaisses. Montrez-nous votre cul, s'il vous plaît. Hop là, on peut la petit toucher. Voilà, petit toucher rectal. Non, ouais, donc j'étais sur une aire d'autoroute et donc j'étais en train de me faire sucer sur la banquette arrière. Ouais, classe, hein, gars. T'en fais là, hein. Pourquoi pas? Mais pourquoi t'es sur cette aire d'autoroute et pourquoi tu te fais pomper? Parce qu'on avait envie. Mec, t'as le droit d'avoir envie de te faire pépon. Ouais. Attends, j'ai un message pour toi là. Comme ta gueule, connard. Voilà. Bon, donc tu disais, donc tu t'es fait griller par les flics. Et t'ont dit quoi? Et donc en fait les flics, mais c'est donc ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont collé leur voiture à celle dans laquelle j'étais, qui n'était pas la mienne, mais enfin on s'en fout. Et donc ils ont allumé les phares, les gyrophares et la sirène. Oh là là, le truc discret, c'est qu'ils n'étaient pas du tout la pression. Et donc les mecs ils sont venus, donc du coup on s'est rhabillés super vite. Et la meuf elle avait un sein à l'air, tranquille. Ouais mais c'était ça, la meuf elle était allée, donc le fusil qui. Si tu veux, coupure, on la connaît? Ne mens pas Tof, quand tu fais ça. Mike la connaît. Ah bon? Voilà, Mickaël. Moi je la connais. Toi tu la connais. Vas-y. Polo il la connaît pas. D'accord, bon je vais réfléchir. On mettra la photo. Et si je trouve. Si je trouve qui c'est évidemment. Elles sont toutes en train de péflac. Oh merde, pourquoi je me suis. C'est clair. Et donc elle était avec son chemisier ouvert, sa jupe un peu remontée. Et donc le flic il avait rien à foutre de moi. Ils prennent la meuf à part et donc en fait ils lui ont demandé ouais si je l'avais pas forcé, si machin. Ah ouais. Moi aussi, ils m'ont demandé ça. Ça va, vous êtes consentante, mademoiselle? Bah ouais, encore. T'imagines, la meuf, elle se fout de ta gueule, le Xavier et Cédric, là. Non, en fait, j'étais pas consentante. Allez, hop là, c'est parti, la police, hop là, on débarque et c'est plié l'affaire, là. Non, mais t'imagines, la meuf, elle pète un plomb. Elle dit, non, il m'a forcé, le mec, t'es dans la merde. Faire attention, ah putain, ouais. Complètement, là. T'as abusé. Ah, mais oui, ça peut être. Ça peut te niquer ta vie, quoi. Ça va. Et en fait, le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'elle, ça l'a super excitée. Cette histoire, on est arrivé chez elle, c'était l'apocalypse. C'est la folie totale. Ah ouais, c'est. C'est cheval? Je sais pas, j'ai rien dit. Ah si, c'est Cheval. Bah, on la l'appelait Cheval parce qu'elle était super. Si. Non, parce qu'elle était super haute en fait, elle ressemblait à un cheval. Voilà, t'es gentil dans l'absolu, hein, mais bon, enfin bref. Bon, et Cédric, toi, tu t'es déjà fait griller aussi en train de copuler? Ça m'est arrivé déjà, ouais. Et toi, Xavier? Écoute, moi jamais encore. Jamais, ah bah très bien, bah, ça viendra peut-être un jour, on va savoir. Ouais, je garde espoir. Bah c'est ça, mais il faut mieux garder espoir, effectivement. Bah merci Cédric en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux. De rien. Par contre, je peux faire une petite proposition par rapport à l'énigme. Tu peux, mais je te dirai pas si c'est bon ou pas, parce que les gens doivent jouer sur le Facebook ou sur SMS, donc. D'accord, bon bah je vais jouer par SMS alors. Bon bah alors c'est mieux, effectivement, comme ça au moins c'est tir au sort, on te rappelle dans pas longtemps, Cédric, d'accord? D'accord, merci. Salut, allez à bientôt. Bonne Cédric, soirée. Ciao. Xavier reste avec nous, j'aimerais bien avouer des filles aussi dans un instant là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Est-ce que vous avez déjà grillé les filles des couples en train de copuler, ou alors est-ce que peut-être déjà vous vous êtes fait griller? Comment vous avez réagi? Parce qu'on a souvent les mecs qui viennent comme des coqs. Mais je me suis déjà fait griller, effectivement, c'était génial. Mais les filles, on n'a pas vos avis, donc je vous attends, mesdemoiselles. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On a retrouvé la VIP, la Colline, t'es toujours là? Toujours là. Ah, bah voilà, Colline est avec nous. Colline qui est toujours privée de radio depuis dimanche par ses parents. Ouais. Et donc, du coup, elle passe ses soirées avec nous dans le standard. Et oui. Bah voilà, mais c'est bien aussi, hein, finalement. Tu vois, le son est un peu moins bon, mais on... De quoi? Je vous amène des nouveaux auditeurs. Ah, ça c'est bien. Ça. Qui est nouveau là ce soir? Inès. Elle m'a demandé de dire que c'était une reine. Voilà. Que c'est une reine. Eh ben, si elle écoute l'émission, j'ai envie de dire oui. Bah oui. Voilà, en toute simplicité, c'est quoi, c'est une amie à toi, Inès? Ouais. Très bien, écoute. Eh ben voilà, bon, on l'embrasse, Inès, il n'y a pas de problème, il soit la bienvenue sur Fun Radio. Bon, Colline, bah du coup, tu restes avec nous, hein? Ouais. Bon, on va se faire le jeu de la rupture dans pas longtemps. Tu connais le jeu de la rupture? Oui, je crois. Non, tu peux dire non, c'est pas grave, hein, le principe. Mais non, en fait, je sais plus. Ah ben voilà, le principe c'est qu'on doit appeler, qu'on appelle, enfin, vous appelez des gens, et il faut arriver à avoir une conversation. De rupture. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc vous appelez, genre, mais un inconnu en disant, écoute, je peux plus, ça peut plus durer, faut qu'on arrête, etc., etc. Et il faut rester le plus longtemps possible au téléphone. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez jouer avec nous, vous envoyez tout simplement Mickaël espace rupture au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique, ou alors vous appelez directement Sandro, pareil, un numéro du standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Xavier, t'étais à l'écoute toi hier ou pas? De l'émission. J'ai adoré les lesbiennes pour la rupture. Ah, oui, c'était la semaine dernière la rupture. Et hier en fait, il y a Tov qui s'est encore fait des amis, évidemment. Il a essayé d'appeler pour savoir si les gens savaient où est le clitoris. Parce qu'en fait, 9 Français sur 10 pensent que c'est une marque de Toyota. Enfin, c'est la sous-marque, quoi. C'est genre un modèle. Ils sont cons. Hein. Ouais. Donc, ils pensent que c'est un modèle. Bah, du coup, nous, on a appelé des gens au hasard pour essayer de poser la question, quoi. Donc, on était tombés là-bas. Vous allez voir, bon accueil, bonjour, comme d'habitude. Hein. On sait toujours bien accueillir quand on appelle. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous saviez où était clitoris. Pardon? Ben, est-ce que vous savez où ça se trouve clitoris? Dites, vous n'avez rien d'autre à faire le soir, vous? Non madame, et vous? Voilà, donc là, ça s'était arrêté là, évidemment, hein, dommage. Et puis, évidemment, c'était sans compter qu'on rappelle encore une fois. Évidemment. Voilà, retour. C'était à Charleroi, hein, si mes souvenirs sont bons. Je crois bien, ouais. Ouais, c'est ça, c'était chez les Carolo qu'on avait appelé hier. Pétapète. Ouais. Oui, excusez-moi, monsieur, mais en fait, je vous appelle pour savoir si vous saviez où est clitoris, qu'on a été coupé. Mais je te fous de ta gueule, connard. Bah, enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Viens ici, mais viens jusqu'ici. Je vais te montrer que tu arrives si tu se trouves. Quand je te l'aurais foutu dans ta gueule, qui te risque de voir ce qui va se trouver tout de suite. Là, tu vas l'avoir en plein front, connard, toi. Mais je vois pas pourquoi vous voulez mettre ça sur mon front, monsieur. Ouais, mais moi, je vais te le foutre en plein front. Viens jusqu'ici. Mais c'est dans mon adresse. Bah, non, ça sert à rien, monsieur. Moi, je vous appelais juste pour vous expliquer où ça se trouve. T'as que ça à faire, t'es quoi, la grosse sauveuse? Je dis comme t'es là, toi. Il y a des gens qui travaillent, connard, t'as que savoir. Donc, tu me fous la paix maintenant. Oui, mais moi, compris. Mais moi je vous appelais pour vous aider. Tu m'as bien compris, connard, je te dis. Mais moi je vous appelle pour vous aider, monsieur. Moi je te dis, tu me fous la paix, connard. Sinon, téléphone au flic tout de suite pour prendre ta ligne, connard, ça va? Et je porte plainte contre ta gueule, connard. Tu m'as bien compris maintenant, Mais peut-être que vous pourriez. Espèce d'imbécile, ta gueule. Oui, mais moi je. Ta gueule, je te dis, connard, Sinon, je te dis, je te téléphone tout de suite au flic, j'ai ton numéro et je vais te trouver ta gueule et je vais te foutre en pleine gueule, toi qui te risques. Ça va, tu m'as bien compris maintenant. Mais oui, j'ai bien compris. Fous-moi ta gueule, connard, Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère, C'est ta mère qui a un gros qui te risque, toi. Elle t'a mis au mot, t'as un qui te risque sur ton front, connard, Espèce d'enculé, Ah, il était magnifique. J'adore. Et puis après, on avait rappelé, j'ai voulu le chauffer avec mes petits bruitages de tous les gens qui nous insultent. Hein. D'ailleurs, ce mec de Carole de Charleroi va évidemment devenir une star de nos bruitages. Ouais. Évidemment, donc on avait rappelé. Et c'est reparti. De retour à Charleroi. On est toujours bien accueillis là-bas. Magnifique. Allez. Allô. Va te faire enculer au PD, va. Ouais, grosse tapette. Dégoûte. Ouais, ta gueule, quand même. Nique ta mère. Ouais, toi aussi, nique ta mère, toi, quand même. Je dis ça, mais t'es, je pensais pas vraiment. Ouais, ta gueule, tapette. Mais la bêtise de pute. Ouais, toi aussi, t'es une grosse tapette. Non, mais calme-toi. Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant. Ouais. C'est des voix différentes. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, donc c'était quand on était à Charleroi. T'as vu, sympa quand même, Xavier, hein, t'étais pas à l'écoute hier, là. Si, hier j'ai entendu ça. Ah, t'avais entendu? D'accord, parce voilà. Que depuis c'est devenu une star hein, maintenant. Écoutez, on les a découpés. Hein. Espèce d'enculé. Ah, tu m'étonnes, il est génial lui. Ah, bah grave. Eh, t'as mis au moins ta récupéré sous ton front comme ça. Enculé de ta mère, t'es. Ah, il est bon. Hein. Ah, ta gueule, connard. Voilà. Okay, qu'est-ce qu'il y a, Tof? T'as un truc à dire? Ta gueule, connard. Voilà. Allez, restez sur Fun Radio. Xavier, bouge pas, on va reparler avec toi dans un instant. On va se faire le jeu de la rupture également. Je vous l'avais promis aussi. Le nouveau son de Red Fou, spécial dédicace pour Tof, bien sûr. Let's get ridiculous sur Fun Radio. Mickaël de Limite. Yeah. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Ouais, Fun sur Fun Radio. Et on est là sur Fun. Là. Bienvenue si vous venez de débarquer 23h33 en direct et avec tous vos messages qui arrivent. Et Dieu sait que vous êtes nombreux. Je tiens à vous remercier d'ailleurs puisque hier soir on avait battu en une semaine. On avait vous êtes 50 000 nouveaux là sur le Facebook de l'émission. Et donc de plus en plus nombreux. Quand est-ce que nous ferons les 200 000? Et on n'est pas loin, on n'est pas loin. Tout ça en 2 mois, je tiens à le rappeler, puisque nous sommes à l'antenne depuis 2 mois et 2 jours maintenant. Et grâce à vous, déjà plus de 183 000. Bravo et merci beaucoup d'ailleurs. Continuez à faire évidemment le message, de passer le message autour de vous, dans votre bahut, etc. Venez nous rejoindre avec les plus gros cadeaux et puis les plus gros délires qui sont évidemment sur Fun Radio tous les soirs. Évidemment, grâce surtout à nos nouveaux amis, bien sûr, notre ami Corse. Espèce d'enculé, va. Voilà, et puis notre ami, bien entendu, notre ami le Carolo. Ta gueule, connard. Voilà, il est là également, là. Enculé de ta mère. Ben oui, voilà. T'as le moment d'accueillir sous ton front, connard. Moi, je trouve que c'est trop d'amour pour cette émission. Mais oui, c'est ça. Attends, parce que je suis encore un nouvel ami Corse. Espèce de petit pili de merde. Voilà, il est très sympathique, notre ami Corse. Il y a Célia qui dit, j'ai déjà vu des couples de vieux faire l'amour dans l'eau d'une plage mixte nudiste. Oh, j'en suis toujours choqué. Ah ouais, tu m'étonnes, les vieux, c'est dur. Nanou qui dit, mort de rire, je pisse sur moi. Et Sandra qui dit, un coup de lance-flamme pour toutes les personnes qui vont... T'en sais quoi? Qui vont sont insultés. Qui vous ont insulté. Ah, qui vous ont... Oui, bien sûr, coup de lance-flamme. Hop là, hop là, et on nettoie tout ça. Ça a été coupé, mon con. Espèce d'enculé, va. Voilà. Et Megumi qui dit bonsoir, mes cochons. Salut, ma cochonne, Megumi. Il y a Barbie aussi qui dit merci de repasser les appels d'hier. Je suis nouveau plié en deux. Et t'inquiète, on en fera des nouveaux tout à l'heure. Alors, je sais pas s'ils seront bons, on verra bien. Donc, je compte sur vous pour nous envoyer des numéros de téléphone de gens qui sont encore debout. Donc, si vous pensez que les gens s'énervent rapidement et qu'en plus ils sont encore debout et debout tard, n'hésitez pas à nous envoyer tous les numéros de téléphone, bien entendu. Vous appelez Sandro au standard au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Pareil également par SMS. Et Mickaël au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. On attend vos numéros vraiment avec impatience, je compte sur vous. Bon, Xavier de retour dans un instant, qui a grillé les flics sur un parking. Et puis on va, avant de faire le jeu de la rupture là, est-ce que vous êtes plutôt blagueur, Xavier? T'es blagueur toi ou pas? Ça dépend. Parce qu'en fait, je suis tombé sur un truc, tu sais, genre pour les potes ou pour les collègues, il y a un site qui a listé les meilleures blagues à faire, notamment pour ceux qui sont au bureau avec les ordinateurs. Tu sais, par exemple, t'as des gens en général quand ils bossent dans les bureaux qui ont toujours une signature électronique. T'es signé le nom du gars ou de la meuf avec son poste, son numéro de téléphone, le mail, etc., la société. Et donc c'est genre changer la signature de la collègue en mettant juste gros bisous, je t'adore, je t'embrasse. Tu sais, quand elle va écrire à son boss ou même à un client, ça va être très très classe. Ouais, ça peut être drôle. Ou alors genre par exemple aussi lui laisser un message sur le bureau lui disant de rappeler un certain monsieur Lyon et donner le numéro du zoo le plus proche. par exemple, tu vois. Genre t'appelles, oui bonjour, pourrais-je parler Monsieur Lyon? Comment ça, c'est-à-dire donc tu vois, ça peut être énorme aussi. Alors l'idéal évidemment c'est d'écouter. Sinon il y a quoi aussi? Alors il y a pour ceux, alors il y en a peu qui connaissent je pense. Si vous voulez faire une vanne, genre à vos vieux ou je sais pas moi, même au bahut par exemple, ou ceux qui ont cours d'informatique pour rendre fou vos profs d'informatique, putain j'adorais faire ça avant. Vous mettez CTRL ALT et alors la flèche du bas sur votre clavier. Et ça fait Faites-le. Bah vas-y, fais-le, tu vas voir. Attends. CTRL, CTRL, donc enfin CTRL, ALT et la flèche du bas. Bah, y a rien. Comment ça, y a rien? Évidemment, y a que ça marche pas. Hein. ALT. CTRL, ALT, la flèche du bas. Ouais, ça marche pas sur les ordinateurs de la radio. Non, ils sont bloqués. Ouais, ils ont bloqué. Ah merde. Bon, bah en gros, si vous faites ça, en fait, y a l'écran qui se retourne. Et vous savez plus l'enlever. Ah, vous c'est vrai? Ouais, vous savez plus le remettre à l'endroit, en fait. Donc, du coup, enfin, sauf si vous repoussez sur CTRL, ALT, la flèche du haut, cette fois-ci, bien entendu. Mais voilà, donc si vous voulez piéger les gens, n'hésitez pas. Et donc, si vous êtes du style blagueur, n'hésitez pas, si vous avez des bons plans aussi à nous donner, hein, faites passer le message, bien entendu. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Qu'est-ce que t'as fait comme truc déjà, toi, Xavier? La dernière sympa que j'ai fait, c'était un enterrement et tout ça. J'étais en train de me balader, je vois l'enterrement, je regarde, je croise une vieille, je lui dis alors, bientôt la prochaine. Oh, quel enculé! Ah oh, putain, mec, t'es vraiment l'enfoiré, hein. Oh là là, je te mettrai un coup de pelle dans ta tête. Ah, mais grave. Quel enfoiré, alors. Bon, ben, si vous moment, avez d'autres. Ça paraissait être une bonne idée. Non, mais oui, mais c'est drôle, mais la pauvre. Bon, Xavier, reste avec nous. On va se faire le jeu de la rupture maintenant avec Samuel qui est avec nous. Salut, Samuel. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Ça va, tranquille, vous? Bon, ça va bien, ouais. Samuel, 24 ans de Nice. Comment ça va dans le sud? Ouais, ça va, tranquille, soleil, la mer. Bah ouais, comme d'hab. Ouais, la vie dans le sud, quoi. Et puis on va faire le jeu face au nord, là. Zidane, 21 ans de Lille dans le nord. Salut Zidane. Salut, ça va ou quoi? Bah tranquille et toi? Ouais, tranquillement. Hein. Bon, bah tant mieux. Bon, bah le nord affronte le sud ou le sud affronte le nord, peu importe. Qui veut commencer? Je suis nord au nord. Tu laisses honneur au nord? Non, honneur au sud, honneur au sud. Non, on va commencer par le nord aujourd'hui, tiens, voilà. Si tu veux, vas-y. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, petite dédicace au nord. Ferme ta gueule, gros bâtard. C'est quand on avait appelé à Lens, qu'elle était charmante. Bon, alors Zidane, on y va, on appelle quelqu'un maintenant au hasard. Le principe, c'est d'arriver à tenir un maximum de temps possible, voilà, avec une conversation de rupture. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier numéro, bonne chance. Si dès que t'entends plus de musique ou dès que t'entends plus de sonnerie, tu y vas directement, tu dis allô. Okay. Allez, c'est parti. Allez Zidane. Allô. Attends. Allô. Oui, allô. Oui, dis à ta femme que c'est fini entre elle et moi. Ah, mais il y a sûrement un problème de... De quoi? Non, il n'y a pas de problème. Faut que tu dises à ta femme que c'est fini entre moi et elle. On ne peut plus continuer comme ça. Entendu, je lui dirai. Non, sérieusement. Parce que regardez, moi, viens, m'appelle au travail, tout ça. Faut lui dire qu'elle dégage de ma vie. Je peux pas rester continuer comme ça. C'est impossible. C'est vraiment pas possible. Elle vient, m'appelle au travail. Je suis pas son pote, moi. Entendu. Allez, comment t'as entendu? Comment t'as entendu? Allô? Allez, au revoir. Comme non, il n'y a pas d'au revoir. Passez-moi votre femme. Eh ben voilà, 39 secondes. Zidane, c'est pas mal. Mais normalement, il faut faire la conversation de rupture avec la personne qui décroche. Mais bon, c'est pas grave. Tu t'es pris tes aises, quoi, ça je voulais dire. C'est Zidane, on est les champions. Bon, 39. Zidane, ouais, mais alors peu importe, garçon, fille, vieux, jeune, peu importe. Zidane, ça aurait été mamie qui avait décroché. Voilà, Zidane, 39 secondes. Samuel, à toi de faire mieux maintenant. C'est parti, on appelle et tu auras droit à ta deuxième chance après Zidane. Hein. Pareil aussi pour Samuel. Vas-y Samuel, à ton tour. Allez, go. Okay. Allez, 39 secondes, score à battre. Allez. Oh, c'est long là. Bon, j'appelle un autre en même temps. Allez, c'est parti, on continue Samuel. Hein. Allô? Allô? Ouais, ça va? Ouais, c'est qui? Ouais, écoute, je vais te dire que t'es fini entre nous, quoi, et que voilà, quoi. Mais quoi? Bah, parce que qui je suis, arrête tes conneries un peu. Je vais te dire que c'est plus dur entre nous, quoi, puis j'aimerais qu'on arrête là, quoi. De quoi? Bah, tu me dis de quoi? C'est ce que bien qui je suis, faut arrêter, sinon je t'appellerai pas cette heure-ci. tu m'appelles quand j'étais au travail tout à l'heure, tu me laisses un message et tout. Et là, tu me dis que t'es avec tes potes et tout, qu'on devait se voir ce soir et tout là, donc moi ça peut plus durer quoi, et c'est ça qu'on aura. Non, allez, salut, parce qu'il y a erreur sur le numéro là. Non, mais, moi je dors, alors... Bah tu dors, bah écoute, toi tu m'appelais tout à l'heure quand j'étais au tâche, je pouvais pas te répondre, c'est pas de ma faute moi. Non mais tu te trompes la personne, voilà, c'est okay. Bah tu te trompes pas, comment je t'aurai ton numéro sinon? Ah 50 secondes là, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bon Samuel et Zidane, restez là, on revient dans un instant sur Fun Radio avec vous tous et vous tous en direct pour la suite. Bah qu'est-ce qui se passe? Voilà. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, K.L. Nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme d'habitude, hein, 23h46. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est tranquille. Plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure. À partir de 6h du mat sur Fun Radio. Bruno dans la radio avec le remboursement évidemment de vos factures, avec l'alerte anti-relou bien entendu. Et puis avec un petit défi. Voilà, si vous avez suivi un petit peu le bordel là, pour un iPhone 5S, avec quelqu'un qui va sauter haut. De très haut, très haut. Trop. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, il risque d'y avoir du mort demain matin dans le morning avec Bruno dans la radio à partir de 6h. Soyez bien à l'écoute de Fun, évidemment, comme d'habitude. Bon, on va parler encore des vannes dans quelques instants, bien entendu. Et puis on va parler aussi de PS3 avec le jeu FIFA 14 que je vous offre ce soir. Il faut répondre correctement à la question donc de Nancy. C'est-à-dire, je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des allongés. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse. Eh bien tant mieux, vous envoyez simplement maintenant et Mickaël et la réponse au 64 900. Bonne chance tout le monde, c'est Mickaël No Limit sur Fun, on est là jusqu'à 2h. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit, c'est tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Avec le son de basson qui arrive tout à l'heure aussi là, Dance With Me sur Fun Radio. 23h50, on est en direct comme d'habitude avec vous évidemment en direct, avec tous les messages qui arrivent aussi. Il y a, attends, c'est quoi, c'est IMWK hein, sur Twitter, très pratique. Moi je suis le roi des blagues, appelle-moi si tu veux pour les blagues nulles. Bon, on a déjà top à ce niveau là hein. Anaïs qui dit tu es au top Mickaël, j'adore, mais c'est grâce à vous qu'on est top tweet là, nous on n'y peut rien hein, c'est gros, c'est grâce à vous. Clément qui dit il est énorme le clitoris, l'appel du clitoris. Dame Snurtic aussi qui dit le clitoris sur le front, la pété de rire. Et Pierre aussi qui dit j'ai chopé mes vieux en train de niquer à l'âge de 8 ans, c'était atroce. Ah bah oui, non mais ça évidemment, clairement, ça peut clairement perturber la tête. Hein, ça. Non mais c'est sûr. Oui, oui, moi ça peut totalement perturber la tête. On fera les teubés de la télé dans un instant également sur Fun Radio. Et puis retour avec la rupture, Zidane et Samuel. Vous êtes toujours là? Ouais. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, il y avait Zidane il y a quelques instants qui a appelé quelqu'un pour la rupture. Le principe, donc on appelle quelqu'un au hasard. Il faut faire une discussion de rupture. T'as fait 39 secondes Zidane? Ouais, il m'a niqué 11 secondes quand même. Hein. De pas grand chose, Il a sorti quand même le show au travail. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Samuel qui a appelé juste après, 10 secondes de plus, hein. 49 secondes. Mais ça ne veut rien dire. Zidane, Samuel, on va rejouer maintenant. Le principe est simple, donc vous avez droit à la deuxième manche. On prendra votre meilleur score. D'accord Zidane? D'accord, ok. Donc t'as fait 39 secondes, si t'en fais 50 après, on dira que c'est 50 le meilleur score, d'accord? Ok, vas-y. Allez Zidane, c'est parti. Bah. On rappelle, il faut donc faire une conversation de rupture et tenir donc en l'occurrence plus de 49 secondes pour espérer gagner. Vas-y, dès que ça sonne plus, c'est à toi. Allez. Allô? Oui, allô. Oui, allô. Est-ce pour dire que c'est fini entre toi et moi? Quoi? C'est fini entre toi et moi, parce que je t'ai appelé tout à l'heure, tu répondais pas, là je suis obligé de t'appeler en masqué. C'est fini entre toi et moi. Moi je peux plus continuer comme ça. C'est terminé. À qui vous causez là? À toi mon gars. C'est terminé, on peut plus sortir ensemble. C'est terminé. Cherche pas à comprendre. Vous n'avez jamais sorti ensemble, espèce d'andouille. Bien sûr, on est sorti ensemble. Mais non, je vous appelle vous, comment je fais pour vous appeler? J'ai votre numéro, je vous appelle, vous m'avez appelé, je vous ai dit que c'est terminé, vous voulez pas lâcher l'affaire. Comment? Vous voulez pas lâcher l'affaire, c'est terminé entre vous et moi. On coupe les liens, on coupe les ponts. J'ai plus envie de vous voir. Vous m'avez appelé, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Bien sûr que vous m'avez appelé. Il est bon là, 43 secondes. Il y a quelques minutes, vous m'avez appelé, c'est pour ça que je vous rappelle. Les deux seuls coups de téléphone que j'ai eu, c'est vous, il y a... Enfin vous, j'en sais rien, hein, quelqu'un qui m'a raccroché au nez. sans même me répondre, il y a... Ah non, non, non, moi je veux pas entendre ça, moi je vous dis c'est terminé entre vous et moi. Non, moi je suis en train de regarder une émission de télévision, j'aimerais bien... C'est terminé, moi je m'en fiche de ça, c'est terminé entre vous et moi, on va couper les liens, c'est tout. Tant mieux, je vous ai jamais connu et je continuerai pas à vous connaître. On coupe les liens, ça sert à rien de continuer, on coupe les liens monsieur, j'ai pas envie de vous embêter, m'embêtez pas, je veux couper les liens avec vous, comme ça moi les choses sont claires. Alors ça c'est trop drôle. Bon, ben voilà, allez, comment, qu'est-ce qui est drôle, la rupture elle est drôle. C'est une rupture, je veux que vous me parlez, monsieur. Il est bon, il est bon, il tient, là. Vous coupez les liens avec moi. De lien, il n'y a jamais de lien avec moi. Comment ça, il n'y a jamais de lien avec nous? Comment ça se fait que je vous appelle, alors? Ah, je serais curieux de le savoir, justement. C'est pas difficile de trouver un numéro de téléphone dans l'annuaire. Non, j'ai pas trouvé votre numéro de téléphone. Il parle bien, tu vois. Vous m'avez appelé, je vous ai rappelé, et vous m'avez dit oui, comme quoi que je pouvais vous appeler. Donc moi, je vous dis stop, c'est mort. Moi, je veux plus continuer avec vous. N'importe quoi. Moi, c'est fini. Allez, merde, salut. Allez, merde. Pas mal. Espèce d'andouille. Espèce d'andouille. J'aimais bien comment il rigolait aussi, il faisait. Ah ouais, ouais. Toi, tu saurais le faire. Ah ouais, ouais. Bon, combien j'ai fait? Eh ben, t'as fait combien? Une 50. Une 57. Une 57, Zidane. Bravo, ouais, là. Ouais. Attends, t'emballes pas. C'est pas encore gagné. Le lecteur blanc est peut-être pas pour toi encore tout de suite, Samuel. Oui. Bon, la barre est haute, mec. Va falloir assurer, là. On va essayer tranquillement. Bah ouais, de toute façon, t'as pas le choix, là. Vas-y. Samuel. Courage, moi aussi, j'en ai. L'enfoiré, il l'encourage parce qu'il sait que normalement c'est bon, hein, tu vois. Mais on va voir. Zidane, t'emballe pas, ça se trouve, tu vas perdre. Fais pas le malin. Le fair play, normalement, c'est le sud, il est plus fort que le nord. De quoi, Samuel? À la place, le sud, il est plus fort que le nord. Ah non, c'est le contraire. Ah ben, faut voir. Timmy, il est là, nous, hein. Eh ouais, et regarde, en plus, il est venu avec la famille. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Bon. Allez Samuel, on y va, on appelle quelqu'un maintenant au hasard encore une fois. Tu dois faire mieux qu'une minute 56, le score de Zidane. Conversation de rupture, Samuel, pour choper le Blu-ray là, vas-y. Dès que ça sonne plus, c'est à toi. Allez. Oh merde. Allô. Allô. Oui, bonjour. Ne t'emballe pas Samuel, il écoute la radio là. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Oui, je vous appelle parce que... Attends, t'es sérieux là? Parce qu'on vient de t'appeler là. Oui, non mais... Bon, attends. Non, mais... voilà. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Alors moi c'est Thomas. Ah Thomas, bon alors attends Thomas, parce qu'apparemment tu voulais qu'on appelle, tu voulais nous parler d'un truc, tant qu'à faire, on fait une cure de couche, je te repasse chez Sandro, attends, bouge pas. Bon, Samuel. Oui. Bon, attends, on rappelle à l'autre. Allez, c'est parti. Parce que la radio était. Qui si vous voulez. Ce qu'on appelle victime du succès. C'est ça. Eh oui, c'est toute talent, simplicité. Oui, c'est talent. Bon, on rappelle. Vas-y, Samuel, à toi. Allez, on y va. Bon, j'espère que ça va décrocher là. Espèce d'andouille, va. Oui, andouille. Bon, on appelle un autre au cas où, là, en même temps. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Oui. Ça va. Oui, je t'appelais parce que j'ai un truc à te dire assez important. Dis-moi. C'était pour dire que, voilà, que je voulais qu'on en reste là tous les deux. Et tu qui est-ce qui parle? À ton avis, c'est qui si je t'appelle? Tu m'avais appelé tout à l'heure quand j'étais au travail. Et tu m'avais dit que je t'en rappelais tout, puis moi justement j'avais un truc à te dire et. C'est vrai qu'on aurait été là et... C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai appelé. Écoute, tu m'as laissé un répondeur tout à l'heure quand j'étais au travail, j'ai fini à... Il y a même pas une demi-heure, j'ai fini, j'ai écouté mon répondeur et tu me dis que faut que je te rappelle. Non, j'ai pas appelé. Attention, il reste un peu. Pourtant, j'ai fait attacher ton répondeur, ça t'a rappelé automatiquement, donc c'est ton numéro. Je te connais pas. On était hier soir, là, manger au restaurant et tout ça encore ensemble. Allez, une minute. Non, je t'assure que non. Pourtant... Ça tient. Pourtant, si. Écoute, c'est quand même bien ce que je fais. Non, je suis désolée, je te connais pas. Alors, je pourtant, sais pas ce qui se passe, mais non, On est allés ensemble. Moi, je peux pas te dire autrement, je te connais pas. Allez, je te souhaite une bonne journée. Écoute-moi ce que j'ai à te dire. Mais je te connais pas. Il y a 15 secondes, il gagne. Non, 20 secondes. Ça n'a aucun intérêt. Si, on était ensemble pendant 3 mois là. La bonne personne, c'est pas moi. Bah pourtant si, c'est bien toi, parce que je t'ai appelé, j'ai fait tout chien que je t'ai rappelé automatiquement. Merde, elle a raccroché, oh putain. Oh là là, 1,44 mec, Samuel. Quelle andouille. Oh là là, putain. Zidane. Oui. Le Nord a gagné. Ferme ta gueule, gros bâtard. Eh oui, la famille est là, la famille est là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà. Bon. Super play. Eh super bah ouais. Play. Bon. Je vais lui laisser quand même prendre le DVD Blu-ray. Non. Super play. Eh, hey, il a gagné là-bas. J'ai pas gagné, mon gars. J'ai comment pas gagné, c'est pas grave. Comment ça t'as pas gagné? Qu'est-ce que tu racontes, Zidane? Bah, j'ai appelé une fois, j'étais 39 secondes, il a fait 50 secondes. Ah oui, mais c'est le meilleur score qui gagne, hein, Zidane. Hein. Ah bah c'est moi alors qui a gagné. Mais oui, je viens de te le dire. Ah bah c'est bon alors. Oui, j'ai compris. Alors tu lui files le cadeau ou pas? Ah, tu lui files le cadeau, Zidane, ou pas? Non, je le garde. Ferme ta gueule, gros bâtard. Bon, et bah voilà. Bon bah Samuel, bon bah désolé, hein, tu retournes chez toi les mains vides, hein. Je peux pas avoir moi un petit FIFA quand c'est bientôt mon anniversaire. Attends Samuel, laisse-moi réfléchir. T'as perdu. Attends, je te passe notre ami Corse. Espèce d'enculé. Non, Samuel, on peut te filer un pack fun si tu veux. Ouais, bah aussi, ouais. Bon, sur ça te brille, hein. Bon, Samuel, tu vas gérer ça avec 100 euros standard, d'accord? Je peux passer une petite dédicace. Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins une seule personne, attention, hein, te trompe pas. Bah, à tous ceux qui me reconnaîtront de l'accueil de jour de Nice, voilà. Donc, très bien, et ben voilà, le message est passé. Salut Samuel, on embrasse tout le monde là-bas à Nice. Salut Samuel, ciao. Et Zidane, encore bravo, le lecteur Blu-ray pour toi, tu vas. Merci beaucoup. Avec plaisir, Zidane. Salut. Merci beaucoup. Allez, salut, ciao salut à toi. Eh ben, dis donc, c'était serré là, hein, ce soir. Hein. Ah ouais, c'était chaud. Autant la semaine dernière, vous n'avez pas été bon avec le jeu de la rupture, autant ce soir, ça va. Vous n'avez pas été mauvais, hein, pour le coup. C'est pas mal. Bon, minuit tout pile sur Fun Radio. Bienvenue, si vous venez de débarquer, on va récupérer notre ami Nancy là. T'es là toujours, Nancy? Oui. Bon, Nancy, nous allons maintenant évidemment jouer ensemble pour offrir peut-être la PlayStation 3 et FIFA 14. Le principe est simple. Bah oui, le principe est très très simple. Tu vas donc tout simplement proposer une colle comme tu l'as fait tout à l'heure. Oui, si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne FIFA 14 et la PS3. Si personne ne trouve, c'est toi qui gagne. Et si la personne qu'on appelle ne décroche pas, tu gagnes également. Vas-y Nancy, on t'écoute. Je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés. Qui suis-je ? Je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés. Une rue piétonne, on me proposait. Non ? Non. Non, la colle, c'est une baguette. Non. Le vagin ? Non, pas du tout. Non, il y a Nico qui proposait une avenue. Non. Une grande rue ? Non. Il y a Peach qui proposait un boulevard. Non. Non, le trottoir. Pas du tout. La rue de la soif. Non, ah ouais, carrément. Bah ouais, écoute, après, il y en a qui proposent. Hein. Un lampadaire. Non, pas du tout. Ah putain. Mickaël qui dit Paris-Plage. Toujours pas. Un passage surélevé. Non. Oh là là. Bon, bah vous trouvez pas, hein. Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, bah vous de jouer maintenant. Vous envoyez tout simplement M-I-K-L et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Voilà, Nancy, je suis dans toutes les villes. On me surnomme la rue des Allongés. Qui suis-je ? Bon, Nancy, on te récupère tout à l'heure. Ok, pas de soucis. A tout de suite, Nancy. Et puis je vous rappelle que si vous voulez vraiment voir la colle, vous pouvez aussi aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Elle est écrite sur le Facebook, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de problème. Voilà, facebook.com/MIKL officiel. Il y a Priska aussi sur le Twitter qui dit « Je préfère écouter MIKL que la musique ». Bah ça tombe bien, on est là pour ça, Priska, merci beaucoup. Nano qui dit « Allez, le plan rupture, je kiffe ». Ah bah il vient de passer là pour le coup. Et Mélanie aussi qui dit « Vous pouvez remettre la chanson de Linkin Park et Steve Aoki ». Ah bah écoute, ouais, alors attends une seconde. Il était pas prévu celui-là, mais on va te le remettre dans quelques instants. Hop là, mais t'inquiète pas, je vais le faire. Un message aussi, j'ai rendu une prof de techno complètement folle avec des potes. On appuyait sur le bouton avec le son à fond et la prof, elle a pété un câble. Elle cherchait comment baisser le son, mais ça marchait pas. Une fois, elle s'est assise sur le clavier, elle appuyait sur un bouton et ça faisait bip non-stop. Elle s'en rendait même pas compte tellement elle était sourde. C'est Baptiste qui avait envoyé le message. Oui, c'est vrai que parfois, il y a des profs d'informatique qui sont pas forcément calés en informatique. C'est dommage. vache pour un prof d'informatique. C'est ça. Il y a Charles qui dit, moi j'étais grillé dans les chiottes publiques. Merde, je suis pas une fille. C'est pas grave, Charles, les garçons sont les bienvenus quand même. On parlait tout à l'heure, est-ce que vous vous êtes déjà fait griller en train de faire l'amour quelque part, ou est-ce que vous avez déjà grillé des gens en train de faire l'amour justement quelque part? Et toi, Colline, tu t'es déjà fait griller ou pas? Non. Non, on sait jamais, je pose la question. On sait jamais. Et ta copine Inès, non? Non, je crois pas. Non, je sais pas, là aussi on pose la question pour se renseigner. On a 15 ans. Ah oui, alors d'accord, évidemment, c'est vrai, j'ai oublié les tailles. Mais Nancy qui rigolait derrière là, et toi? Non, pas du tout. Non, pop. Non, on m'a jamais surpris, non, pas du tout. D'accord. Mais... En revanche, j'ai vu une petite vidéo sur Facebook, un jeune petit garçon peut-être de 10 ans qui faisait les bails avec un âne par derrière. Attends, jeune garçon de 10 ans qui faisait quoi? Qui niquait avec un âne. Un garçon de 10 ans? Voilà. Enfin, Nancy, t'es... C'est impossible, sur Facebook, il le vire direct. C'est-à-dire que nous, pour ma super moto, là, on s'est fait virer. Ouais, sa super moto, chiotte, là, on s'est fait virer du truc, le Facebook l'a viré. Alors, ça m'étonnerait, Nancy. À mon avis, t'as dû confondre avec l'âge, c'est pas possible sinon. Voire t'as dû confondre tout court. Même, y a pas de vidéo, y a pas de vidéo de cul sur Facebook. Non, mais c'est clair. Il y a des vidéos. Bah écoute, je suis curieux de voir. Enfin, non, finalement, je veux même pas voir, en fait. Finalement, pas. Non, surtout pas. Non, ça va aller, on va garder ça comme ça entre nous. Ça va être très bien comme ça, effectivement. Bon, Nancy, reste avec nous. Retour avec Xavier dans quelques instants. Kevin qui est là également. Ça va, Kevin? Ouais. En forme? Salut toute l'équipe. Ça va bien? Salut. Ça va. Bon, est-ce que t'as de naturel plutôt drôle? Ah bah non, lui, c'est... Ouais, t'es sûr? Genre à faire des conneries, à faire des vannes, à faire des blagues? Je me suis fait virer 2 semaines parce que j'ai insulté mon prof. Non mais ça, c'est pas drôle, c'est con ça, Kevin. Ah oui. Parce que tu sais, c'est comme les mecs. Alors, je reprends un exemple, hein, tu vois, quand t'insultes un prof, tu sais que tu n'auras jamais le dernier mot. Pareil pour les joueurs de foot, quand ils sont sur le terrain, qu'ils sont en train de taper un scandale à l'arbitre, ils savent qu'ils n'auront pas le dernier mot. Quand tu te fais arrêter par les flics, ferme ta gueule, tu sais que tu n'auras pas le dernier mot. Andouille. Voilà, ouais, exactement. Je peux pas me retenir, moi. Ouais, mais il faut arriver à prendre sur soi, parce qu'il y a un de ces quatre. Sinon, tu vas finir dans le caniveau, mon pote. Exactement, exactement. C'est comme ma daronne, elle sait pas s'arrêter. Un jour, mon père il se fait contrôler. Donc il est en train d'essayer d'amadouer les. Dis donc, attends, t'es en train de raconter ta vie là, ouais. Sans la musique, sans la musique. C'est pas ma vie, c'est celle de mes parents. C'est pareil. Et donc. Mérite un petit coup de pelle pour ça. Là. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc mon père il est en train de, tu sais, d'amadouer le keuf, lui dire ouais, je suis désolé, j'avais pas vu le sens interdit, machin. Et là t'as ma mère qui débarque. Ouais, c'est scandaleux, regardez, c'est ma... on voit rien, on le voit pas, ce putain de sens interdit. Mon père il a eu droit à la totale. Ça m'étonne qu'à moitié, ouais. Ça m'étonne qu'à moitié, ouais. Bon, et donc du coup, non, je parlais de ça parce qu'en fait on était tombé sur un site internet en fait qui répertoriait les meilleures blagues à faire quand on est au bureau, au bahut ou même à la maison. Donc on avait déjà parlé de changer la signature de l'email et mettre, tu sais, genre gros bisous, je te kiss, etc. Il y avait aussi les trois boutons CTRL, ALT et la flèche du bas ou du haut pour sur Windows évidemment, pour changer la gueule de l'écran. Qu'est-ce qu'il y avait aussi à faire? Un print screen de l'écran du bureau, c'est-à-dire enlever tous les dossiers qu'il y a sur le bureau Windows, ouais. Et après afficher que la photo mais du bureau vide, c'est-à-dire que le mec il va arriver, il va être en panique parce que tous les dossiers vont avoir disparu, il va être vraiment en panique. Ça, c'est cruel ça. Ouais, c'est cruel mais c'est drôle. Ouais, c'est cruel mais c'est drôle. Sinon il y a aussi genre changer les options de correction automatique dans Word et tu sais genre mettre une langue étrangère pour qu'il corrige tout et qu'il inverse tout. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Verser un peu de vodka dans la bouteille d'eau d'un collègue. C'est pas mal, ça. Ouais, ça c'est rigolo ça. Dire tout haut et bien fort, moi j'ai eu une prime et pas vous. Ça aussi ça peut être bien si vous êtes au boulot évidemment. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mettre des paillettes dans le savon des toilettes. Parce que du coup après il y a plein de paillettes partout, ça peut être très bien. Et alors le top, je trouve qu'il était vachement bien, c'est de faire, mais alors évidemment ça c'est un problème parce qu'on n'a pas le résultat final. Mais si par exemple il y a votre copain, votre copine, enfin votre collègue en l'occurrence, qui aime bien les petits chocolats par exemple, les petites pralines. Ouais. Voilà, vous allez chez le pharmacien et je vais vous donner le nom tout à l'heure mais j'ai oublié. C'est un truc pour pisser bleu en fait. Et donc avec une petite seringue, vous mettez ça dans la petite praline. Après avec un briquet. Ouais voilà, après avec un briquet vous refermez le trou, c'est pour faire un petit peu fondre le chocolat genre inaperçu. L'autre va bouffer les chocolats parce que l'espèce de produit n'a aucun goût en fait. Il va le bouffer sans problème. Et puis quand il va l'épicer, ça va être bleu. Oh, ah putain, je pense ça. Qu'il y a des barres à se taper, surtout ceux qui sont un peu tu sais, complètement parano là, qui sont toujours persuadés d'être malade, d'avoir toutes les maladies du monde. Je pense que ça peut être pas mal. On en fera d'autres tout à l'heure si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas. Et puis d'autres messages aussi qui étaient sympas, qui dit mettre un message d'absence automatique sur la boîte mail. Je suis à poil aux Bahamas et je pense jamais revenir. Ça peut être bien, tous ceux qui envoient c'est un message, ça peut fonctionner, ça peut être pas mal. On en a d'autres, on en parlera évidemment sans problème tout à l'heure. Et puis Kevin, on va parler avec toi, puisque toi t'as déjà grillé quelqu'un, toi, c'est ça? Oui, j'ai grillé ma prof de français avec son mari en fait. Parfait, Kevin, bon, ne nous en dis pas plus, on en parle dans un instant. Pareil avec Xavier qui est toujours avec nous, Xavier? Ouais, je suis toujours là, ouais. Parfait, c'est également. De quoi? C'est bon le coup de la prof de français. T'as vu, hein, il est plutôt pas mal, effectivement. Bon, ouais. Effectivement. Mais c'est un peu dégueulasse parce que c'est une vieille. Après, tu négocies les notes, mec. Ouais, voilà. Bon, attendez, n'en parlez pas trop maintenant, on va en parler dans un instant, d'accord? Bon, allez, bougez pas de là. Si vous aussi vous avez déjà fait l'amour dans les endroits un peu particuliers, et surtout vous vous êtes fait griller ou vous avez grillé quelqu'un, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, c'est Mickaël No Limites. On est là tous les soirs jusqu'à 2h. On écoute Basto maintenant, Dance With Me sur Fun. Mickaël No Limites. On est en direct sur Fun Radio, bienvenue minuit 11. Et ouais, on est toujours là évidemment jusqu'à 2h du mat. Et un Megumi aussi qui dit: moi j'ai été surpris en plein acte par ma coloc. Très bien ça Megumi, laisse ton numéro de téléphone, on va te rappeler, tu m'envoies un mail Megumi 0 sur, j'ai donné le numéro. Mickaël@funradio.fr ou alors t'appelles Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Mélanie qui voulait toujours son Linkin Park. Et ben il va arriver. Linkin Park avec Steve Aoki, ce sera dans un instant sur Fun Radio avec A Lie That Never Come. Et puis je vous le rappelle également, les teubés de la télé. Et oui, c'est dans les 12 coups de midi. Bah ouais, les 12 coups de midi, on a eu droit à la chanson la plus improbable de la télé. C'était ça pour ceux qui ont raté, hein. Cui cui cui, cui cui cui. Et cui cui cui. Et cui cui cui. Notre chanson très courte. Ah, c'est mieux, hein. Ah, et c'est vachement mieux que ce soit court, hein, parce que comment t'expliquer que c'est quand même tendu, hein. Bon, et sinon, il y a l'île des vérités aussi, où Jules nous apprend une nouvelle expression très sympa. J'espère que ça se reproduira, parce que voilà, moi, je kiffe, même s'il y a des gens que j'aime moins et d'autres plus, je kiffe tout le monde quand même. Voilà, hein, y a des gens qui l'aiment moins, d'autres qui l'aiment plus, mais ils kiffent tout le monde et ça c'est le principal. Et puis évidemment, toujours dans l'île des vérités, on révise la conjugaison. Raphaël, si tu devrais choisir une ex, tu prendrais qui? Eh oui, si tu comment? Si tu devrais. Raphaël, si tu devrais choisir une ex, tu prendrais qui? Voilà, si tu devais, bien évidemment, vous aurez bien entendu corrigé automatiquement, bien entendu. Puisque Mickaël a un petit système pour s'en souvenir. Les si. Ah oui, les si n'aiment pas les ré. Voilà. Exactement, oui. Je me souviens, c'est mon prof de France à l'époque qui m'avait tapé sur les doigts parce que j'avais fait l'erreur. Et depuis, hop, pas de problème, hein, je m'en souviens sans aucun souci. Les si n'aiment pas les ré. Ouais. Exactement, voilà. Bon, alors il y a quoi aussi, Brandon, qui remplaçait le dentifrice par du savon. Ça aussi, c'est une bonne blague, mort de rire. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, ça doit être dégueulasse. On a mis un poisson dans le seau pour une éponge. Oh. Eric, qui dit: moi, la pire connerie que j'ai faite, c'est de pisser dans la bouteille de mon chef et il l'a bu après. Oh. Lauriane qui dit: bonsoir à toute l'équipe, ravi de pouvoir vous retrouver enfin. Bah, on est ravi que tu sois de retour, Lauriane, sortie aussi. Kevin qui dit: deux jours et déjà accro à vous. Bah, merci Kevin M, sois le bienvenu aussi. Préviens tes potes également, hein, si t'es un nouveau là. Vous n'hésitez pas, bien entendu, vous tapez, vous prévenez tous vos potes, hein, qui tapent également. Et Mickaël officiel, Facebook et Twitter. Je rappelle d'ailleurs que sur Twitter, si vous me faites un follow, moi aussi je vous fais un follow. Vous tapez Mickaël officiel pour me suivre et je vous suivrai avec grand plaisir. Voilà, et on est déjà en top tweet depuis le début de l'émission alors qu'on est là depuis que deux mois. Faut pas demander ce qui va se passer au mois de juin, j'ai envie c'est de pas dire. Mal, moi j'ai envie de dire. Bah exactement. Bon allez, tous les messages qui arrivent, on va les lire dans un instant. Retour avec Xavier, avec également Émilie qui sera avec nous. T'es là Émilie déjà? Oui. Ça va bien, en forme? Ça va et vous? Bah écoute, ça va et toi? Ça va. Allez, ça va alors, hein, tant mieux, hein. Ça va? Pardon? Ça va? Oui. Ok, non mais c'était pour être sûr. Alors ça va. Sinon ça va. Bon, très bien. Bon, t'appelles d'où, Émilie? D'Avignon. D'Avignon, très bien, dans le Vaucluse. Dis-moi, t'as entendu parler de ça, Émilie, hein? Il y a le Venezuela qui a besoin de teuf, apparemment, hein. Non, j'ai pas compris. Le Venezuela, tu connais le pays, le Venezuela? Ben oui. Bah apparemment, ils ont besoin de teuf. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ben en fait, apparemment, ils ont plus de PQ. Il y a une pénurie de papier cul au Venezuela. Non mais c'est véridique, hein, c'est véridique. Il y a eu une grève dans la principale usine qui fabrique le PQ, du coup, bah forcément il n'y en a plus. Donc je proposais que tu appelles des gens pour essayer de voir s'ils pouvaient faire un don de papier chiotte. Mais oui, faisons le PQ-ton. Bah voilà, c'est ça. Tu veux donner un petit rouleau de PQ, toi, Émilie, pour le Venezuela? Ouais, si vous voulez. Bah sympa, ouais, c'est cool, merci à toi, c'est cool. PQ Force de Venezuela. Exactement, ouais. Bon, on va appeler quelqu'un puisque vous avez donné le numéro de téléphone depuis tout à l'heure. On y va, Emily, bah tu restes avec nous pendant qu'on appelle. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. T'es prêt, Tof, du coup, là, toujours. Tu sais ce que tu vas dire? Je vais leur demander s'ils ont du PQ. C'est une idée, et s'ils peuvent le donner pour le Venezuela. Voilà. Allez, c'est parti, on y va, premier appel maintenant, là. Et on appellera jusqu'à 2h du mat, évidemment, comme d'habitude, pour flasher le monde. C'est mal. Non, oui, bon, c'est pas grave. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui? Oui, je vous appelle parce qu'au Venezuela, il y a une pénurie de papier toilette. Et moi, je vous emmerde. Déjà? Oh putain, c'était inespéré. On peut dire bonjour ou pas? Oh, c'était inespéré. T'as vu, Émilie, si on t'appelle, tu nous emmerdes aussi, toi? Non. Ah, quand même. Mais toi, t'as des polis, toi, Émilie. Ouais. Voilà, bon, on va rappeler. Allez, c'est reparti. Dis donc, on n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, déjà, je vous emmerde. Qu'est-ce qui va se passer au deuxième appel? Bon. Oui, excusez-moi, on a été coupé, madame. Oui, alors? Ben non, parce que, en fait, moi, je voudrais savoir si vous pourriez faire un don d'un ou deux rouleaux de papier toilette pour les Vénézuéliens. J'ai dit que je vous emmerdais. Oui, c'est ça, parce qu'ils en ont plein le cul, et donc, du coup, ce serait pour essuyer, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez faire un don ou pas? Ah non, apparemment, on peut pas faire de don. Non, on peut pas faire de don. C'est pas grave, on va encore la rappeler, parce que je pense qu'elle a pas compris le concept. Émilie, t'as compris, toi? T'as compris le concept, oui, toi? Oui. Bon, ben, je comprends pas. Ouais. Elle a pas compris. Attends, on la rappelle encore un coup. Attends, bouge pas, Émilie. Oh! Oui, oh. Non! Oui! Mais non, tu emmerdes, hein! Mais pas du tout! Vous m'avez pas dit combien vous vouliez en donner de rouleaux? Je vous emmerde! Ne rappelez plus, j'appelle la police, hein! Mais c'est pas la peine d'appeler la police pour des rouleaux de papier toilette, madame! Ta gueule! Oh, s'il vous plaît! Oh là là, au bon accueil, dis donc! Oh, ils sont cool, je sais pas dans quelle ville on était là, mais très sympa! Hein. Eh, merci pour les numéros que vous envoyez, on tombe que sur des mecs qui nous insultent! Bande d'enfoirés, va! Bon, 01 42 48 5000, 02 851 4x0, si vous avez des numéros de téléphone à partager, surtout, n'hésitez pas, bien entendu, c'est avec grand plaisir! Mais pour l'instant, cette dame qui m'avait l'air, ma foi, très sympathique, est quand même très très loin d'arriver à notre top des bons, des bons accueils! Tu as écouté l'émission hier ou pas, Émilie? Oui. Ah, tu as donc entendu notre ami Corse? Ouais, ouais, hélas, là, qui faisait que dire ta gueule. Voilà, notre ami Corse était celui-là pour ceux qui viennent de débarquer. Espèce d'enculé, va. Voilà, très gentil. Espèce de petit pili de merde, va. Voilà, et alors pour ceux qui n'avaient vraiment pas écouté, il avait répondu ça à Tof, mais on l'a pas remonté, hein, c'était vraiment une ligne droite. Ah, tu as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pauillac. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah, du coup, j'ai envie de remettre notre ami Carolo, moi. Notre ami Carolo, c'était celui-là. Ta gueule, connard. Voilà, il était bien. Voilà. J'aime bien. Bah, du coup, ah, bah, t'aimes bien aussi, hein. Du coup, on va en remettre un petit coup, là. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Ta mère qui a un gros clitoriste, toi. Elle t'a mis au monde avec un clitoriste sur ton front, connard. Espèce d'enculé. Elle t'a mis au monde avec un clitoris sur le front. Enculé de ta mère. Quel est le rapport? Ouais, Émilie. Moi, j'ai un numéro à donner si vous voulez. Ah, avec plaisir, Émilie. Alors, je te repasse Sandro direct, on va l'appeler après, Émilie. C'est qui? C'est mon copain. Ah, mais, ah, ton copain, t'es encore avec lui actuellement, Émilie? Émilie? Non, lui, il est chez lui et moi, je suis sortie. Parfait. Bon, ben, Émilie, ne bouge pas. Attends, je te renvoie chez Sandro, on va prendre le numéro de téléphone, on va l'appeler après. Bouge pas de là, Émilie. Et il va s'énerver, hein? Non, enfin, je sais pas. Bon, on va voir, on verra bien. Écoute, on va l'appeler dans un instant, là, bouge pas de là. On va récupérer Nancy aussi avant de reparler avec Xavier. Nancy? Oui, je suis là. C'est ton tour. On recommence encore une fois. Dernière tentative pour la colle ce soir. La colle qui va vous permettre de repartir avec la PlayStation 3 et avec le jeu FIFA 14 qu'on vous offre en... Exclu. Comme d'habitude, bien sûr. On avait fait GTA 5 aussi la semaine dernière en exclu, alors que les autres étaient même pas au courant qu'il allait sortir. Et là, du coup, c'est FIFA 14. Bon, Nancy, on y va? Oui. Allez, c'est okay. Parti, répète la colle. Ok, allez, vas-y. Je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés. Qui suis-je? Je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés. Il y a Mickaël qui proposait le café. Non, pas ah bah du oui, tout. C'est un grand rapport. Ah bah bravo, Mickaël. Hein, tu fais honte ton prénom, là. Tout ce que tu mérites, c'est un coup de pelle. Voilà. Ah ouais, il l'a bien mérité. Eh bah, ben, je te confirme. Bon, il y a. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message, là la rue du commerce.com. C'est pas ça hein? Non, pas du tout, non. Bon, un poteau. Non, alors là, pas du tout. La morgue. Non. Non. Une gare. Non. Un commissariat de police et Peach. Toujours pas. Et Peach aussi proposait un banc. Non. Non, bon bah tant pis alors. Bon bah si après, vous avez un petit numéro pour vous aussi hein. Ah bah écoute, bah fais tourner Nancy avec plaisir. Bon, si vous avez la bonne réponse, PlayStation 3 et le jeu FIFA 14 à gagner sur les SMS maintenant. Vous envoyez simplement M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou alors pour la Belgique, vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 63 22. Et vous pouvez bien sûr retrouver la question sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/M-I-K-L officiel. Nancy, bah, je te repasse Sandro pour prendre le numéro aussi, d'accord? Pas de soucis, ça marche. Salut Nancy, à tout de suite. Salut. Voilà, et donc je rappelle le principe, hein, vous avez jusqu'à minuit 30 pour donner la réponse à la colle de Nancy. Donc je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés. Je peux vous donner un indice, en général quand on termine là, on ne revient pas. Oui, on va pas plus loin en général. Voilà, en général c'est le cul-de-sac. Les putes? Non, pas du tout. Ah pardon. C'est le terminus. Ah. C'est le terminus de la vie. Bon, allez, bonne chance tout le monde. Et Mickaël est la réponse au 64 900. Et Mickaël est la réponse au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite donc bonne chance. Retour avec Xavier. Allô Xav. Ouais. Ouais, je suis là. Toujours là, parfait. Colin toujours qui est là, là également, évidemment. Hein, Colin qui est donc la VIP de ce soir et qui est dans le standard depuis mercredi. Voilà, elle est toujours là parce qu'on lui a confisqué sa radio. C'est ses parents qui lui ont confisqué la radio. Du coup, ça fait 3 jours qu'elle écoute l'émission depuis le standard. Voilà. Et au moins, c'est nous qui appelons, donc c'est pas cher, Colin. Hein. Ouais. Bon voilà, c'est parfait. Mais bon. Ce qui prouve qu'elle a un bon téléphone parce que 3 heures de communication non-stop. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi comme téléphone, Colin? Le Samsung Ace. D'accord, bah voilà, mais c'est très bien, il faut le garder. Il tient bien, à moins qu'il soit branché là. Non, mais je le fais charger un petit peu avant. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est mieux, alors très bien. Bon, et on a Kevin également, puisque Xavier nous avait appelé parce qu'il a grillé des flics sur le parking en train de niquer. Et Kevin de Bordeaux qui, lui, a grillé sa prof de français. Alors... C'est bon. Eh ah oui, bah ouais, c'est bon ça. Alors, vas-y, c'est quoi l'histoire? Explique-nous tout dans le détail. On veut tout le détail. Jusqu'au poil. Oui. Je traînais avec des potes dans les couloirs alors qu'on n'avait pas le droit et on a levé la tête vers la classe de français et on a vu le prof, son mari sortir en remontant son pantalon en revenant les boutons. Mais jeune ou vieux la prof et le mari? Ah non, les deux, mais vieux, des centenaires presque. Non, non mais en vrai, ils avaient quoi, 40, 50? Non, au moins 50 ans les deux. D'accord, ok. 50 piges, tu baises encore au bahut. C'est ça, d'ailleurs tu viens de dire le centenaire, juste il y a mon père qui m'a envoyé un message qui t'emmerde. Voilà, s'il est pas centenaire, bon face ouette. Bon vas-y. Et du coup il nous a chopé et on s'est fait détruire. Après on a eu le temps de prendre une photo mais... Oh, t'as fait quoi de la photo? Mais je l'ai encore sur mon téléphone. Oh non, envoyé, mais je sais pas comment faire. Allô, toi, le bâtard, écoute avec Xavier, la partage. Bon, mais du coup, t'en as fait quoi? Tu l'as montré à des gens ou tu l'as montré à personne? Oh, mais quand à mes potes, parce que si je me fais choper, je suis vraiment dans la merde. Ah non, mais c'est clair, Oui, il faut pas après, le faire. Après, je voulais bien vous la passer, mais je sais pas comment faire. La photo. En enfer. Ouais, mais en même temps, nous, on va pas la mettre parce que du coup, forcément, ça pose un problème par rapport à la prof. Mais c'est surtout qu'encore, on aurait été jeune. On t'aurait dit, vas-y, envoie, tout ça. Mais bon, si elle est vieille, hein. Si elle est vieille, tu la gardes. C'est juste l'histoire de se taper une bonne barre que je l'ai fait. Mais oui. Mais on genre, on voit bien ou pas? Ouais, vite fait, quand même, on voit un peu. Est-ce qu'on voit les poils? Non, mais c'est rare. Merci, Paulo. Ça, c'est quand même mon fantasme de me pécho une prof dans sa classe. J'annonce, hein. Avec des prof... poils? Avec, non, oui, mais... avec des poils. Mais c'est le principal. Les regardants. Les... Voilà, c'est ça. Bon, moi, je suis tombé sur, quand j'étais plus petit, sur ma prof de français, une petite blonde qui était très sympathique. C'est sur son bureau et tout, clac, clac. Ah ouais. Ah, c'était bien. Bon, j'avais que 13 ans à l'époque, hein, mais bon, Tof, c'est la prof de maths. C'est la prof de maths, oh là là. Eh oui, tout un fantasme. Oh là là. Comment s'appelait-elle? Véronique. Véronique, nick. Oh là là, elle... Mais pas toi en l'occurrence, en c'est plus, dommage. En plus, elle mettait des petits pantalons qui lui moulaient les fesses. Oh la gueule que Oh là là, j'ai passé des heures à mater son cul. Voilà, c'est ça. T'as un petit peu de bave sur le coin de la bouche. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, attends, il y a aussi Aurélien avec nous là de Marseille. Salut le Marseillais. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, mais bienvenue à toi, 27 ans de Marseille, toi, ça se passe bien Marseille, il a fait beau aujourd'hui? Ouais, il a fait beau, ouais. Bah, comme d'habitude, hein. Fait toujours beau à Marseille. Ou presque en tout cas. Bon, alors Aurélien, toi aussi tu voulais réagir à Kevin et à Xavier, là, est-ce que t'es déjà tombé sur des mecs qui étaient en train de niquer, enfin des couples en l'occurrence, ou peut-être que tu t'es fait griller? Plusieurs pour le coup, puisque je suis policier en fait, et je travaille la nuit notamment, et c'est vrai qu'on a un peu des jeux avec les collègues pour choper les gens qui font ça en fait, hein. C'est-à-dire des jeux, parce qu'en finale vous leur faites rien, c'est juste pour vous marrer en fait que vous faites les contrôles. Bon, enfoiré. Il y a un côté. C'est la première fois que je peux dire enfoiré un flic, il m'arrive à rien. Il y a aussi la partie, voilà, demander aux personnes s'ils sont consentants, etc. Parce qu'on sait jamais, mais bon, c'est vrai que c'est le plus le jeu quand même. Hein. Ouais, c'est le jeu, ouais. Et mec, tu m'insultes en loose des enculés. Ça le flic. Eh, Aurélien. Ouais. Non mais c'est bien parce que c'est la première. Comme il est à Marseille, il n'y a pas venir jusqu'ici pour mettre un PV, tu vois. Mais t'es quoi, t'es bac ou t'es normal? Non, on est en tenue, mais peu importe, les gens ils nous voient pas, ils sont pris dans le truc, et en plus on délire, on descend de la voiture de chaque côté, et les lumières de chaque côté, voilà. Quelle bande d'enfoirés. Eh, vous avez rien d'autre à foutre à la police? Eh si, mais bon, ça fait partie du travail aussi. Ouais, bah, tu vois, un petit peu d'amusement, hein, c'est entre ça. Deux arrestations. Exactement. Ouais, Kevin. Nickel. Ouais, ouais, comment ils font si ils se font repérer Aurélien quand il les voit? C'est-à-dire? Comment ils réagissent les gens? Est-ce qu'il a déjà eu des retours? Bah, de suite ça se couvre, ça se cache, et puis après ça dépend, soit les gens ils gueulent ou ils rigolent, c'est... Ouais, voilà. Ouais, ou alors t'as ceux qui t'as ceux les mauvaises fois, t'as grillé, hein, que le mec était en train de niquer. Mais non, qu'est-ce que vous faisiez? Rien du tout, monsieur l'agent. Oui, on est en panne de voiture. Ah, très bien. C'est quoi les excuses? T'es déjà tombé sur des excuses de merde, Aurélien? Ouais, bah c'est souvent les couples légitimes pour le coup, hein, c'est... Ah oui, bah bien, ouais. Ou alors des jeunes qui ont pas d'endroit où niquer, ouais. Quoi. Ouais, mais les jeunes n'ont pas de voiture, donc c'est vrai que pour le coup, c'est plus quand même les couples légitimes, et après on se rend un peu dans les bois et tout, on s'amuse. Ouais. Bah moi ça m'était arrivé, c'était arrivé une fois, c'était avec ma copine, et bon, évidemment, on n'avait pas encore, on n'avait pas d'appart, pas de maison, ni rien, forcément, donc c'est soit chez ses parents, soit c'est chez les miens. Donc du coup, on avait fait ça dans la voiture, et puis les filles qui disent, vous savez qu'il y a des endroits pour ça, vous pouvez pas faire ça chez vous? Bah non, sinon on l'aurait fait là, hein, on aurait préféré être tranquille à la maison, hein, mec. Bien sûr, c'est sûr, mais bon. C'est vrai que mine de rien, on en chope au moins un par soir. Quoi. C'est quand même. Ah ouais. Il y a des endroits propices. Hein. Ah ouais, genre où à Marseille? Bah, je travaille pas sur Marseille, mais sur les communes autour, il y a plein d'endroits. Enfin, souvent, bien sûr, où il y a les prostituées pas loin, bah, c'est pareil, c'est aussi un peu le... Il y a des gens qu'on chope, hein. Hey, Aurélien, par contre, on compte sur toi parce qu'on va aller bientôt faire une émission en direct de Marseille. Donc, je compte sur toi pour nous faire visiter après les bons endroits, hein. Pas de Hey, tu nous feras un tour avec le gyrophare et tout le bordel, hein, d'accord? Enculé, c'est le mec qui arrive ensuite. Hein, tu nous feras le bah, ouais. Qu'on appelle ça, le merde. Allez, pour nous ouvrir la voie, là. Ah oui. Ah ouais, l'escorte. L'escorte, ouais, une escorte. Ah, ça peut être bon, ça. Ah, on kiffe. Je roule avec la police devant et derrière, on est au top. Et les motards sur le côté, t'es bon. Exactement, ouais. Sur la canne-bière. Ouais, hop là, devant le vieux port. Avec le paquebot. Avec le paquebot, bien évidemment, qui sera là. En plus, ça tombe bien parce que les studios de fun sont juste devant le vieux port. Ah, on va être bien. À Marseille, bah ouais, on va être plutôt bien, effectivement. Ouais. Très, très bien. Bon, ben, Aurélien et Kevin, merci à vous deux, en tout cas, d'être passés. Pas de soucis, j'ai la réponse en fait à la question. Eh bah tant mieux, casse-toi. Non mais vas-y, donne-la, mais il faut participer par SMS ou via le Facebook. Un cimetière évidemment. Ah bah je sais pas, Aurélien, on verra bien. En tout cas, si c'est la bonne réponse, tu viens d'aider pas mal de gens. Ouais, voilà. Et c'est ça la police nationale, toujours là pour aider. Ouais, oui. Et service. Voilà, et garde à vous. Bon. Allez. Ouais, Kevin. Est-ce que ce serait possible de faire une dédicace? Bah vas-y, Kevin. À une seule personne, hein. Tous ceux qui me reconnaîtront et à tout le collège Claude Massé à Bordeaux. Très bien. Eh ben on embrasse tous les Bordelais, Kevin. C'est de mollesse. Salut, Kevin. Salut. Est-ce que ce serait possible d'avoir un pack fan? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, pas de problème. Ça marche. Salut, Kevin. Ciao à toi. Salut toute l'équipe. Salut. Allez, bye, Kevin. Et Aurélien, bah merci beaucoup. Ouais. Et je compte sur toi, hein, quand on vient faire l'émission à Marseille, tu viens, hein. Vous m'appelez, je viens, pas de problème. Eh ben, pas de problème, super, c'est noté. Merci Aurélien. Allez, salut. Ciao, bye bye Aurélien, à bientôt, ciao. Et puis Xavier, merci à toi d'être passé aussi, tu reviens quand tu veux. Y'a pas de soucis, je peux faire un petit dédicace? Vas-y, à une seule personne, tu connais le principe aussi. Ça marche. Bah, c'est une dédicace à toute la guise de botte sur Isombre en Alliance. Très bien, eh ben message passé, et Xavier. Eh ben écoute, voilà, deuxième message passé en enfume. Salut Xav. Merci. Ciao. Merci, à allez, à bientôt. Ciao, merci. Toi aussi. Merci de passer sur Fun Radio. Dans un instant, Nancy, donc, avec la réponse à la colle. La colle, donc, est la suivante. Je suis dans toutes les villes. On me surnomme la rue des Allongés. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, il y a en tout cas Aurélien qui vient de donner un bel indice, hein, si ce n'est plus. À vous de jouer. Vous envoyez tout simplement maintenant M-I-K-L et la réponse au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique par SMS. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, à vous, peut-être la PlayStation 3 et le jeu FIFA 14 en exclu, évidemment. Yeah. Allez, à vous de jouer, bonne chance. Il y a la colle qui est écrite également sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez venir nous rejoindre, bien sûr. Facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, on va s'écouter maintenant le son de Manian avec Floor Fila. C'est Just Another Night sur Fun Radio. Et juste après, on appellera encore d'autres numéros. Hein. Mais oui, avec plaisir. Bah oui, parce qu'apparemment, au Venezuela, là, ils sont en galère de PQ. Donc, on va leur filer un coup de main. On est toujours là pour un service. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, M-I-K-L, nos limites. Sur Fun Radio. Mais oui, on est sur Fun Radio tous les soirs avec, à l'instant, le son de Linkin Park avec Steve Aoki. C'est Melo qui l'avait demandé tout à l'heure. Là, on va te le mettre avec A Light That Never Comes sur Fun Radio. Puis on avait demandé aussi le son de Martin Garrix. On va vous le passer aussi, là. Ça aussi, ça va débarquer sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à 2h du mat, comme tous les soirs, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et tous les dimanches soirs, entre 20h et minuit, sur Fun Radio. Venez nous rejoindre, hein, nombreux et nombreuses. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a Officiel, qui est aussi, j'ai grillé mon ex, en train de se faire baiser. Mais c'est cool, vu qu'on l'a baisé à deux. Oui, c'est effectivement bien vu comme ça, en effet. Mais je crois que c'est un truc que je peux faire aussi, ça. Oui. C'est-à-dire, on y va à deux, et puis je la tège. Super, oui, c'est une idée. Oh, c'est pas mal. Pourquoi c'est, pas. C'est un bon dernier enquête. Oui, de Swaggest Pelican aussi. C'est un nouveau, ça, j'ai jamais vu celui-là. Soit bienvenu déjà. J'ai chopé une meuf en train de sucer un mec dans les toilettes du ciné et après dans la salle devant Avatar. Sympa. Johan aussi, 69-32, encore un nouveau. J'écoute l'émission depuis lundi soir. Ah bah voilà, nouveau. Et j'adore. Ah bah merci Johan, bienvenue à toi. N'oublie pas, préviens tes potes. En tout cas, t'es chez toi ici. Et tu reviens et tu restes autant que tu veux. Il n'y a pas de souci, Johan, no malaise. Benjamin qui dit moi en 6ème, j'ai vu la choupinette de ma prof de français. En plus, elle est super canon, la prof. La big up à elle. Elle va se reconnaître, Benjamin, là, hein, évidemment. Indissociable sur le Twitter qui dit j'avais une prof qui nous racontait des exploits avec des sextoys. Je lui avais demandé de montrer. Elle m'a viré du cours. Sans déconner. Logique. Sans déconner. GTR 586 qui dit moi j'ai une prof d'anglais, une bimbo, grande, blonde, aux yeux bleus, waouh, petite jupe et tous les jours et tous les mecs devant un cours. Bah, l'avantage c'est qu'au moins personne ne séchait le cours. Hein. Ouais, quand t'as une bimbo là, tu y vas, quoi. Sûr. T'y vas. Clem qui dit Polo, t'es dégueu. Bon, on sait pas pourquoi, mais il a certainement fait une dégueulasserie. Ah, pour les poils, d'accord. Le Lusitano 76650 qui dit terrible les soirées avec vous, je vous kiffe cette émission. Coup de pelatof. Bah écoute, avec plaisir, hein, puisque tu demandes. Voilà dans sa gueule. Et moi, je rajoute également. Voilà. Et Megumi qui dit la colle, c'est le sex shop en rapport avec la rue des Allongés. Mort de rire, humour de merde quand tu nous tiens. Megumi, t'as beau être quelqu'un de fidèle, quelqu'un de très gentil, tu mérites quand même un coup de lance-flamme dans la gueule. Non mais voilà, c'est pas parce que t'es fidèle que t'as le passe droit. Hein. Ouais, ça faut quand même quoi, pas ça. Déconner, wow. Megumi là. Bon, allez, Nancy. Oui. On va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante, à moins qu'on l'ait déjà au téléphone. Ce serait toi peut-être. Qui sait. Bah qui sait. Donc le principe était simple, tu as balancé la colle depuis 23h. Et le but, évidemment, c'est que les auditeurs se sont inscrits avec éventuellement la réponse. Si elle est bonne et que le gagnant qu'on appelle la bonne réponse, il gagne, tu perds. S'il n'a pas la bonne réponse ou qu'il ne décroche pas, tu gagnes, Nancy. D'accord ? J'espère. Et il y avait la PlayStation 3 à gagner avec le jeu FIFA 14. On y va, on appelle le gagnant, la gagnante éventuelle. Si il ou elle décroche, c'est gagné. Et je rappelle également que hier, par exemple, ça n'a pas décroché, c'était le répondeur. Résultat, c'est le... C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet œuf qui essaye de péter en l'air. Ça fait ça depuis tout à l'heure quand j'appelle. Oui, il y a un petit problème avec le numéro, là, c'est pas grave. On va essayer de le rappeler. Bah oui, bizarre. Pourquoi ça fait... On est tombé dans une ruche. Bah oui, t'imagines, ouais. C'est les abeilles. Ouais. Du miel. Bon, allez, on rappelle. C'est pas mal. Allô? Allô Maya? Allô? L'abeille. Ah non mais en fait il est en train de parler là, mais on n'entend rien du tout. Attends, on va peut-être essayer de le remettre sur une autre ligne. C'est peut-être notre ligne numéro 7 qui est pétée. Attends, je vais recomposer le numéro M. Alors, et après, attends une seconde, c'est parti, on rappelle. Et j'ai oublié un numéro dans les numéros, c'est parfait. Voilà, je recompose et vous inquiétez pas, en même temps je suis pas standardiste, alors parfois forcément évidemment c'est compliqué. C'est parti. Faudrait m'embaucher, Ah bah écoute, Nancy, dis donc, toi tu cherches du travail en plus? Bah pourquoi non. pas, bah oui. C'est vrai. Mais la radio, c'est pas mal. Allô? Allô? Ouais, bonjour, donc c'est notre numéro 7 qui est morte, hein. J'annonce là comme ça. Comment D'accord. tu t'appelles? Priscille. Priscille, salut Priscille, il y a Nancy que je te présente et qui a une colle à te poser. Oui. Je commence? Ah bah vas-y Nancy quand tu veux. Donc je suis dans toutes les villes, on me surnomme la rue des Allongés, qui suis-je? Un cimetière. C'est quoi? Un cimetière. Un cimetière, Nancy? Ouais, c'est ça. Ah dommage! Bravo, comment tu t'appelles encore? J'ai oublié. Priscille. Priscille. Priscille, tu repars avec la PlayStation 3 et le jeu FIFA 14. Oh, trop bien. Eh ben voilà, bravo Priscille. Ah bah merci beaucoup, c'est super, c'est grâce à mon frère en plus. Eh ben voilà, content. T'as quel âge Priscille? J'ai 21 ans. 21, putain, oh. J'étais persuadé qu'en fait t'étais un garçon ouais. qui n'avait pas mué. Elle a une belle voix de d'ado. Ouais, ouais, non, je suis malade, en fait, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, oh, Priscille. C'est joli, Priscille. Bon, du coup, tu vas faire quoi avec la PlayStation? C'est pour ton copain? Bah, comme il m'a largué la semaine dernière, je vais légèrement le larguer. Non. Oh, bah attends, peut-être que toi, fais t'intéresser. T'es dans quelle ville? Bien sûr. Quel âge es-tu d'abord? Attends, t'es dans quelle ville? J'habite 21, à Granville. T'habites à Granville, d'accord, eh ben, ok, parfait. Très bien. Je viendrai avec ma petite ville. C'est à côté de toi. Génial. Ouais. À côté de Mont-Saint-Michel. Ah, d'accord, parfait, ok. Bah. C'est super mignon. Alors, comment t'appelles-tu? Combien pèses-tu? Oh, il est complètement perturbé. Il devient ouf, l'autre. Complètement, ouais. Calme-toi. Bon, allez, vas-y, Toff. Dans ton cul, au connard. Voilà. Priscille, combien mesures-tu? Priscille, combien j'entends mesures-tu? J'entends très mal enculé maintenant. Oui, mais c'est parce qu'il met plein de trucs là. C'est faux, c'est faux. Laisse-nous. Tu baisses d'un ton, Toff, on te pète ta gueule, nous. Laisse-moi en intimité avec Priscille. Combien mesures-tu? Ferme ta gueule, être connard. 1m63. Combien pèses-tu? Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. 70. Ah ouais. Quel est ton tour de poitrine? Non mais calme-toi. Ferme ta gueule, gros bâtard, hein. Je suis du nord aussi, mi. Hein. Ah. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Ça ne me dit pas donc pour la poitrine. 90. Ah oui c'est comme c'est bien. C'est pas mal. Et la tête, du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Ta gueule, connard. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, je pense qu'il doit y avoir moyen de bien claquer le cuisseau. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Bon, bah du coup, tout ça pour te dire, Priscille, que tu repars avec la PlayStation 3 et FIFA 14. Bravo, Priscille. Ah, c'est trop bon, merci. Bon, bah écoute, je t'en prie. Et puis Nancy, bah malheureusement, bon, tu peux toujours passer voir Toff éventuellement si tu veux. Hein. C'est un peu loin, non? Non, pas toi Priscille, c'est Nancy, toi t'as déjà gagné la PlayStation. Ah, okay. T'as déjà la PlayStation avec FIFA 14, mais c'est pour Nancy que je disais ça. Oh le cadeau! D'ailleurs Nancy, combien mesures-tu? Ta gueule, connard! 1m58. Combien pèses-tu? Enculé de ta mère! Quel est ton tour de poitrine? T'as mis au monde avec ton au fond, connard! 85D comme bébé! Ah, B comme bébé. Ou comme bâtard. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Espèce d'enculé. Combien? 36. Espèce d'enculé, va. Ah oui, bah attends une seconde là. Ah oui, je peux pas le partir. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah bah voilà, Elonci. Nancy, on voulait justement virer le stagiaire. Donc si tu veux passer demain, il n'y a pas de problème. T'es preneuse. Bah voilà. Toff va te donner. Exactement. Non, parce que bon, comment te dire que physiquement parlant, je pense qu'on va y gagner par rapport au stagiaire. Hein. Donc moi, si tu fais rien demain, je suis disponible. Va te renculer, salope. On peut se voir. Qu'est-ce qu'il y a, Nancy? Tu disais quoi? J'ai dit ah bon, d'accord. Voilà. Tu me dégoûtes. Est-ce que tu comprends? Tu me dégoûtes. Bon, bah Nancy, bon, bah écoute, t'as perdu, c'est pas grave. Hein. Si vraiment tu veux encore plus perdre, tu viens voir Toff. Et puis, bah sinon, bah tu vas chez toi. Viens, Nancy, tu ne seras pas déçu. Non, tu parles. Tu seras très déçu. Tu parles. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Voilà. Bon. Ok. Salut Nancy, je te fais des gros bisous. Salut. Et tu reviens quand tu veux sur Fun. Ciao, à bientôt. Okay, allez, bye. Bon, on va faire des appels aussi, du coup, maintenant. Là, Émilie est de retour. Émilie. Ouais. Bon, parfait. Émilie qui est de retour. Émilie qui nous avait appelé pour autre chose. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé de ce dont on devait parler avec toi, Émilie. Et c'est. On va parler de quoi d'ailleurs dans un instant avec toi, Émilie? De mon métier. De ton métier. Tu fais quoi? Je suis agent de sécurité. D'accord, très bien. Agent de sécu, 19 ans et fille. Ah oui, ça va pas être facile, Émilie. Une seconde. Oh merde, t'es sérieux là? Mais bien sûr que je suis sérieux. Combien mesures-tu, Émilie? Oh putain. 1m60. Combien pèses-tu? De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Donc combien pèses-tu, Émilie? Vas-y, va t'enculer, connard. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 55 kilos. Je t'encule, toi ta mère, ta. Quel est ton tour de poitrine, Émilie? 90. Je t'encule, toi ta mère, ta grand-mère. Et la taille de dernier pantalon que tu as acheté? La gueule, quand même. Combien? J'ai pas compris. 38. Enculé, oh, ta mère. Oh, ah bah oui, mais bon, attends, oh, je vais pas. Oui, d'ailleurs, Émilie, il fallait qu'on vienne te dire, nous avons été très méchants, nous avons volé dans un magasin. Ouais. Il faut que tu viennes sécuriser la radio. Oui. Ah, c'est pas bien ça. Oui, c'est très mal. Est-ce que tu as une matraque? C'est très très mal, effectivement. As-tu une matraque pour remettre les choses au clair? Non. Oh merde. Parce qu'il faudrait clairement remettre Tov dans le droit chemin. Faudrait tous vous punir. Ah oui, complètement, ah, viens effectivement. Le punir, viens le punir, j'étais très méchant. Viens exactement. Avec, ouais. Voilà. Bon, Émilie, toi t'avais le numéro de ton copain avant qu'on parle de ton métier là. T'avais le numéro de ton copain et on devait l'appeler pour voir s'il voulait faire un don éventuellement pour le Venezuela puisque l'usine de papier cul est en grève. Donc du coup, ils ont plus de PQ au Venezuela. Ouais. Voilà. Bon, on va l'appeler. Il s'appelle comment lui? Adrien. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, on va l'appeler. Et Émilie, toi, tu parles pas. On va juste lui prendre la tête pour voir comment il va répondre. T'es sûr qu'il est encore debout, là, ou pas? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Bon, on verra bien. Je crois qu'il dort, mais c'est pas grave, appelez-le, on s'en fout. Ouais, on va le réveiller, c'est enculé. Appelez-le, on s'en fout, Émilie. Voilà. Allez, on l'appelle. J'adore. Allez, bouge pas, Émilie. Hein. Allez. Allez, Adrien. Adrien, il dort, ouais. Ouais, je pense qu'il dort. Bonjour. Oh, merde. Oh là là, il est en train de se taper une autre, Émilie. Merde, il va falloir que tu viennes ici. Il va falloir que tu viennes nous sécuriser. Mais oui, c'est ça. Il se tape une autre, c'est quand même dommage. C'est scandaleux. Bon, bah écoute, ce sont les choses qui arrivent. Bon, on va quand même appeler un autre appel, enfin, hein, avec un numéro. C'est quelqu'un qui nous a envoyé ça, un auditeur qui nous a envoyé un numéro, nous disant, t'inquiète, celui-là, il va décrocher, ça va déchirer. On verra. Émilie, tu restes encore avec nous, du coup? Ouais. Bon, très bien. Allez, c'est parti. On y va en appel. Donc le principe, hein, c'est qu'on a vu qu'il y avait une usine au Venezuela qui était, une usine de PQ qui était en grève. Du coup, les Vénézuéliens, ils ont plus de PQ. Ben les pauvres. Donc on a essayé de faire un PQ-ton pour essayer de le renvoyer. De quoi? Ils se torchent avec les doigts. C'est dégueulasse. Bah oui, avec des feuilles d'arbre. Pourquoi pas? Oh. Bon, allez, on y va. C'est parti. On appelle. Allez. Voilà. J'espère que ça a décroché, que ça va déchirer. Hein. Allô. Oui. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'il y a pénurie de papier toilette au Venezuela. Elle va te faire enculer au clochard. Mais monsieur. Clochard. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Qu'est-ce que tu me parles, enculé? Mais je vous appelle parce qu'il n'y a plus de papier toilette au Venezuela. Elle va te faire enculer, elle va te faire. Il était pas bon, il était très bon. Il était très bon, on nous a pas menti sur la marchandise. Ah, super, on va le rappeler directement, lui. Attends, une seconde, on va le rappeler. Oh, hein. Je pense qu'on était en Corse. Allô? Oui, excusez-moi, j'étais avec votre mari, madame, mais il a pas bien compris pourquoi je l'appelais. Non, mais écoutez, on n'a pas que ça à faire. Maintenant, vous avez vu l'heure qu'il est ou quoi? Bah, oui, mais moi, je vous appelle parce qu'il n'y a plus de papier toilette au Venezuela. Non, écoutez, nous n'avons pas que ça à faire. Alors maintenant, vous cherchez quelqu'un d'autre. Hein. Merci. Hein. Vous pourriez faire un don? Non, elle a pas envie de faire un don, visiblement. C'est vraiment bon, pas cool. Je vais l'appeler, je vais mettre mes petits bruitages là avec tous nos auditeurs sympas qui nous insultaient là. Bon, on va le rappeler ou le rappeler. Allez, c'est parti. C'est genre minuit 46. Vous avez vu l'heure qu'il est? Oui, c'est vrai qu'il est un peu tard. Espèce d'enculé, va. Qui tu es? Espèce de petit pili de merde, va. Mais qui tu es, toi? Va te faire enculer maintenant. Mais qui tu es? Non, mais calme-toi. Qui tu es? Va te faire enculer, salope. Tu es où? J'ai un poste. Pour que tu m'appelles maintenant en cloche? Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Et voilà, bon ben on en restera là, c'est dommage. Il était pas mal. Ben merci en tout cas, je sais plus qui nous a envoyé le numéro, mais Très bon, si vous en avez des numéros comme ça, là, n'hésitez pas. Hein. Il y a Megumi qui dit le Pécuton. Bah oui, c'est le Pécuton, c'est pour trouver des nouveaux PQ. Je rêve qu'on me passe le Qu'est-ce qu'elle est bonne, Stéphanini. Bah écoute, Stéphanini, appelle le standard et on fera un tour du propriétaire avec toi. Enfin, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Stéphanini, n'hésite pas. Et on te prend l'antenne direct. Il y a Clément aussi qui dit les médecins devraient prescrire une émission de Mickaël par jour au lieu des antidépresseurs. Oui, mais alors par contre, il faudrait qu'on me dise parce que de ce moment-là, je prends la commission. Ouais, c'est ça, qu'on touche un peu de la Sécu, quoi. Qu'on touche un peu, effectivement. Il y a Prisca qui dit j'avais pas entendu le Corse, mais je préfère l'autre. Ah, le Carolo. Bon, on le remettra tout à l'heure avant la fin de l'émission. Jonathan qui dit bonsoir, bravo pour l'émission. Continue comme ça, elle est géniale. Merci, Jonathan. Et GTR 586 qui dit crevard de PQ. C'est clair, les gens, ils veulent pas donner leur PQ. C'est un truc de ouf. C'est leur coup de un rouleau, quoi. Mais c'est ça, c'est leur coup de que dalle. C'est dingue. Bon, Émilie. Oui. Bon, on va parler de ton boulot dans quelques instants avec toi, juste après le son Linkin Park. Ça te branche, Linkin Park, tu connais, avec Steve Aoki? Tu peux me dire non si t'aimes pas, y a pas de problème. Ou si non. Tu connais pas, tu me dis je connais pas et puis on va découvrir. Ben non, je connais pas en fait. Enfin, voilà. De nom, je connais pas, mais autant le. En général, on connaît pas le son, mais on connaît de nom. Mais bon, chez toi, c'est l'inverse, pourquoi pas. Bon, bah, Linkin Park et Steve Aoki. On l'écoute et juste après, tu me dis si c'était bien ou si c'était de la merde. Ok. On fait comme ça? D'accord. Bon, bah parfait, allez, bouge pas de là, c'est. On est là jusqu'à 2h du matin, hein, la cool. Sans pub en plus, jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. C'est Mélo qui voulait écouter le son de Linkin Park avec A Light That Never Come, Linkin Park et Steve Aoki. On écoute ça maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde et bonne nuit même, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Ah, t'as été coupé, mon con? Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas avoir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas avoir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. 23h, 2h. Fuck! Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, avec le son de Linkin Park à l'instant pour toi, Mélo, qui l'avait demandé tout à l'heure, et puis il y en avait qui a demandé aussi le son de Martin Garrix avec Animals. Ça aussi, ça va débarquer dans un instant sur Fun. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, hashtag Mickaël, évidemment, hein, je compte sur vous, vous balancez toutes vos propositions sur le Twitter de l'émission. Et d'ailleurs, comme on parlait de Twitter, petit tour du côté du top Twittos, je rappelle le principe. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël tout au long de la soirée. Et puis on élit donc les 5 meilleurs auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission, dont le numéro 1. Et quel est le numéro 4 et le numéro 5? On fait un point tous les soirs aux alentours d'une heure du mat, avant le score final à 2h. Alors, numéro 4, c'est Nanou, très bien Nanou, bravo Nanou. Et numéro 5, c'est Mr. Steven. Mr. Steven, d'accord, ok. Numéro 1, est-ce que... Ah, numéro 1, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du gros changement. Il y a du gros changement, mais ce n'est pas la première fois que les Biflex nous l'a fait à l'envers, genre elle fait rien, et puis après, ouais, en dernière minute, paf. Mais là, elle n'est pas deuxième. Ah ouais, mais c'est pas la première fois. On verra. Donc, qui sera le nouveau numéro 1, le nouveau top tweetos? On saura dans une heure. Il y a Mr. Steven encore qui dit yep, Linkin Park, c'est trop bon. Elle veut pas donner son rouleau, là. C'est Dame Snerti qui envoie le message. Ben non, elle veut pas, Radine. Et Jérémy qui dit moi, mon frère a niqué sa copine dans ma chambre alors que je dormais juste dans le lit d'à côté. Oh, les dégueulasses, les dégueulasses. Ah, c'est moi j'ai déjà fait. Ouais, enfin, mais... pas avec ma soeur, mais ouais. En fait c'était avec des potes, on était dans une tente et donc on était 6 dans la tente. Et les autres ils dormaient, on a baisé, on a rien. L'horreur, l'horreur. Et pété de rire le Pécuton là, franchement vous êtes les meilleurs. Merci Mohamed, c'est gentil en tout cas. Bon allez, tous les messages qui arrivent évidemment, facebook.com/mickaël officiel, venez continuer à nous rejoindre. On est presque 184 000 là. On est là depuis 2 mois seulement à l'antenne. Ça fait plaisir en tout cas, autant de monde en si peu de temps, plus de 12 000 aussi sur le Twitter de l'émission. Venez nous rejoindre, vous tapez Mickaël officiel sur Facebook et Twitter. Vous nous rejoignez, vous me faites un follow sur Twitter et je vous ferai un follow également à mon tour. Avec grand plaisir. D'ailleurs Émilie, est-ce que tu as fait un petit follow toi sur le Twitter? Non, j'ai pas Twitter. Ah, c'est une bonne excuse. Et sur le Facebook? Oui. Ah, d'accord, ok, très bien. Je compte sur toi, Émilie. Hein. Si je vérifie, je te trouve. Hein. Oui, oui. Bon, très bien. Alors, Émilie, toi, tu nous avais appelé parce que tu voulais parler de ton travail. Oui. Bon, alors, de quoi on parle avec toi, travail? C'est-à-dire, donc, toi, tu as dit que tu étais agent de sécu? Voilà. Agent de sécu plutôt bien foutu a priori quand même. Hein. Plutôt très bien foutu. Voilà, c'est-à-dire que Toff a quand même été se broyer dans les chiottes pendant ce temps-là, pendant le disque. Hein. Grave. D'ailleurs, si tu pouvais me donner ton Facebook après que je puisse prendre d'autres photos. La grande classe. Attends, il y a quelqu'un qui avait envie de dire un truc à Toff. Ferme ta gueule, les connards. Voilà. Bon, alors, Émilie, qu'est-ce que tu voulais nous dire particulièrement sur ton travail? Mais en fait, j'arrive pas à m'imposer par rapport à mes collègues vu que je travaille qu'avec des hommes. Bah ouais, forcément, agent de sécu, en plus c'est une fille, plutôt mignonne a priori, donc forcément ça pose un problème. Ouais, un gros problème. Mais genre quoi, genre ils veulent toujours t'aider, tu sais, genre mais t'inquiète pas, je viens t'aider, ouais, genre tu sais rien faire toute seule quoi. Ouais, voilà, ils croient que j'arriverai jamais à faire ce métier, ils sont toujours là derrière moi. Mais s'ils sont derrière toi, il y a peut-être une raison. Mais oui. Fais attention, mais bon. Non, mais je plaisante, mais cela dit, tu fais agent de sécu, mais tu sécurises quoi? Enfin, tu bosses dans quoi? Dans une clinique. Une clinique? Dans un hôpital, ouais. D'accord, ils ont besoin d'agent de sécu dans une clinique. Mais elle empêche les vieux de sortir, tu sais, les plaques au sol. Non, mais c'est quoi exactement? Bah, je suis dans une clinique de cancéreux, donc... Mais pourquoi ils ont besoin de... Je comprends pas le rapport avec un agent de sécu. Eh ben pour surveiller la nuit, je travaille la nuit. Moi. Ah, ouais, qu'il n'y ait pas des gens qui rentrent. Et d'accord. Qui ouais, voilà, d'accord. Pour les gens qui rentrent, y a des patients qui n'ont pas toute leur tête. D'accord, donc, ok, très bien. Il y en a qui fuguent et tout, donc ouais, bah oui, forcément. C'est le bordel. D'accord, d'accord. Alors du coup, ils font quoi comme genre de remarque, les collègues? Tu vas jamais y arriver. On n'a jamais eu de fille dans notre société. Tu es la première et tout. Ouais, mais c'est des jaloux, mais ça. Ouais. Putain, il y en a plein comme ça. Il faut toujours qu'ils te dénigrent parce qu'ils sont tellement jaloux en fait qu'il faut absolument qu'ils te dénigrent. Ouais, mais c'est des vieux machos pourris, ça. Voilà. C'est pas des machos, c'est un peu, c'est tout le monde, c'est humain. C'est humain. En fait, quand tu te sens petit et faible, t'as besoin de ça, tu vois. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'enfumer et qui va passer devant ta gueule. Ouais. Et que tu peux rien faire. Alors, du coup, t'essayes de le dénigrer, ouais. T'essayes de lui dire c'est de la merde, etc., etc., que t'arriveras jamais à faire et tout ça. Donc, au final, s'ils te dénigrent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu leur fais peur. Et que c'est des merdes. Voilà, exactement. Et nous, on t'aime. Voilà, alors que moi, je te fais plein de compliments et c'est toi qui me dénigres. Et puis, on a un paquebot pour toi. Et oui, on a un beau paquebot, effectivement. T'es déjà monté dans un paquebot? Non. Allez, et bah voilà, c'est pour toi. T'as vu un peu? Voilà, Émilie. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu veux faire un tour avec la petite moto de Toff également en même temps là? Viens, je te fais faire le tour de l'hôpital. J'aime beaucoup les motos. T'aimes bien les motos? Alors attends, je la démarre, je mets le nitro là. Attends, je démarre. Et oui, il n'y a pas que de l'huile qu'il faudrait mettre. Mais tu as remarqué que c'est une grosse cylindrée, hein? Morceau de cylindrée. Abracam en tête. Ah ben oui, évidemment. Ouais. Qu'un jour on sache ce que c'est quand même. Un abracam en tête, genre pas la moindre figure. Toi, c'est... Pas, oui, c'est vrai. J'ai jamais eu la queue. Okay. Si vous êtes garagiste, mécano, tout ça, dites-nous ce que c'est, hein, parce que Polo ne sait pas, alors qu'il n'arrête pas de le dire, ouais, j'ai l'arbre à cam en tête, bon, mais ça veut dire quoi? Je suis parti chez un concessionnaire Porsche et j'ai dit, je veux un arbre à cam en tête. Le mec, il m'a dit, sors dehors, là. Non, parce que d'abord, les mecs de la Sécu qui t'ont dit, c'est quoi cette gueule? Jamais t'auras les moyens d'acheter une Porsche, et casse-toi, espèce de clochard, va. Je sais toujours pas si c'est en un mot ou il y a plusieurs mots là-dedans. Arbre à cam en tête. Non, c'est un arbre. En plus loin, tête. Non, un arbre à cam, c'est un arbre à drogue, en fait, tu vois. Un arbre à cam. Voilà. Sur la tête. Sur le front de sur la front de Toff. Exactement. Sa mère lui a légué. Voilà, c'est ça, parce qu'on est tombé. Exactement, on est tombé. T'as mis au moins ta caractéristique sur ton front, connard. Il a pas été gâté, le pauvre. Il a pas été gâté, non, c'est sûr. Tiens, il y a Pierre qui, je peux avoir le numéro d'Emilie et appeler le 06, son mec est énorme, on va délirer. Bon, on va garder le numéro, Pierre. Mais Pierre, comment t'expliquer que Emilie, en fait, elle est maquée, hein? C'est pas Emilie? Oui, ça fait un an. Ouais. Ah, ça fait un an. Bah, il faut changer, là, qu'est-ce que tu fais avec... Ah, non. Mais si. C'est très bien comme ça. Mais ouais, mais lui, il est avec une autre, là, actuellement, tu le sais pas, mais... Ouais. C'est pour ça qu'il décrochait pas. Ah, non, pas possible. Ah, si, c'est possible. C'est pour ça qu'il décrochait pas. De quoi? Je suis devant chez lui. Et alors? Eh ben... Ça veut rien dire. Moi, je dis, va sonner pour vérifier. Ouais. Ah non, j'ai passé toute la journée avec lui, je viens de sortir exprès pour vous appeler, donc... Ah, bon, ça va, alors. Ouais, bah, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, t'inquiète pas, mais ça va arriver. Le mec, il veut absolument foutre la merde. Attends, il y a Cédric qui est avec nous aussi, un agent de sécu là. Salut Cédric. Salut. Alors, est-ce que toi aussi t'es macho? Oui. Je l'étais avant en fait. Ah, alors explique-nous un petit peu là ce qu'elle devrait donner comme message peut-être à tous les connards avec qui elle bosse. Bah en fait, si tu veux, je travaillais quand même dans un milieu hospitalier. Ouais. Et en fait, pour moi, dans la sécurité, les femmes, c'était pas trop leur place. Bah ouais, c'est normal. C'est la cuisine, voilà. Leur place. Hein. On se comprend, mais aussi, je suis vigile. Il y a plus pour les hommes. Les plus alors, arrêtez, calmez-vous, là. Mais non, mais il déconne. Il c'est juste un con, t'inquiète pas. Ouais. disons que par rapport à des fois à des patients, enfin il y a des situations en fait, on n'a pas trop envie que ça soit une femme qui s'y expose, on préfère que ça soit un homme quand même. Mais ça dépend, parce qu'après une femme peut peut-être éventuellement essayer de discuter alors que le mec il va directement taper dedans, donc, tu vois. Voilà. Et en fait c'est surtout que j'ai remarqué que le comportement des gens est totalement différent avec une femme et qu'en fait ils ont beaucoup plus de retenue, donc ça calme beaucoup plus vite, enfin les choses se calment beaucoup plus vite. Avec une femme? Voilà, en fait tu mets la femme au milieu. Et puis généralement, ben, les gars... Ils c'est une bonne idée de mettre la femme au milieu. C'est un très, très bon choix. Ça s'appelle un bouquin. C'est un très bon choix. Moi j'adore quand la femme est au milieu. Non mais oui, t'as, les mecs vont peut-être avoir tendance à moins s'énerver parce que c'est une femme, voilà. Justement. Ils vont se dire je la tape pas, enfin tu vois, des trucs comme ça. Alors qu'un mec, ils vont directement faire les coques et vouloir absolument taper dessus, quoi. Voilà, c'est ça, parce que moi je travaille dans un service d'urgence et généralement samedi soir, vendredi soir, c'est un petit peu chaotique. Mmh. Et je me souviens plusieurs fois, ma collègue était avec moi et puis en fait elle sortait et puis les gars, du coup, ils sont tous mielleux. Ouais, c'est une nana, on va pas s'énerver, on est des grands garçons. Et puis du coup, juste en discutant en deux secondes, elle va calmer le jeu, alors que des fois ça va me prendre moi une demi-heure, quoi. Ouais, mais dans les stades de foot aussi, maintenant ils mettent beaucoup de meufs hein, dans les stewards. Ouais, exactement. Mais ouais. Comme quoi, elles ont leur place, quoi. Après, Bah non, c'est juste que ça les fait chier de regarder le foot, donc ça les gêne pas d'être dos au match, quoi. Oui, c'est ça. Parce que comme les agents de sécu qui sont au stade en général, ils doivent être dos au match, mais bon, 9 chances sur 10, ils ont quand même un œil qui est... Ah, et puis ils se retournent complètement. Donc, ouais. Non mais vrai. Il y a Pierre qui trompe son mec avec Mickaël, c'est beau l'amour. Non, ouais. mais non, Pierre. Indice simple qui dit impose ton style, Émilie. Le prince Nadia qui dit j'ai cru que vous aviez dit... Abracadabrantesque. Bah non, pourquoi on aurait dit ça, voyons. De Swaggest Pelican qui dit j'ai chopé les monos aussi en colo en train de niquer dans les tentes. Ah bah on va en reparler dans un instant là, vous inquiétez pas. Ça, moi j'avais chopé aussi en colo dans les chiottes de la colo, quoi. Ah ouais, et il y a François 920 qui dit peux-tu mettre un coup de pelle dans la gueule à Toff? Pas de problème. Voilà. Bon, et donc du coup. Bah, comment ça, merci. Le pauvre Émilie, c'est tout ce qu'il mérite. C'est tout. T'as vu comment il t'a parlé tout à l'heure? Attends, tu sais quoi? Je vais lui mettre un coup de poing dans la gueule. Attention! Non! Merci, Émilie. Voilà. Tu fais rien, là, moi aussi, je t'aime, Émilie. C'est tout ce qu'il mérite. C'est tout ce qu'il mérite. Moi, j'ai besoin d'être protégé, Émilie. C'est tout ce qu'il mérite. D'ailleurs, je vais lui mettre un petit coup de spray dans la gueule également. Mais ça, vous c'est pour la laine. Tu peux pas lui mettre un coup de pelle à Mickaël? Non, parce que c'est moi qui l'appelle. Ouais, c'est malheureusement. Tu peux t'en mettre un toi-même. Non, par contre, Émilie, regarde. Voilà. Ça, c'est pour toi, Émilie, parce que tu fais la maline. D'accord. Mickaël, j'ai une petite question à poser à Émilie. Oui, Cédric. Cédric a une question à te poser. Oui. Depuis quand tu travailles dans la sécurité, en fait? Ta gueule, J'ai pas entendu. Depuis quand tu travailles dans un milieu hospitalier, enfin dans la sécurité? T'es quand même relativement jeune, donc c'était une question importante, je trouve. Je suis sortie de mon CAP à 18 ans. Et j'ai commencé à de suite travailler après. 6 semaines. Pardon. Et les gars avec qui tu travailles, ils ont quel âge à peu près, en moyenne? Il y en a... En moyenne, ils ont 40 ans, 45 ans. Ah oui, mais voilà, c'est parce qu'ils sont de la vieille école. Ah mais oui, c'est des vieux aigris, voilà. C'est normal. Ah ouais, tu pourras pas les changer, ouais. Bah ouais, ils voient une petite jeunette qui débarque, là, même pas 20 ans. Comment t'expliquer que ça leur plaît pas, quoi? Enfin, ça leur plaît peut-être, mais bon. C'est-à-dire que la plupart, ils ont qu'une envie, c'est de te pécho. Mais voilà, c'est ça. Oh, dégueulasse. Non mais c'est vrai, faut prendre à l'évidence. Hein, et là pour le coup c'est vrai. Hein. Ouais, ou alors ils te voient aussi plus comme leur fille, donc Ouais, j'y crois un peu moins. Je pense qu'il y a un peu de tout, hein, ouais. C'est un mélange de tout. C'est vrai. Bon, en tout cas, restez là deux secondes, Cédric et Émilie, là, bougez pas de là. Il y a Stéphanie qui était sur le Twitter et qui voulait qu'on fasse un petit tour du propriétaire avec elle. T'es là, Steph? Oui, je suis là. Bon, on va faire le tour du propriétaire dans un instant avec Tov, d'accord? Beaux yeux, Stéphanie. D'accord, ça marche. Très bien, ne bouge pas de là, Steph. Allez, restez sur Fun Radio, là, il est 1h05 du mat, là. Venez nous rejoindre encore, on vient de passer 184 000 sur le Facebook, grâce à vous, merci beaucoup. Vous envoyez tous vos potes sur le Facebook de l'émission. facebook.com/Mickaël officiel. Demain, je vous offrirai encore GTA 5, le jeu sur PS3 ou sur Xbox 360 avec la console Xbox, la console PS3, pardon, qui va avec. On jouera, bien évidemment, dès demain, durant la journée, hein, sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et on l'avait demandé là tout à l'heure. Il y avait Fanny qui l'avait demandé hier aussi, là, le son de Martin Garrix, je l'ai mis. Puis elle est venue tout à l'heure sur le Twitter qui me dit tu l'as mis, Martin Garrix? Bah je dis ouais, 1h15. Ah bah je me suis couché à 1h. Ah dommage. Ballot. Bon bah du coup je te le remets, j'espère que t'écoutes maintenant, Fanny. Martin Garrix, c'est maintenant sur Fun Radio. Allez, bonne nuit tout le monde. Va te faire enculer, salope. C'était pas pour toi, Fanny, hein. Fun Radio. avec Martin Garrix à l'instant, c'était Animals. Et un message de Miss Melo aussi qui dit merci Mika, t'es au top, je kiffe le son. Bah voilà, pas de problème, bisous à toi. 23h, 2h. Mika-L. Mika-L. Ferme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Et plein de messages qui arrivent aussi, il y a Ken Vant aussi qui dit arrêtez, je suis trop pété de rire là, j'en pleure, mort de rire Mickaël. Bah écoute, c'est prévu pour aussi. GTR 586 qui dit ah apparemment j'ai une explication, l'arbre à cam en tête. Ah. Alors merci GTR 586, arbre à cam en tête, c'est un arbre à cam d'admission sur la culasse et ça s'appelle comme ça. Il commande des soupapes. Alors très bien, mais alors la culasse. Juste, t'as cru qu'on allait comprendre ça toi. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux être un peu plus dans le détail, GTR 586, s'il te plaît? Mais c'est déjà pas mal hein. Megumi qui dit les folle elle, on tape pas Mika avec une pelle, on lui roule. C'est bon Megumi, merci à toi, c'est bien. Il y a Benjamin qui dit un arbre à cam est un dispositif mécanique permettant de transformer un mouvement rotatif en mouvement longitudinal. Ah, ah j'ai pas compris. Mais non, moi j'ai compris par contre. Merci Benjamin. Et Maxime qui dit, Maxime le cadre qui dit j'ai commencé à vous écouter que hier soir et franchement je vous kiffe. J'écouterai tous les soirs maintenant. Merci Maxime. Et pour te souhaiter la bienvenue, je n'ai qu'un seul truc à te dire. À te faire enculer au PD. Va. Voilà, évidemment grâce bon à notre accueil. Grâce à notre ami Corse, bien entendu. Très bien. Qu'est-ce que toi tu fais au standard? Je décroche le téléphone. Non mais j'ai compris, mais il est où le stagiaire et Sandro, ils sont où? Il arrive, il arrive. Quoi ce délire, ah, attends, parce que j'ai probablement décroché quelqu'un. Ça lui va bien, ça lui va bien. Ouais. Je vais aller au standard. Ah. Mais bon, attends, il est mort, il est vraiment. Même non, là, il est pas bon. Attends, non, là, il... Je te demande. Ah, c'est donc c'est un mec qui appelle parce qu'il veut qu'on appelle son pote. Ah d'accord, ok, moi, très bien. Le standard direct, hein, donc. Bah oui, non, mais c'est bien. Bon, bah très bien. Bon, alors du coup, avant de récupérer Émilie là, qui n'arrive pas à s'imposer au travail, et puis il y a Cédric qui est agent de sécu, car elle est agent de sécu également. Émilie là, qui lui avait parlé. D'ailleurs, dites-nous les filles, si vous faites aussi un travail entre guillemets dit d'homme, dans le sens où voilà, la majorité des gens c'est des mecs qui bossent. Donc dites-nous si vous êtes effectivement, si vous faites un travail de mec entre guillemets, comment ça se passe, comment ça s'est passé pour vous mettre dedans, etc., etc. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Colin qui dit je suis vraiment fatigué, désolé Mickaël, je vais le voir accrocher. Bonne fin de soirée tout le monde, gros bisous partout. Ah bah pas de problème Colin là, il y a pas de souci. Dylan qui dit le Corse mort de rire, vous gérez trop. Et alors Jonathan qui dit vous envoyez du lourd, à cause de vous je me couche tard. Oh non, c'est pas à cause de nous. Enfin peut-être un petit peu. Bon, retour avec Stéphanie qui voulait qu'on lui fasse un petit tour du proprio là. Salut Steph. Salut. Comment ça va? Ben ça va bien et vous? Bah écoute, tranquille. Bon alors Steph, toi c'est Stéphanini sur le Twitter, c'est ça? C'est ça. Parfait. Et donc toi tu pleurais parce que tu voulais que aussi on te fasse un tour du propriétaire avec Tof, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire. Non, c'est pas, je pense qu'elle veut qu'on lui dise qu'elle est bonne. Ah c'est ça. Ouais mais attends, ça c'est. Attends, c'est juste pour la musique attends. En fait. Ça c'est pas acquis d'avance, oui. Stéphanie. Hein. 26 ans de Corrèze, ouais. Stéphanie. C'est ça. Bon alors je te passe Tof. Alors, Stéphanie, combien mesures-tu? Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. 1m68. Combien pèses-tu? Ferme ta gueule, être connard. 52 kilos. Quel est ton tour de poitrine? T'as mis au moins ta gueule sur ton front, connard. C'est comment, combien? C'est comme c'est gros. 90 soit? C'est. Ah, c'est 4, pas mal. 90 C. Ouais, c'est oui. Même très bien. Ah oui, c'est comme c'est bien, effectivement, oui. Voilà, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ta gueule, connard. 36. Combien? 36. Elle mérite la musique ou pas? Ah, ouais. Elle mérite. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah si en plus elle a de beaux yeux. Ouais, il paraît que t'as de beaux yeux Stéphanie, c'est vrai ça? Vert. Ah ben je sais pas. Bah je sais pas, c'est Polo qui m'a dit ça et qui vient de le dire à l'instant là. Ils sont verts, ouais. Ils sont verts, d'accord, ok, très bien. Ouais. Pour un 90C, en plus, ça va bien ensemble. Ah non, c'est tout à voir. Tout va bien là-dedans. Très bien. Et ben voilà, Stéphanie, t'as eu ta chanson, hein? Bah, un petit tour bah en mobilette ouais, ou pas? Merci. Ah, tu vas faire un tour en mobilette avec Tof? Ah, bah ouais. Bon, mets ton casque. Mets ton casque. C'est fait? Ouais, c'est mieux. Allez, c'est parti. Attends, je donne un coup de kick. Oh putain, quelle merde cette mobilette pourrie là. Attends. Elle déchire ma mobilette. Mais non, elle démarre jamais. Attends, on recommence. Oh putain, je t'avais dit que ça démarrait pas cette merde. Mais oui, mais mets un peu de nitro. Mais attends. Oui. Attends, tu me déçois. Attends. Mais non, mais c'est Mickaël, c'est pas la démarrer. Ah, il y a plus de contact là. Attends une seconde. Ah Fanny, ton petit tour en mobilette, c'est gratuit. Ça m'a fait plaisir. Super. Si tu veux en refaire un, on fait quand tu veux. Voilà. J'ai envie de sentir tes gros seins sur mes épaules. Et Stéphanie, tu fais quoi dans la vie, toi? Pour le moment, rien. Je cherche du boulot. Ah, d'accord, ok. T'as jamais fait un boulot axé garçon, dans le sens où il y avait plutôt que des garçons qui faisaient le travail, genre agent de sécu, par exemple, comme Émilie? Non, j'ai souvent travaillé avec des mecs, mais c'était pas forcément que des boulots de mecs, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, très bien. Et alors, comment ça s'est passé avec les mecs? Ben, bien. Au contraire, j'étais plutôt traitée comme la petite princesse et tout, donc ça allait, quoi. Ah ouais, on peut même pas dire c'est grâce à tes mensurations parce que t'as grosso modo les mêmes qu'Emily. Et ce qui est bien dans le standard, Cédric, t'es quand même pas mal parce que je t'explique. Hein. Sur la ligne 4, il y a Emily. Sur la ligne 6, il y a Stéphanie. Et au milieu, Cédric, t'es là, toi, avec deux meufs avec un 90C. Franchement, t'es bien entouré, mec. Ah, je suis bien placé, là. Ah, t'es bien installé, là, Cédric. Tu sens ou pas, là, que t'es en sandwich? Ouais, je sens la pression, quand même. Ah, ouais. Et quelle pression, tu m'étonnes. Bon, bah, Stéphanie, je te fais des gros bisous, en tout cas. Ouais, je peux faire juste une petite dédicace? Ouais, et t'imagines que là, par exemple, sur l'antenne de Fun, 100% des filles ont un 90C. Ouais, et ça, c'est assez beau. Et ça, c'est quand même très très beau. Premier sur le 90C. Exactement. Bon, allez, vas-y, une personne. Ouh, c'est pas celui-là. Vas-y, Steph. Vu que c'est une personne, je vais faire un groupe, alors je vais faire toute la team Mickaël. Oh, c'est gentil. À qui t'as dit? Toute la team Mickaël sur Twitter. Oh, bah, c'est gentil. Bon, je les embrasse, effectivement. Merci pour tout le travail qu'ils font, d'ailleurs. C'est très gentil de leur part. C'est très, très gentil. Bon, bah, merci. funradio.fr. Si vous n'êtes pas belle, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Stéphanie, je suis là. Ouais, c'est ça. C'est bah, d'accord, ça marche. Voilà, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Tu vois, ça en général, c'est le j'y penserai de. C'est ça, va te faire foutre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le j'y penserai de. Voilà, c'était un petit peu ça, effectivement. Ou alors, mais non, promis. Ou alors le j'y penserai de ça. Et dans ton cul, au connard. Voilà, c'était plutôt celui-là que je cherchais. Bon, ben gros bisous, Steph. Bisous à tout le monde, salut. Allez, je t'embrasse. Ciao à toi, Stéphanie. Encore un truc à ajouter par rapport à Emily, Ced? Ouais, ben écoute, si elle veut mes coordonnées pour en discuter après en hors antenne, y a pas de souci. D'accord. Si elle veut des conseils plus élaborés, on va dire. Et puis bah après, c'est la deuxième fois que je passe ce soir à l'antenne et c'est la première fois que je vous appelle et je vous écoute tous les soirs au boulot. Et bah voilà, c'est, t'as vu un peu, tellement tu te fais chier, ton boulot, il se passe rien. Non, là c'est mort en ce moment. Bah ouais, c'est ça le problème d'agent de sécu, c'est qu'effectivement, tant que ça se passe bien, c'est qu'il se passe rien, donc au final, bah on a pas tendance à s'emmerder. Et quand il se passe un truc, bah c'est qu'il y a plutôt de mauvaises nouvelles, donc c'est ça qui est dommage. Exactement. Bah écoute, merci à toi Cédric, en tout cas, re-salue. Hein. Ouais, je vous remercie. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y. Et à tous les agents de sécurité de France qui bossent en ce moment, quoi. Et si je peux avoir un petit pack fun, ça serait gentil aussi. T'en avais pas déjà gratté un, toi? Non, j'ai rien gratté tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Bah alors, t'arrives bien, je te le file, Cédric. Puis on embrasse ceux qui travaillent dans la nuit, dans l'absolu, hein, boulanger, les taxis, les agents de sécu, etc., etc. Les infirmières, surtout les infirmières. Les infirmières, effectivement, oui. Les putes. Oui, merci, Polo. Ah, de rien. Bon, Cédric, salut à toi, bonne soirée et merci de nous écouter. Merci à vous. À bientôt. Très bonne soirée. Ciao. Et Émilie, bah écoute, bah bon courage, hein. Bah à la limite, voilà, comme je te disais, t'inquiète pas, c'est juste qu'ils sont jaloux, quoi. Et après, au pire, tu demandes à travailler avec des jeunes si tu peux. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils puissent choisir. Hein? Bah, c'est parce qu'ils font des. C'est une boîte comme une boîte d'intérim, en fait. Non, une boîte de carton. Et tu sais, ils changent de. Non, mais c'est une boîte d'intérim, en fait, Émilie, c'est ça? Non, je suis en CDI. Mais c'est une société. Tu travailles pour une société de sécurité. Oui. Non, elle a un CDI, mais elle travaille pas pour une société. Non, mais c'est quoi? C'est une société de t'es sécurité. T'es employé de la clinique ou d'une agence? En fait, je suis prestataire pour ça. En fait, c'est la clinique qui a embauché une société de sécurité pour surveiller la clinique. Bon, attends. En gros, attends, parce que t'as fait Pelot est tombé de sa chaise encore une fois. En gros, Émilie, la question que Sandro essaie de te poser de manière assez maladroite, est-ce que tu peux, oui ou non, dire bon, j'aimerais bien être agent de sécu, certes, mais à un autre endroit? Ou avec d'autres personnes? Ben non. Non, bon, bah voilà, comme ça c'est fait. Merci. Ceci répond à la question de Sandro. Voilà. Qui est très longue pour une réponse si courte. Oh, ça va. Hein. Ouais, bon, bah, ça va. Allez, ça va. Bon, bah, Émilie, en tout cas, je te fais des gros bisous. Tu reviens quand tu veux sur Fun, d'accord? Ok, merci. À bientôt, Émilie. Oui, tu voulais dire un truc? Je peux avoir. Ah non, Émilie, je suis déjà pris. Je suis désolé, ça aurait été avec plaisir, mais je peux pas. Vraiment, je peux pas. Oh, dommage. Ah putain, je sais, tu vas être triste et vraiment, j'ai pas envie de faire du mal à des filles, hein. Mais surtout un 90. Mais non, là. Mais dis-toi que t'es pas la seule, hein. Il a viré Katy Perry aussi, donc. Oui, c'est vrai en plus. Hey, c'est véridique, y'en a pas qui me croient pas. Ouais, ouais. Bah, je vais mettre la photo où j'étais avec Katy Perry. Vous allez moins faire les malins. Ouais. D'accord? Tu me crois pas, je parie Mickaël, Mickaël, il a été en couple avec Katy Perry. Hein. Exactement. Si, c'est vrai, mais je mettrai la photo. J'étais face à elle en costard et tout le bordel. On était presque à s'enrouler un patin là. Et puis Mickaël, il a dit non. Et puis il avait un problème d'haleine. Voilà. Non, c'est mais vrai, je te jure. C'est vrai. Eh, alors attendez, je vous mets la photo. C'est vrai. Nous sommes là pour témoigner. Mickaël connaît beaucoup de gens. Exactement. Des gens célèbres. Alors attendez. Putain, il faut que je la retrouve aussi celle-là. Oh là là là là là là. Tu peux parler de son histoire d'amour avec un acteur célèbre ou pas? Oh, pas de reculé, top. Qui fait de la musique aussi. En fait, c'est toi qui rêverais qu'il se passe un truc, mais je suis mais pas grave, gay, lui mais peut-être, grave. Mais pas moi, donc c'est bon, basta là, arrêtez de me prendre la tête. Mais donc, Tof, il ressort tous les vieux dossiers. Non, mais qu'est-ce qu'il est relou celui-là avec cette histoire. Oh là là, là. Mais non, putain. C'est juste qu'on essayait de montrer que tu étais un mec qui pesait et qui connaissait dans du showbiz. Ouais, tu connais les gens dans le show business. Merde, tu peux pas mettre la photo, je peux pas la mettre avec Katy Perry. Non, vaut mieux pas, non. Non, mais là, je peux pas, non. Je peux pas, je vous expliquerai. Faut que je l'arrange un peu ou pas? Ouais, non, mais c'est compliqué à arranger. Enfin, bon, bref, on verra. Bon, Émilie, donc malheureusement, je ne peux pas sortir avec toi, mais c'est très gentil d'y avoir pensé en tout cas. Non, je voulais demander un pack fun. Avec des capotes pour les utiliser avec moi, mais je t'ai dit que je suis déjà pris. Non, avec Tof. Oh, avec Tof. Tu préfères Tof à moi? Émilie, tu m'envoies un mail tof@funradio.fr. TOPH@funradio.fr. Je te répondrai avec plaisir pour ton pack fun. Émilie? T'encules, toi. Voilà. Attends, bon. Non, j'ai pas entendu le mail. Donc, t'encules. TOPH@funradio.fr. T'encules, toi. Voilà. TOPH@funradio.fr. C'est Nictas. C'est Nictas. Voilà. Moi aussi, c'est Nictas. Voilà, te laisse pas faire, Émilie. Non, mais c'est pas grave, Émilie. T'inquiète pas, sans rancune. Tu as tout à fait le droit d'avoir mauvais goût. D'accord. Gros bisous, Émilie. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, Émilie. Allez, ciao. Oh, ta gueule. Et Tof, ça y est, pour une fois qu'il y a une meuf qui lui dit. Oh là là. Attends, ça fait combien de temps qu'on fait cette émission? 2 mois et 2 jours, on va pas c'est le dire. C'est la première. Ouais, bon, bah ça va, c'est bon, il va se calmer. Bon, il y a Anaïs dans un instant qui va débarquer là. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Comment ça va Anaïs? Bah ça va. Bon, 22 ans et de Bourg-en-Bresse. Oui, c'est ça. Très bien, bah nous on va plutôt bien Anaïs. Ah bah ça va. Bon, on parle de quoi dans un instant avec toi? Moi, mon ex m'a trompé avec mon beau-frère. Quel enculé. Bon, ça. Bon, on va en parler dans un instant. Tu bouges pas là, le temps d'écouter Avicii avec You Make Me. On peut s'arrêter 2 secondes pour l'énoncé. Ouais, attends, vas-y, j'ai raté. Oui, tu peux répéter en arrière. Tu peux répéter parce que je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas percuté. Son mec l'a trompé avec ton beau-frère. Ouais. Ah oui, ok. C'est bien ça. Ça te choque pas, toi? Bah non, parce que ça peut être le son demi-frère. Ah non, beau-frère. Non, mais c'est pas la question. C'est son mec. C'est son mec qui l'a trompé avec son beau-frère. Bah oui, il est devenu gay. D'accord, ça te choque pas, d'accord. Okay. Bah, pour toi, ça tout me est choque normal. Pas. Mais c'est pas que c'est normal, mais enfin, oui, non, ça me choque pas outre mesure. D'accord, non, mais si pour toi tout est normal, alors tout va bien. Bon, bah, Avicii. Je m'excuse de vous avoir arrêté. Mais je t'en prie. Bon, Anaïs, on revient avec toi dans un instant, d'accord? D'accord. Bon, et on fait encore quelques appels là pour vérifier là pour le Venezuela, là pour leur trouver du PQ. On passe ça après You Make Me sur Fun. Bonne soirée. Soir 23h, 2h. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. On est sur Fun Radio, ouais. Effectivement, il est 1h24, on aura le top tweetos aussi avant 2h du mat, donc restez bien à l'écoute de Fun, c'est peut-être vous là qui serez dans les 5 premiers. En tout cas, il y a du remue-ménage hein, dans les 5 premiers là. Apparemment là, Let's Be Freaks ne serait plus numéro 1, on verra ça en tout cas. Il y a un message qui dit la mobilette énorme, je suis plié en deux, là, continue comme ça, à déchirer. Ouais, ouais, grosse mobilette, hein, grosse cylindrée, il y a Zacharia aussi qui dit. Merde, attendez. Non, ça va. Non, parce que je viens de boire du coca, je pensais que je devais faire un roux, mais en fait, ça s'est bien passé. Bon, ça peut arriver à tout moment, je sais pas. Il est là, il est pas loin, mais il peut arriver à tout moment, donc faites gaffe. Zacharia qui dit, j'ai un entretien d'embauche à 8h du matin, mais j'arrive pas à dormir. Souhaitez-moi bonne chance, vous déchirez. Bah, bonne chance, Zacharia, là, oublie que t'as aucune chance, fonce, on sait jamais. Indissociable qui dit, putain, la pauvre, son ex l'a trompé avec son beau-frère, ça pique ou pas, ça? Bah oui, on va en parler en tout cas dans un instant avec elle. Et il y a Megumi aussi qui dit, là, je suis l'auditrice, et je fais pas un 90C, est-ce que je dois partir? Ou pas? Mais non, Megumi, t'inquiète. Mais non, venez avec vos seins, moi je les accepte tous. Mais voilà, c'est ça. Et Florian aussi qui dit, je vous écoute depuis hier soir et c'est que des barres, continuez comme ça. Merci Florian. Ah oui, Florian, tous les nouveaux auditeurs sont obligés de passer par là, c'est un peu la visite médicale. Faut que tu ouvres ta bouche là maintenant. Et hop. Voilà, c'est pour l'haleine, hein, c'est pour le menthol, parce qu'en général, vers 1h du matin, les gens ont une haleine un peu de bouc. Donc nous, on fait le nettoyage, quoi, en fait, tout simplement. Voilà. Et merci à tous les nouveaux qui ont débarqué là ce soir sur le Twitter. On est plus de 12 300, alors qu'on est là depuis 2 mois seulement. Continuez à venir nous rejoindre. Continuez, bien sûr, à nous faire un petit follow. Vous tapez M-I-K-L _ officiel pour nous rejoindre. Vous me faites un follow et moi aussi, je vous fais un follow, bien entendu. Et un follow par derrière pour les filles, bien sûr. Et puis pareil aussi sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel en un mot. Venez nous rejoindre et là on vient de passer les 184 000. Pareil, on est là depuis 2 mois, donc ça fait plutôt plaisir. Dans un instant, je vous mettrai la preuve que j'ai eu une liaison avec Katy Perry. Ouais. C'est vrai, je vous remets la photo. Non, mais c'est vrai, en plus. Mais moi je sais, j'étais là. Voilà, exactement, ouais. Donc voilà, c'était liaison. Le même soir où on a vu, nous, on était en face de la chatte à Lady Gaga avec Toff. Oui. Avait son truc moulant. Effectivement, ouais. Donc voilà, la preuve avec Katy Perry, qui s'est passé un truc. Je vous mets la photo. C'est pas une photo montage, non. Je vous le promets. Ah oui, mais je suis. Et confiant. Je n'ai qu'une parole. Quand je dis un truc, je le fais. Quand je offre des cadeaux, je le fais. Ouais. Mais j'ai toujours un roux qui doit passer. Non, il mais va pas, vas-y, lâche-toi. Mais ouais, je veux bien, mais ça va pas. Bon, ça va arriver. Alors attendez, on va faire comme les petits là. Voilà. Ah. Mais bon, moi je suis pas comme les gros porcs, comme Polo, je fais pas. Dégueulasse, moi ça part en. Mais il y a une technique. Et si vous voulez savoir, il y a une technique pour faire un raw puissant. Ouais, non, mais on va pas savoir. Ah bon, d'accord. Non, parce que c'est dégueulasse. D'accord. Bon, allez, on va se faire quelques appels encore maintenant, là, dès que Toff sera de retour dans le studio. En attendant, Anaïs, de retour, Anaïs. Oui. Oui, de Bourg-en-Bresse, 22 ans dans l'Ain, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Alors. Et si vous êtes deux dans l'Ain, ça fait combien? Ouais, ça fait ça. C'est Nick Toff. Voilà. Je pense que c'est à peu près ça que ça fait, hein. Non, je crois pas. Non, à moins que ça fasse ça. Espèce d'enculé, va. C'est pour Polo, bien évidemment, hein, pas pour toi, Anaïs. Ah, on est plutôt là-dedans, alors. Bon, Anaïs, alors, qu'est-ce qui t'amène? Alors, moi, je suis restée 4 ans avec mon ex. Et la dernière année, ça s'est mal passé parce qu'elle est toujours sur Internet avec mon beau-frère en webcam. Donc, alors, ton beau-frère, c'est qui ton beau-frère? Enfin, c'est quoi ton beau-frère? Dans l'arbre généalogique. Ouais. Ah, bah, il est avec mon frère. Ils sont en couple. Non, mais à la base, alors c'est pas ton beau-frère, avec son beau-frère alors? Non, bah si, c'est son beau-frère à elle. C'est mon beau-frère, il sort avec mon frère. Pas compris. Bah, attends. C'est-à-dire que donc le mec avec qui tu sortais, aujourd'hui, se tape son ex-beau-frère, qui donc est ton frère et qui est aujourd'hui son mec. Non. T'as dit non. Mais c'est vrai, attends, moi aussi je suis en train de calculer, j'ai fait un calcul là. Attendez. Tu compliques les choses, Mike, là. Mais non. Alors attends une seconde. Bon, j'écris. Bon, ton mec, aujourd'hui, se tape ton frère. Non, il se tape mon beau-frère. Mais. Ton beau-frère. Attends, je réécris. Ton beau-frère. Attends. Et parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Ouais. C'est un peu naze ce que j'ai dit, mais bon. C'est pas grave, j'essaie de comprendre. Donc toi t'es Anaïs. Oui, oui. Ça, c'est sûr, c'est fait. Tout le monde est d'accord. Je l'écris. Ouais. Anaïs est avec nous. C'est elle. Voilà. D'accord. Ça y est. T'as pris l'âge, le poids et la taille? Ah non, j'ai pas pris l'âge, le poids et la taille encore. Ah l'autre qui est obsédé, on dirait. C'est le mec là, le médecin scolaire. Ouais, quel est ton poids? Bon, alors attends, on va faire le poids et la taille après. Donc toi t'es Anaïs, c'est sûr, c'est écrit. Tu es sorti avec un mec. Oui. Bon, je l'écris. Voilà. X, mais des noms pour te rappeler. Ah oui, voilà, donc t'es sorti avec un mec, ok? Ce mec t'a trompé. Oui. Alors je l'écris. Voilà. Et il t'a trompé avec mon beau-frère. Mais il était avec qui lui? Il était avec mon frère. Mais. Ok, j'écris. Donc. Moi j'ai pas compris. Hein. Si, j'ai compris. Alors attendez, attendez. Donc, attendez, parce qu'après je remets un coup de spray là. Voilà. Bon, ça va la laine comme ça, Anaïs? Ouais, ça va. Bon, et toi, fais un peu. Non, ça va. Non, mais vas-y, c'est pour voir si la laine est bonne. Ah. Bon, je t'en remets un petit coup. Voilà, on sait jamais, hein, c'est comme ça, c'est comme ça, on a menthol tous les deux. Des fois qu'on se roule un patin. Bon, alors. Non, bah, c'est ça, sur un malentendu, on glisse, enfin bref. Bon, du coup, tout ça pour dire que. Putain, j'ai oublié. Oh, merde, putain, j'avais la solution. Donc on recommence. Anaïs, tu sortais avec un mec. Ce mec t'a trompé avec ton beau-frère. Ton beau-frère qui est donc le copain de mon frère. Qui était le... Bah voilà, qui est donc... Ok. Alors j'écris. Ah mais c'est une communauté en fait. Voilà, c'est la communauté. Ouais, ça reste dans la famille. Ah, bah, oui, bah c'est ça, c'est ça. Très bien. Donc aujourd'hui, ok, d'accord. Donc ton frère est gay. Voilà, ouais. Voilà, ok. On y est arrivé, là. On est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, Anaïs, elle a eu un enfant avec son ex-beau-frère. Donc, du coup, son frère attends, devient... Attends, tu te fous de le... notre gueule, là. Ouais. Ah, bon, putain, je me dis, ça, c'est quoi, ce bordel, là ? Attends, il y a le Corse qui voulait dire un truc. Espèce de petit pili de merde. Oh, enfin ouais. N'importe quoi. Qui reste calme, le Corse, là. Il va nous... On va avoir des problèmes. Bon, reprenons. Anaïs. Donc, il pleure, il rigole là. Il chiale. Ah, non mais quoi, il pleure de quoi ? Il pleure de rire ? Non, parce qu'apparemment il est gay, ça n'a rien à voir, il était énervé hein, le Corse, c'est pas grave, hein, on n'a rien contre les gays, loin de là. Hein, voilà. Bon, on recommence. Donc ton frère du coup est célibataire comme toi maintenant, parce qu'il s'est fait niquer. Enfin, il s'est fait niquer. Bah, non, c'est sûr. Non, lui il est resté avec. Ah bon ? Ah ouais, il lui a pardonné quand même. Oh là là. Oh putain. Et toi, t'as pardonné à ton frère ou pas ? Bah, mon frère, ouais, parce que lui, il était pour rien. Après, mon beau-frère. Son frère, ouais. Il peut rien, son frère. Mais non. Son frère, il est avec un mec. Le mec de la meuf a couché avec son mec. Mais le frère, il y est pour rien. Ah ouais, tu vois, ouais. Même moi, je me suis mélangé. Mais t'as vu ? Mais pourquoi ? Parce que moi, j'ai écrit tout ça. Ouais. Donc, du coup, c'était plus facile pour me faire. Il va suivre, lui. Voilà, exactement. Bon, Anaïs. Mm-hmm. Et donc du coup, et qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça ? Non mais je sais pas, parce que tu nous appelles, c'est pour avoir des avis ou pour avoir une solution ou... Parce que nous, ça nous est jamais arrivé. C'est déjà arrivé à quelqu'un quoi. Ah, ah, ce squelette-là, je ne crois pas. Tof ? Après... Non, moi je jamais. Jamais ? Bon, très bien. Pourtant, bon, il m'est déjà arrivé des trucs dans la vie, hein, mais pas ça. Bon, en gros, déjà, on va commencer par s'enlever les épines du pied pour avoir des avis relativement plus simplement. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un mec ou une meuf qui, finalement, a décidé de changer de bord ? Voilà, en gros, c'est ça. On commence par là, et alors, si par miracle, on tombe sur quelqu'un qui a le même schéma que le tien, je pense que là, on aura fait une bonne émission. Direct. Je pense que, ouais, bah, je te confirme. Enfin, voilà. Je fais déjà l'auto tout le temps. On peut lancer aussi, est-ce que vous avez des histoires familiales ? Oui. Non, parce qu'après, j'aurai plus d'encre dans ma machine à écrire. Qui ressemble donc, à celle d'Anaïs. Ouais, et ça va poser un problème. Bon, alors Anaïs, reste là. Ce que je propose, c'est qu'on va un peu se soulager la tête. Là, on va faire quelques appels. Enfin, se soulager la tête, je sais pas si on va se la soulager, mais on va essayer en tout cas. Donc, on va rappeler... t'as pas un PQ à donner, toi, Anaïs, là ? C'est pour les Vénézuéliens. Mais j'en ai plein. Ah bah parfait, ouais, ça c'est bien. C'est la bonté des auditeurs de fun. Vous avez vu qu'ils sont vachement plus sympas que les autres. C'est vrai ? Non, oui. Regarde, à tous ceux qui sont passés, on leur dit, vous avez un PQ à donner pour les Vénézuéliens. Ils ont tous dit oui. Ouais. Tous ceux qu'on appelle nous envoient la merde. Bon. En plus, c'est des Moltenelles. Ah, bah en plus, ah, putain, haute qualité. Hein, ah, la classe. Parce qu'au Venezuela, apparemment, ils sont en grève dans une équipe, dans une usine. Une usine de PQ, et donc du coup, ils ont plus de PQ. Alors, avec Toff, on les appelle depuis tout à l'heure pour. Enfin, on appelle des gens au hasard pour voir s'ils veulent participer au PQ-ton. Voilà, gratter un peu de PQ, quoi. Voilà. Bon, on y va en appel. Allons-y. Allez, c'est parti. Reste avec nous, Anaïs. Hein. D'accord. Bon, parfait. Comme ça, tu participes aussi au PQ-ton. Tu auras Selena Gomez aussi après avec Slowdown. Et la photo de mon histoire avec Katy Perry également sur Facebook dans un instant. Allô, oui ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'au Venezuela, il y a une pénurie de papier toilette. Ah bon ? Oui. En fait... Sans blague. Non, non, tout à fait. C'est à cause d'une grève, enfin, toute une histoire. Et oui. Du coup, je voulais savoir si vous n'auriez pas pu faire un don d'un ou deux rouleaux. Ah oui, bah certainement, il n'y a pas de souci. C'est vrai ? Oui. Bon, bah, je vous donne l'adresse pour les envoyer. Oh, bah, si vous voulez, oui. Alors, donc, c'est 22... Oui. Rue Bayard, B-A-Y-A-R-D. Oui. 75-008, Paris. Très bien. Voilà, bah, je compte sur vous, monsieur. Oui, il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup, hein, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ouais, bah, voilà. C'est ok, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il se fout un peu de ta gueule. Hein. Bah, il a dit, il envoie. Je peux pas lui prendre plus la tête. Qu'est-ce que t'en penses, Anaïs, il se fout un peu de sa gueule, non ? Grave, ça se trouve, il a même pas noté l'adresse. Ouais. Moi je pense que c'est plutôt ça effectivement. On va en appeler un autre pour être sûr. Ce serait mieux d'en avoir deux quand même. On rappelle, enfin pas lui mais un autre. Allez c'est parti. Et apparemment il y a Stéphanie qui est aussi le même problème qu'Anaïs. Ce serait un miracle. Enfin Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce qu'au Venezuela, en ce moment, il y a une pénurie de papier toilette. Ouais, ben nous, en Corse, il n'y a pas de pénurie de cons, donc voilà. Oui, d'accord, mais en fait, je voulais savoir si vous vouliez pas faire un don. Un ou deux rouleaux. Un don pour les cons? Non, pour les Vénézuéliens, madame, qui n'ont plus de PQ. Non, alors, regarde, un don pour les cons, pourquoi pas, mais pour les Vénézuéliens, non. Ah oui, vous voulez pas donner un rouleau ou deux pour qu'ils puissent essuyer les fesses? Non. C'est pas très sympa ça madame. Bah ouais, mais je suis pas sympa, hein. Je vous ai pas dit que j'étais sympa. Hein. Bah oui, je vois ça, c'est dommage quand même. Pensez un peu à ces petits Vénézuéliens qui sont là, qui ne peuvent pas s'essuyer les fesses. Bah ouais. Ils doivent rester la crotte au cul. Et pensez à moi qui écoute un con qui est en train de parler et qui a pas de merde au cul. Oui, mais enfin je suis pas con madame. Moi j'essaie d'aider ces petits Vénézuéliens et vous me traitez de con, ça se fait pas. Ouais, bon. Tu trouves un autre numéro de téléphone? Parce que j'ai pas de temps à perdre. Merci. Oh, et carrément là, et hop, ça raccroche. Quel accueil. En tout cas, on sent cette belle improvisation. Bah ouais, parce que moi, je suis avec un con et qui a pas de la merde au cul. Ok, non, elle est très sympa. Bien compris, mais effectivement. Bon, alors, Anaïs. Bon, on n'a pas trop vu de chance, a priori. Plein de messages aussi sont arrivés. Let's be free, il dit, moi, je veux bien donner 6 rouleaux de PQ. Oh, c'est cool, ça. De Swagas Pélican, qui dit, moi, je vous donne 10 paquets de Lotus à l'odeur vanille, tous pour le PQ-ton. Ah, oh, ça, vous êtes cool. J'avais dit. Le prince là qui dit, c'est quoi cette histoire? J'ai besoin d'un autre résumé, moi, personnellement. Oh non, mais par pitié, Nadia. Et Stéphanie qui dit, moi, mon ex m'a trompé avec sa cousine dans mon lit pendant que j'étais sur le canapé. C'est sérieux, ça, Stéphanie qui est avec nous, là, de retour? Oui, c'est vrai. Bon, tu nous en parles dans un instant, le temps d'écouter Selena Gomez? Pas de soucis. Ça vous va les filles, Selena Gomez? Ouais, ça va. Nickel. Ok, Angélique, pareil, bonsoir Angélique. Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûre? Parce que j'ai l'impression que t'es au bord du suicide là, non? Non, c'est que je suis malade. Ah, t'es malade? D'accord, ok. Ça te va, Selena Gomez? Nickel. Allez, parfait, on s'écoute ça maintenant sur Fun Radio. On revient avec les filles dans un instant. Tiens, que des filles dans son art, ça fait plaisir. C'est Slow Down, bonne soirée avec Fun. Now that I have captured your attention, baby, slow down the song. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Putain de micro, chaque fois que je l'allume, c'est. Et on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. Merci d'être là tous les soirs, nombreux en plus. Le prince, c'est-à-dire qu'il dit les gens ne font vraiment pas preuve de gentillesse. Un rouleau de papier toilette, un bel acte de générosité. Mais c'est vrai en plus. Il y a Necrose aussi sur le Twitter qui dit j'offre le paquet de PQ rose. Ça, c'est cool. Laura aussi qui dit je vous donne tous les PQ du monde. Il y a Apache, Tomorrowland qui dit aussi je file une palette entière de PQ pour le PQ-ton. Et alors de Swagest Pélican qui dit moi, mon ex m'a trompé. Pendant qu'on sortait ensemble, ma meuf se tapait d'autres meufs. Wow. Oh le bordel. Oh le bordel. Bon, retour maintenant donc avec Anaïs qui nous avait appelé. Parce que je vais essayer de résumer pour ceux qui viennent de débarquer. Tu sortais avec un mec. Ok. Mm-hmm. Ce mec t'a trompé avec le copain de ton frère. C'est ça. Voilà, donc avec ton beau-frère. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, ton frère continue de sortir avec son copain. Mm-hmm. Mais ton ex, dans cette histoire, est-ce qu'il sort lui encore avec le beau-frère? Ah bah non. Non, mais on sait jamais, tu vois, après... Non. On sait jamais, Bon, et donc du coup, toi, tu nous avais appelé parce que... Est-ce que t'as quand même envie, malgré tout, de retourner avec ton ex ou pas du tout? Ça va pas. Ah, je sais pas. T'sais, après, non. C'est... Non. Ce serait pas la première qui se fait tromper et puis qui retourne avec le mec, hein. Ah. Ah non, merci, non, ça va. Très bien, bon, enfin voilà, tout ça pour dire que tu ne serais pas la première si ça devait arriver. Bon, et il y a Stéphanie, justement, qui a vécu à peu près la même chose, a priori. Hein. Donc Stéphanie, nous sommes toutes oui. Ben moi en fait mon ex donc m'avait trompé avec sa cousine en fait. Oh. Eh bien sa cousine, pas la mienne. Ah, sa cousine sienne. À lui. Oh quelle horreur. Ouais, mais c'est mieux, comme ça reste en famille, tu vois, il y a pas de... Avec la cousine. Oh. Ouais. Oh c'est glauque. Mais elle avait quoi de spécial? Elle était si mignonne que ça? Ah non, au contraire, elle était... Enfin, ouais, au début j'avais vu des messages un peu bizarres entre eux, donc... Ben forcément, j'avais gueulé, quoi, et tout le monde me disait, mais t'es parano, c'est sa cousine et tout, et puis t'as vu à quoi elle ressemble, quoi. Oh et au final, quand elle a passé un week-end chez moi, ben il est parti dormir avec elle pendant que moi je dormais sur le canapé, quoi. Oh, c'est bon, ça. C'est chaud. Ah ouais, c'est pas mal, mais tu vois, finalement, comme quoi, t'es pas la seule, Anaïs, hein. Ouais. Ça rassure. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas rassurant, hein, si je peux me permettre. Ça fait peur. Et oui, ça fait un peu peur, effectivement. Oui. Et le pire, c'est que Stéphanie, du coup, t'étais dans la même pièce quand il t'a trompé avec sa cousine. Dans la mais même en fait, comme elle passait le week-end chez nous, on lui avait laissé la chambre et on devait dormir sur le canapé. Dans et le maison. Soir, ben, il m'a carrément demandé, il m'a dit ça te dérange si je vais dormir avec elle. Ouais. Non, c'est classe. Au moins, il t'a demandé, tu vois. Et mais tu les as surpris. Ouais, ouais, c'est pas mal. Non, non, ben non, mais ben, j'avais surpris donc des messages voilà, assez explicites quand même. D'accord. Et après, donc, ben, moi, quand il m'a dit ça, j'ai été tellement surprise que sur le coup, j'ai dit, ben, bien sûr que ça me dérange, mais je ne sais pas, vas-y, fais ce que tu veux. Je pensais pas qu'il allait le faire, et en fait, si, si, il y est allé. Mais qu'est-ce que c'est que ce psycho, quoi. Putain, le mec dégueulasse, quoi. Il pourrait quand même faire ça ailleurs, quel connard. Ouais. Le la fille, en plus, était fiancée, elle avait un petit bébé de 6 mois. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oh là là! Comment bien se mettre le bordel, quoi? Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, comment bien foutre la merde! Il y a un message aussi qui est arrivé de Swaggy Pelican qui dit pélicanisation des organes avec vous. J'aime trop vous écouter à chaque fois. Je parle avec ma meuf et je lui dis je te laisse, il y a Mickaël. Oh le bâtard! Il y a Ternus qui dit je vous écoute depuis dimanche soir et je suis accro. Merci, sois le bienvenu, Ternus, un petit nouveau, ça fait plaisir ça. Et puis, bah, Ternus, d'ailleurs, un petit message rien que pour toi, Ternus. Alors attends une seconde, merde, j'ai perdu. Il y avait un message spécialement. Spécialement pour toi. Ah bah je l'ai perdu. Ah voilà, c'est ça. Il est arrivé, attention. T'as mis au mot, t'as récupéré sous ton front comme ça. Voilà. Bon, et message aussi qui est arrivé de Clem qui dit mais c'est chaud l'histoire de famille là. Megumi aussi qui est trop compliqué pour moi ces histoires-là. J'ai le cerveau comme des chewing-gums. Tu m'étonnes, c'est compliqué. Et le prince Eda qui dit oh le goujat le mec là, j'espère que Stéphanie n'est plus avec lui. T'es plus avec lui quand même. Non, non, non. Ben non, il m'a quitté pour partir avec elle du coup. Ah bah c'est bon. Et donc maintenant il se tape son. Il se tape sa cousine. Non, ben non, ils se sont séparés après parce que en fait, elle habitait assez loin de chez nous, genre 300-400 kilomètres. Ouais. Et au début, ils voulaient tout plaquer pour aller vivre avec elle, mais elle, elle voulait pas quitter son mec et son gamin, quoi. Et un jour, ben, elle est tombée enceinte de son copain, donc il a compris qu'elle se foutait de sa gueule et il a arrêté, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de psycho, là? Qu'est-ce que ouais, c'est que cette histoire de malade. Sérieusement. Bon, attends, il y a Angélique. Ah, merde, ça a juste raccroché avec Angélique. Au moment où, tac, j'allais la prendre, on va la rappeler. Je viens de vous mettre la photo, comme quoi, photo sans trucage. Je vous promets qu'il n'y a aucun trucage. Sur le Facebook de l'époque où il s'est passé un truc, certes furtif, mais un truc avec Katy Perry. Donc, allez voir hein, sur le Facebook de l'émission, là, facebook.com/Mickaël officiel. Vous allez voir et dites-moi si bah, si vous pensez que j'ai bien fait, effectivement, de m'en séparer ou pas. Quoi, voilà, en gros, est-ce qu'on formait un beau couple ou pas? Bon, bref. Ah, il y a Christopher qui dit t'as été en couple avec elle, oh my god, vous avez trop bien ensemble. Ouais, c'est vrai qu'après, je me suis dit que, mais bon, et Prisca aussi qui dit je vous quitte plus depuis hier, je vous lâcherai pas jusqu'à ma rentrée. Ah, bah, ça dépend quand est-ce que tu rentres, Prisca. C'est ça la question qu'on peut se poser aussi. Reste avec nous, Prisca. Bah, c'est ça, voilà. Donc, la photo avec Katy Perry sur le Facebook de l'émission, allez voir. De l'époque, alors je sais plus, c'était quand là? C'était en 2008, je crois, 7 6, 2007, je crois. 7. 2007. Ouais, c'est pour ça. Ça fait 6 ans. Bon, c'est bon, hein. Ça fait 6 ans. Vous allez voir, je n'ai pas changé. Non, tu es toujours le même, Mickaël. Vous allez voir, je n'ai pas pris une ride. Je n'ai pas vieilli, pas pris un cheveu blanc, rien. C'est comme Katy Perry. Vous étiez parfaite. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, facebook.com/Mickaël officiel. Allez voir, donnez vos avis. Et je vous jure que ce n'est pas, je vous jure, je vais dire sur la tête de Toff, mais ça vaut rien. Donc, je vous jure que ce n'est pas un photomontage. Je vous le promets. Ça va, Polo? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous jure, c'est la tête de... Ah non, ça vaut rien. Mais non, mais c'est vrai. Bon, on a récupéré Angélique, 21 ans de Bergerac, de Dordogne. Salut Angélique. Salut. Enfin, re-salut plutôt. Bah, qu'est-ce qui t'arrive Angélique? T'es malade de taxi, qu'est-ce que t'as? Mais c'est toi qui m'as refilé. Qu'est-ce que je t'ai refilé? Le mal de gorge. Oh merde, attends, si tu veux, j'ai un spray, là, ouvre la bouche. Ah. Voilà, ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Ah, tu vois, il suffit de demander. On est médecin également, à Fun. Oui, non, je réagis par rapport à un Anaïs. À un ami, c'est ça? À un Anaïs. Anaïs, d'accord, ok. Alors, vas-y. Ben, c'est son beau-frère qui l'a avec son beau-frère. Moi, c'est avec un copain. C'est-à-dire? Ben, mon ex m'avait trompé. Ça faisait 7 mois que j'étais avec. Il m'a trompé au bout de 4 mois. Mmh. Et je m'en ai rendu compte qu'au bout de 2 mois après. Et il m'a dit, je sais pas quoi faire. Donc moi, le choix, il a été vite fait. J'ai laissé, j'ai dit, c'est même pas la peine de revenir, quoi. Rester avec un mec qui te trompe, c'est pas la peine, quoi. Oui, mais ça, c'est clair. T'as bien fait, hein, pour le coup, Angélique. Mais il s'est passé quoi? Il s'est trompé comment? Enfin, comment? Je me doute bien. Mais je veux dire, c'est en détail, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec qui? Dis-nous. Avec mon meilleur ami. Avec ton meilleur ami. Oh là là là. Ah mais lui aussi, c'est un autre mec. Ah vous êtes fort. Ah oui. Mais enfin, mais c'est festival ce soir. Ça fait. Attendez, je vais poser une question qui fâche. Ça fait quoi les filles d'avoir rendu deux mecs gays? Bah, je pense qu'on a dégoûté des femmes. Hein. Ouais. Allez, les filles, je pense que vous pouvez vous en vouloir pour un moment. C'est ça. Bah, attends, toi, va vérifier si c'est dû à un truc en particulier ou pas, là, du coup. Alors, on commence ce pas. Non, Stéphanie, bah, Anaïs... on sait. Alors, Anaïs, combien mesures-tu? 1m55. Combien pèses-tu? Espèce d'enculé. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 115D. Pardon? Quoi? 115D comme, démesuré? Ouais, ouais. Donc comme il y en a là-dedans. Donuts. Comme donuts, oui c'est vrai, effectivement. La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 44. 44, oui, il y a peut-être des raisons en fait. Quelle raison, mais donc. Je dis ça, mais je pensais pas vraiment. Je pensais un peu quand même. Bon, attends, je parle pour toi, Anaïs, hein, pour toi. Hein. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, comme ça au moins c'est fait, hein, quand on a la gueule qu'il a, en plus on peut pas se permettre. Ouais. Et toi, Angélique? Oui, mais moi au moins mes meufs, elles partent pas avec d'autres meufs. Quel rapport? Aucun. Quel rapport. Bon bref, donc du coup, et Angélique, Tof? Angélique, combien mesures-tu? 1m75. Alors, 1m75, combien pèses-tu? Non mais calme-toi. Combien? 70. Quel est ton tour de poitrine? 95. Et la petite lettre? C'est, hein, c'est pas mal. Hein. Encore? Mais on a que ça ce soir. Oh là là. Z comme Zorro, tu vois. Et la taille du avec dernier... l'épée. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 44. 44, c'est honnête, c'est honnête. Et 95D c'est, non, c'est, pardon, c'est. Je me suis emballé là. C'est comme c'est bien. C'est bien. Voilà. D comme. Comme très bien. Tu vois, c'est très très bien. C'est très très bien. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire maintenant? Oui, donc, du coup, pour en revenir, parce que Stéphanie, on avait déjà fait le tour tout à l'heure. Donc, vous avez dégagé tous les mecs, c'est sûr, ça s'est fait, c'est plié. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et vous n'êtes pas devenu Gwyn pour autant? Ça va pas. Bah on sait jamais, après, regarde, les mecs ils peuvent bien changer d'avis, pourquoi pas les filles? Non. Elles pourraient. Ah non. Non, bon d'accord, ok, j'insiste pas, moi j'ai pas de problème. Très bien, bah écoute, voilà, comme ça au moins Anaïs, je sais pas si t'as rassuré, mais au moins tu vois que t'es pas la seule à avoir vécu ce genre de truc. Mm-hmm. Et puis, ben écoute, tu tomberas sur quelqu'un d'autre, Anaïs, quelqu'un de mieux, tu verras. Ah, je l'ai déjà, ça va. Oh, mais ça va alors. Moi, je pensais que t'étais encore sur l'histoire du gros con, mais en fait, plus du tout, là. Très bien. Bon, alors, ah, parfait. Non, c'est bon. Alors, c'est très bien. Bon, ben, je vous fais des gros bisous, les filles, Angélique, Stéphanie, merci. Anaïs. Et vous revenez bisous. Quand vous voulez. Je vous embrasse. Salut, salut, ciao. Salut, ah, attends, salut. Anaïs, reste avec nous. Il oui. y a Virginie qui voulait réagir aussi. Bah, Virginie, du coup, tu restes là, d'accord? D'accord. Et coupe ta radio, Virginie, comme ça il n'y aura pas d'écho, on va te reprendre dans un instant. Okay. Eh ben restez là, les filles, Angélique, Stéphanie, restez là, je vais vous reprendre. Okay. Pour une fois, j'ai quatre filles en même temps. C'est beau. Je vais quand même pas... Si, enfin, j'allais dire, je vais pas cracher dessus. Si, bien sûr, mais je veux dire, façon de parler, quoi. Je me suis mal exprimé, autant pour moi. Autant pour moi. Mais putain, va te faire enculer, là. Voilà, je le prends pour moi. Bon, Virginie, Stéphanie, Angélique, restez bien là, les filles. Il y a des messages qui étaient arrivés, puisque je vous avais mis la photo où j'étais avec Katy Perry. C'était en 2007, et donc, où il s'était réellement passé un truc. Promis, juré, ce n'est pas une photo montée, c'est une vraie photo, tout simplement. Et il y a plein de messages qui sont arrivés à Alison qui tirait mieux avec moi, Mickaël. Mort de rire. Bah et oui, peut-être Alison, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Lynn qui dit tu ne vas pas du tout avec Cathy, tu as bien fait d'arrêter cette histoire. Tu peux te taper mieux. Merci Lynn. Écoute, c'est gentil. Maxime qui dit beau gosse Mickaël, t'as raté une belle femme, Tof est jaloux, je pense. Oh, moi bah, j'aurais bien voulu. Bah, arrête ton cinéma. Quoi, attends, si moi Bouillaf Katy Perry, j'aurais bien voulu hein. Et Baptiste aussi qui dit je te crois Mickaël, vous allez trop bien ensemble, là, je vais écouter tous les soirs maintenant. Merci Baptiste. David qui dit tu l'as rencontré chez Madame Tussaud. Non, je vous jure que non, c'était la vraie. D'ailleurs, j'ai d'autres photos où on est encore ensemble avec dans des positions différentes. Non, je vous jure que c'était. Enfin, je me suis mal exprimé encore une fois. Ouais, ça fait plusieurs fois là déjà. Hein. Non mais voilà, j'ai d'autres photos, mais je vous jure que c'est la vraie. Il y a on Thomas peut pas aussi. La montrer, mais on a une sextape. Non. Tu te l'es faite, mort de rire, cochon, va. Oh non, ça a pas été jusque là, quand même. L'ange de l'enfer, Didou aussi, qui dit, t'as bien fait de la quitter. Mickaël qui dit, au con, vous êtes trop mignon, mais ne regrette pas d'être parti, car il y a mieux et tu peux trouver mieux. Ah non, mais, c'est moi qui me suis barré, hein, t'inquiète. Et Eric qui dit, il a laissé Cathy pour aller avec Jared Leto. Mais n'importe quoi, Eric. Je suis pas gay, je suis pas gay. Il y a Sheva aussi qui dit ok, rien à dire, respect. Bon, mais merci Sheva. Non, mais c'est bon, rien à voir avec Jared Leto. Je vois pas le rapport. Je sais pas, mais avec le sujet qu'on vient d'aborder, quel moi sujet j'en vois. Hein. Mais n'importe quoi. C'est un ami, quoi. Jared voilà. Est un ami. Exactement, et ce n'est absolument pas mon mec. Il est peut-être gay, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Mais moi pas, voilà. C'est pas parce que t'as des fantasmes dessus, Toff, que... Ah, franchement, moi qui a des Jared Leto, il veut me bouillave, y'a pas de problème. Oh là là. Oh la classe. Attends, j'ai le Corse qui veut te parler. Espèce d'enculé, va. Ouais, mais par Jared Leto. T'as un peu plus de classe, ouais, quand même. C'est différent. Vous connaissez les filles de Jared Leto ou pas? Non. Ouais. Jared Leto qui a joué avec Brad Pitt et qui est aussi le chanteur dans Fight Club, ouais. Et qui chante aussi dans 30 Seconds to Mars. Non. Et il est dans Lord of War aussi, c'est celui avec les yeux bleus. Ouais, Lord of War aussi. Ouais, il a des super yeux bleus. Bah, oui, c'est effectivement, évidemment. C'est lui qui sniffe la carte de l'Ukraine. Oui. C'est vrai. Bon, bah voilà, donc comme ça vous voyez à peu près à qui c'est. Puis sinon, vous regardez sur Google tout simplement. Bon, bah Virginie, Stéphanie, Angélique, vous bougez pas les filles. On va se mettre un petit peu de son là. Qu'est-ce qu'on va se mettre du coup? J'ai rien prévu là. Bon, qu'est-ce que vous voulez écouter les filles? Shootek, ouais, Virginie, t'as vu? Force. Bon, les autres êtes d'accord, Steph, Angélique et Alice? Ouais, ça a l'air de lui faire plaisir, donc ouais. Bon, alors tu vas écouter lequel, Virginie? Bouillant, Virginie. T'as vu, on va te bouillir comme Toff là. Par Jared Leto. Ouais. C'est parti, on se met maintenant sur Fun Radio. On revient juste après sur Fun, 1h55. Il y aura le top tweetos juste après. Continuez à lâcher vos messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter, évidemment. Bouya maintenant, les filles, vous êtes prêtes? Virginie? Ouais. T'es prête? Bah oui. Bouya, t'es sûr, t'as pas changé d'avis? Non. Allez, bah c'est parti, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Là. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Ta gueule, connard. Enculé de ta mère, t'es. T'as mis au mot, t'as calculé sur ton front, connard. 23h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Donc on est plus classe dans la bande FM. Voilà, 1h59, j'annonce, on est en retard. Ouais. Parce qu'il reste tellement de trucs à faire encore là, comment vous expliquer que... Bon, c'est pas grave. Bon, alors Virginie qui est de retour avec nous, on a encore des appels à faire aussi là pour voir s'il y a moyen éventuellement de pécho du PQ là pour nos amis vénézuéliens. Vous avez encore le temps les filles, on peut vite faire un petit appel là? Oui. Bon, allez, très bien. Avec un peu de bol, on va tomber sur un nouveau festival d'insultes. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, merci à vous, tous ceux qui ont envoyé des numéros de téléphone ce soir là. Ils ont été bons là, surtout sur l'autre là. C'était un Corse aussi qui nous a. Ouais, le Corse. Il était bon aussi. Hein. Ils sont bons en Corse. Ils sont très très bons. Je tiens à rappeler à nos amis Corse que l'espèce de gros enculé qui fait les appels, c'est Toff. Toff. Voilà. T-O-P-H. T-O-P-H. Il a une polo noire. Polo noire. Voilà. Enfin, donc s'il en reste, si vous voulez, la plastiquer. Ça sert à rien, elle est déjà plus très entière donc. Ah oui, très bien. Bon, allez, on fait un petit appel là maintenant, c'est parti. Allez, vérification. Bah, est-ce qu'on va trouver du PQ pour nos amis? Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce qu'au Venezuela, ils ont un petit problème, ils ont plus de PQ. Ah bah. Non, je dis, ils n'ont plus de papier toilette au Venezuela. Ouais. Et donc du coup je voulais savoir si vous vouliez pas faire un don, hein, un ou deux rouleaux. Ah bon, mais lui il a pas tout compris, on va le rappeler hein. Ouais, faut lui expliquer longtemps je pense. Ouais, on le rappelle encore un coup là. Attends. Attendez les filles, on arrive hein. On n'y croche plus. Quel lourdeau. Oui, excusez-moi, on a été coupé monsieur. Mais qu'est-ce que vous êtes là? Moi je suis Toff. Et vous qui êtes-vous? Vous êtes quoi? Moi je suis Toff. Toff? Oui c'est moi. Et ah, donc. Vous êtes Toff? Non je suis Toff. Toff? Oui. Et ça vous dit Toff? Voilà c'est moi. Oh putain. Ah. Et donc du coup je voulais savoir si vous vouliez faire un don d'un ou deux rouleaux. Et vous ne le faites pas enculer non? Bah non je me fais pas enculer. C'est... Ah pour les poules non? Non c'est pour les Vénézuéliens monsieur. Ils ont plus de PQ. Il y a eu un petit problème. Ah, avec moi il y en a un problème aussi monsieur. Oh putain on a fait le jackpot là je pense ce soir. Bon on rappelle encore un coup ou pas? Avec compris. Bon allez une dernière. Bon allez vite fait. Allez une dernière. Bon vite fait on verra. Oui je m'excuse monsieur mais je n'ai pas tout compris. Ah oui, c'était vite fait. Effectivement, il a rappelé. Il a raccroché de nouveau. Bon, bah, très bien. Bah, voilà, comme ça, c'est fait. En tout cas, on a essayé pour nos amis vénézuéliens. Ouais, on a fait ce qu'on a pu. Hein. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu. Bon, du coup, on récupère Anaïs, qui est toujours là. Son mec l'a trompé avec le mec de son frère, Angélique et Stéphanie, qui avaient réagi. Il y a Virginie également, qui est là de Vesoul. Là, Virginie, t'es de retour? Ouais, je suis là et je viens pas de Vesoul. Ah bon, mais c'est marqué Vesoul? Ben, je sais pas. Attends, Virginie, est-ce que je peux prendre ton téléphone en main et virer le kit main libre? Allô? Parce qu'on profite pas de ta belle voix et c'est dommage. Allô? Oui. On n'entend rien, Virginie, là. Faut que tu prennes le téléphone. Sors de ton tuyau. Enlève ton kit main libre ou le haut-parleur, je sais pas. Mais j'ai enlevé mon kit main libre. Mais non, attends, tu t'es sérieuse? C'est comme si je parlais qu'on était ici, là, regarde. Non, mais elle doit tenir son téléphone à l'envers. Ouais. Remets-le à l'endroit. Non, sérieux. Virginie, remets. Tu m'entends bien, Virginie? Ouais, je vous entends bien. Ah bah alors parfait. Alors faisons comme ça alors. Non mais si tout le monde s'entend bien, c'est très bien. Bon, alors Virginie, qu'est-ce que tu voulais dire? Il est à 20 mètres du micro. Virginie! Mickaël, il va bientôt aller faire l'émission de chez lui. Virginie! Mais qu'est-ce qu'elle dit? Bah elle dit rien. Non mais on n'entend rien, Virginie. Vas-y, rappelle-la, Sandro. On n'entend rien. Oh là là! Mais c'est tout un parcours. Mais Virginie, hé Virginie! Ouais, je vous entends. T'es la meuf du Nord? Ouais, c'est votre copine. T'es la relou, celle qui insulte tout le monde? Ah non. Et comment va ta copine, Amandine? Oui, avec Amandine, oui. Oh putain, on n'entend rien. Bon, je te raccroche au nez, Virginie. Voilà, c'est fait, je vais la rappeler, là elle va m'insulter. Bah, comment tu raccroches au nez? Pourquoi tu raccroches? Ah, connard! Oh, c'est bon! Ah, voilà! Ferme ta gueule, gros bâtard! Voilà! Attends. Ouais, allô. Ah ben voilà, bah Virginie, voilà là. Allez, dit, ça y est. Elle tenait à l'envers, je suis sûr. Mais oui, c'est certain, c'est certain. Bon, Virginie. De quoi tu es certain? Quoi? De quoi tu es certain? Bah que tu le tenais le truc à l'envers. Ouais, bien sûr. Eh, hey, il y a une meuf qui vient de Lens, elle voulait te parler, Virginie. Allez. Mais ouais. De quoi? Du 62. Bah oui, 62 en force, elle voulait te dire. Eh, tiens, je te présente Virginie. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah mais c'est vrai, elle voulait te parler, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais. Vas-y, va te faire enculer, voilà. Mais c'est vrai. C'est ça, ouais. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Virginie? Bah moi, il y a mon ex qui m'a trompé chez moi. J'ai dormi dans ma salle. Avec Amandine? Il t'a trompé avec Amandine? Bah mes couilles, ouais. Mon Dieu, non. N'en parlons pas des étrangers, si vous voulez. Dans ton cul, au connard. Non, mais il m'a trompé chez moi. Moi, j'ai dormi comme une chienne dans ma salle de bain. Il était en train de défoncer une autre dans ma chambre, en plus, c'est ça le pire. Mais qu'est-ce que tu fous là? Comment tu peux dans la salle de bain comme ça? Comme une chienne. Dans ma salle de bain, oui. J'ai compris, mais qu'est-ce que tu foutais dans ta salle de bain alors que lui était en train de niquer l'autre meuf dans ton lit? Excusez-moi, j'allais pas regarder ce spectacle de merde, hein, ça c'est clair. Hein. Mais il fallait virer tous les deux là. Mais ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais si vous avez vu l'engin, mon Dieu. Mais quel engin? C'était Amandine. Me parlez pas de cette étrangère, je parle de la grosse vache qui était là. Donc, Amandine, en fait, pour ceux qui viennent de débarquer, on l'a eu Virginie il y a 3 semaines au téléphone et Amandine est sa meilleure amie. Oui. Voilà. Elles ont failli faire un enfant à 3. Et paraît-il, effectivement, oui, c'est vrai. Ah qu'on bah, a... tiens, d'ailleurs, c'est possible de laisser un petit mot, mais pas de grossièreté, ça c'est clair. Bien sûr, alors vas-y, dis-nous. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà. Pff, n'importe quoi. D'ailleurs, si y a des personnes qui me connaissent, enfin plutôt moi qui me connaissent. T'inquiète pas, tout le monde te reconnaît, hein. Tu vas être une star en France. Non, mais c'est vrai. Moi, mais arrêtez. Ludovic et moi, on continue à se voir et voilà, il y a... Dis donc, Virginie, tu nous racontes ta life, là, ou pas, là? Non, mais ça, j'en dirai pas plus, voilà. Ah bah tant mieux. Personne n'a compris à part toi. Hein. Voilà. Bon, et Amandine, elle va bien? Moi, je la vois... Mais couille, oui. Ferme ta gueule, gros bâtard. Bon, et Virginie, alors le conseil est donné à Anaïs. Alors là... Ah bah parfait. Je pourrais pas... J'avais rarement entendu des conseils aussi pertinents. Ah ouais, Anaïs, là, j'espère t'as mis que... vraiment le doigt direct. Je suis désolé, Anaïs, hein. Oh. Non, mais t'es toujours avec, non? Bon, si. Oh, non. Ah. Je dors dans la salle de bain comme une chienne. Mais déjà, comment on dort dans une salle de bain? Parce que j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses, mais pas de dormir dans une salle de bain. Mais c'est la vérité. Oui, non, mais on veut bien croire. On veut, ben, elle s'est couchée par terre et t'as mal dormi. T'as dormi dans ta baignoire. Non, j'ai pas de baignoire, j'ai dormi comme une chienne par terre. Comme une chienne par terre dans un petit zone qui te niche. Mais t'as pas un canapé chez toi? Ben si, mais je voulais pas entendre ce qui se passait, ouais, voilà quoi. Okay, non, non, d'accord, ok. Non, non, c'est vrai, si tu préfères dormir par terre que dans le canapé, ok. Non, non, normal. Bah... Ouais. Mais elle voulait pas entendre ça. Non. C'est ça que tu voulais pas entendre. Aïe, aïe. Où ça? Ah, c'est ça que tu voulais pas entendre? Non? Non. Les bruitages sont faits par Sandro en direct, il faut le savoir. Bien sûr. C'est vrai. Il faut savoir que la journée, elle double des films de cul. Hein. C'est pour arrondir les fins de mois. Bon. Mais Virgé, en tout cas, ton témoignage nous va droit au cœur. Oui, il nous met sur le cul. Pas utile. Comment? Si, on a appris beaucoup de choses. Mais bien sûr que si, t'es toujours utile, Virginie, quand t'arrives là. Virginie, ouais. C'est quoi un arbre à cam en tête? Merci, Virginie. Ouh, ça sent. Attends, mais j'en remets encore un petit coup là. Bon, Virginie, allez, gros bisous et bonjour à Amandine. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, son adresse est 20 bis. Mais Virginie, je te jure. Bon, on sait que c'est 20 bis, mais on sait pas où. Bon, Stéphanie, Angélique et Anaïs. Bon, bah, du coup, désolé pour le dérangement. Hein. Ouais, bon, bah, gros bisous, les filles. On vous aime, les filles. Salut, ciao à vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bon, alors, 2h09, j'avais prévu, nous sommes à la bourre. Cyril qui dit trop cool qu'on continue comme ça, bisous à tous, merci Cyril. Il y a Apache aussi qui dit, moi je vous offre tout le PQ que vous voulez, il faut se soutenir quand des petits enfants sont dans la merde, c'est le cas de le dire. Merci à toi. Il y a Jaune aussi qui dit, moi je suis au bout du rouleau. Oh. Ouais. Et Pache qui dit aussi, mais qu'est-ce qu'elle est bonne tout à l'heure. Et puis Stéphanini qui dit, non, Let's Be Freaks, qui dit, mais elle est bonne ma Stéphanini. Et puis Charles qui dit, être flic a du bon mine de rien. Ah oui, c'est par rapport à tout à l'heure où le Marseillais, là, il arrêtait des gens pour vérification bien évidemment pendant qu'ils étaient en train de niquer dans la voiture. Voilà. Petit bon. Contrôle de routine. Oui, et continuez à donner vos avis également. On fera un petit topo demain matin, enfin demain soir plutôt dans l'émission à partir de 23h sur la photo que j'ai mise quand à l'époque où j'étais avec Katy Perry. Vraie photo, promis, ce n'est pas un photo trucage, c'est une vraie de vraie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs demain on appellera Capti pour qu'elle confirme. Non, on est un peu en froid là. Ah. Mais enfin bon bref, rien de grave. Par contre j'arrête et on n'est pas en froid avec Non, j'arrête bientôt. Je m'en crois avec lui, pas du tout. Donc voilà, donc allez voir, dites-moi si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. Hein, allez voir. Facebook.com/MickaëlOfficiel. Top tweetos, attention, ladies and gentlemen. Number 5. Oh, Mr. Steven. Mr. Steven qui a perdu une place, je crois. Oui. Il était quatrième tout à l'heure. Oui. À 1h du mat. Très bien. Numéro 4, donc c'est les auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission de 23h à 2h du mat. Où on était top tweet d'ailleurs depuis 23h. Donc parfait. On était au top. Bah, c'est le cas de le dire. Enfin, surtout les auditeurs, puisque c'est grâce à eux. Alors, bon, numéro 4. Fullness Hope. Très bien. Numéro 3. Alors, donc c'est Dame Snertic. Dame Snertic. Ah, il a perdu une place. Il y a tes deux billets. Dommage. Alors, ensuite, c'est Storm Dreamer. Très bien. C'est Pierre, ça, si mes souvenirs sont bons. Numéro 2. And number 1. Let's Be Free. Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Toff, il dit ouais, mais elle est même pas troisième. Elle est même pas deuxième et tout. Troisième, tout à l'heure. Je t'ai dit, elle va te faire une enfume. Elle va arriver. Hop là, elle va prendre sa place. En fait, c'est parce qu'elle, elle tweet sur tout le long de l'émission. Bah ouais. Et c'est pour ça qu'elle gagne. Exactement. Elle gagne, c'est elle. Mais pour exactement. Elle est de nouveau pas grand chose par rapport aux secondes ou elle a quand même pris l'avance. Aujourd'hui, elle s'est bien démerdée. Elle a 40 d'avance. Ouais, c'est pas grand chose. D'accord, ok. Bon bah voilà, bah, comme ça vous savez, bravo à Let's Be Freaks numéro 1 ce soir. Et puis on recommence demain évidemment à partir de 23h avec encore des cadeaux. GTA 5 qu'on remet d'ailleurs en jeu demain soir à partir de 23h avec encore des PlayStation 3. Demain ce sera le J't'emmerde également qui sera avec nous. Ah oui, demain ça va on va remettre le couvert. Hein. Si vous voulez jouer d'ailleurs, j'ai des lecteurs Blu-ray à vous offrir, vous appelez évidemment. Bon, vous faites un mail, c'est plus simple. Vous faites un mail à sandro@funradio.fr si vous voulez jouer au jeu du J't'emmerde. Le principe est simple, on appelle des gens, le principe, mettre un maximum de je t'emmerde dans une conversation et avant que le gars raccroche, pour mettre un maximum par rapport à votre concurrent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci à vous toutes et tous d'avoir été connectés. ce soir sur le Facebook, sur le Twitter, sur l'Instagram, d'avoir été nombreux et nombreuses à l'écoute de l'émission ce soir. Merci beaucoup. Bonne nuit Apollo. Bonne nuit. Bonne nuit Apollo, bonne nuit à Tof également. Mais bonne nuit. Voilà, et puis générique. Oh merde. Oh putain, j'ai oublié mon générique de fin. Oh, on va le faire en live. Ah bah c'est en Tof, trouve-le, trouve-le le générique de fin. Je vais le faire en live, ferme ta gueule de merde. Non attends, il faut un peu de musique. Il faut un peu de musique, il faut un peu de musique. Alors attends une seconde. Je me suis mis debout, je remonte mon pantalon. Bah ouais, putain, on a fait de la merde là, c'est vrai. Attends, on va le remettre, on va le remettre. Vous inquiétez pas pour tous les fans du générique de fin. Dédicace à Jérôme. Bien sûr, exactement. Alors attention, tu me dis Tof quand t'es ready. 3, attends, je te dis juste qu'il n'y a pas de pub au début. Ouais, c'est ça, parce qu'on met YouTube, hein. Désolé, ouais, mais bon. J'aime bien. C'est parti. En fait, j'ai rien dit. Toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encules ton oncle. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? C'est normal, on est en top 8. Espèce d'enculé. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Espèce d'enculé. Toi l'enculé. Faire enculer. Et toi, t'as un oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. C'est vrai. Allez, Léo. Suce ma bite. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, bonne nuit tout le monde. On se retrouve demain en pleine forme à partir de 21h, de 23h. Je dis n'importe quoi, moi. À partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Ciao. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. On Fun Radio. Et on est évidemment avec notre ami JV qui est là en pleine forme. Comment ça va? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal. Je suis en train de mater ta photo avec Katy Perry. Ouais, je sais, mais c'est une vieille histoire, c'était en 2007. Bon. Non mais raconte, elle fait quoi au lit? Mais on n'a pas été jusque là, hein. Bah, je l'ai viré avant parce qu'il y avait la laine. Ah. Il y avait un problème, ouais je sais, je casse un mythe. Tu préfères le coton que la laine? Oh. Tous les soirs tu nous en fais une. Ouais, hein. Tous les soirs nous fait une vanne de bien, merde. Moi, j'aime bien. Ah ouais, ça m'étonne pas, tiens, ça m'étonne pas. Donc oui, non, bah qu'est-ce que tu veux, c'est une vieille histoire, mais j'en parlerai au doc d'un problème de sentimental. Oui, c'est dommage, je n'ai pas sale. Mais t'as vu, moi pareil, moi tu sais, la laine j'en avais rien à foutre. Hein. Bah ouais. Le texte, t'as vu à quoi il s'arrête? Voilà. Non mais attends, mais à l'époque j'avais pas mon spray encore là. Voilà. Non, moi j'ai pas besoin de spray, hein, je m'en ouais, fous. Ouais bah écoute, mais toi tu t'en fous peut-être, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon bah écoute, voilà, c'est pas grave. Ouais. C'est la chose qui arrive. C'est dommage. C'est vrai. Depuis il est tombé sur des cons, ça m'a fait un peu de la. Ça m'a fait un peu de peine. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Ah. Pourtant elle s'est m'appelé, hein, mais je l'ai mis en blacklist. T'as raison. Ah ouais, t'as raison. Je l'ai blacklisté. Non, mais c'est vrai. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, parce qu'elle est revenue vers moi. Elle dit, allez, Michael. Je lui dis, ah, t'arrêtes ton cinéma là, c'est bon, arrête. Non, c'est vrai, il oui. Faut être franc, il faut montrer qu'il porte les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, t'as raison. Voilà, c'est ça, donc j'ai arrêté. Voilà. Bon, donc du son des floor cette nuit? Ben, on commence non, avec non, quoi? Non, du rock ce soir. JB qui pète un câble. Ouais. Le beau gosse de la night. Voilà, c'est ça. Non, qu'est-ce qu'il y a ici? Tu veux mettre quoi? Bah, je sais pas, moi. Non, mais demande pas ce que je veux mettre. Qu'est-ce que tu veux mettre, toi? Qu'est-ce qu'il y a de prévu, là? Danny Chotek, ça c'est très bien. Bah là, ils viennent passer, là, pour le coup. Hein. Vous passez Dimitri Vegas et Like Mike? Non, mais on va le mettre, si tu veux. Bon. C'est quoi le titre? C'est Mammouth. Mammouth. Ah bah c'est pas mal ça, dis donc. Pas Mammouth comme non, Mammouth. Non mais c'est Mammouth. Mammouth. Alors M-A-M. M-A-2-M-O-T-H. Ah Mammouth. Ouais Mammouth. Eh Mammouth de terre. C'est drôle ça. Arrête ton cinéma. Ah Dimitri Vegas deux, hein. Got it. Ok, c'est bon, parfait. Devriez faire une émission ensemble. Ouais. À part après les grosses têtes, t'étais deux cons. Marmotte. Ah, j'adore, moi j'aime bien. Ça ne m'étonne pas. Bon, et bah écoute, bah Dimitri Vegas alors, hein, c'est parti. Hein. Et juste et après, like oui, Liam. Eh bah, pas, si, peut-être. Bon. On verra. Ou Camaro, on verra. Voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde, il rencarte tout à l'heure avec Bruno à partir de 6h. Alors faites gaffe, il y aura peut-être un membre de l'équipe en moins qui sera décédé. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pour la bonne cause. Perdre Elliot contre un iPhone 5S, moi je le fais. Non mais c'est vrai, attends, Elliot il vaut quand même beaucoup moins que l'iPhone 5S. On dirait Elliot qu'on l'a aimé quand même. Voilà, c'est et ça. Que, voilà, on croit en lui. Exactement. Attends, imitation de Bruno. On va perdre Elliot. Et sur la tête des canards que ça, je vais le passer tout à l'heure à 6h. On va passer l'extrait. Très bien. Petite imitation d'Eliott. Petite imitation d'Eliott. Ah, ah oula, non, ça je peux pas là. Ça c'est. C'est quand il va s'exploser, il va y avoir un tremblement de terre en Europe, quoi. Voilà, exactement, l'écrasement total, l'écrasement total. Bon, mais bonne nuit alors. Hein. Et Bruno dans la radio tout à l'heure, remboursement des factures, l'alerte anti-relou, etc., etc. Vous connaissez le principe évidemment. Et l'iPhone 5S a gagné à partir de 6h sur Fun Radio. Bruno dans la radio sur Fun Radio. Ciao tout le monde. À demain. Allez, salut. Et puis on se quitte avec Dimitri Vegas comme promis. Like Mike, c'est Mammoth. Merde. Gouret de bouton, ça arrive au meilleur. Quoique non, c'est l'heure de JB là, c'est lui qui a fait de la merde. Non, c'est pas moi Jérôme. Si, si, si Jérôme, c'est lui, non, Jérôme le boss de la radio. Faut le virer.